Il s'agit du flow de caste. Ça pue ta mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute ah façon. Oui, oh, bonjour. Ça va. Oh, bonjour. Chialez pas. Chialez pas. Oui, alors faut expliquer aux gens. Oui, voilà. C'est l'épisode après annonce. Donc ouais. Nous, mais sauf que nous, on enregistre avant annonce, donc on ne sait pas. Voilà. Voilà, on ne sait pas s'il y a des. On n'a pas encore enregistré ni diffusé l'épisode où on vous annonce que c'est fini. Voilà. Mais et qu'on fait là, c'est. Je me rappelle quand même. Après, voilà. Et qu'on fait trois salles Playel. Voilà, bon. Voilà, faut c'est le dire aussi. Plein à l'heure où. Peut-être pas du tout. Peut-être c'est... pas du tout. Et là, c'est dramatique. Ah, on est dans une zone. Je regretterais peut-être d'avoir dit ça. Ne la nous semaine prochaine, je dirais bon. Je retire. Il pourrait regarder. Chialer et venez. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Alors, comme à l'accoutumée, on est évidemment avec deux invités, mais pas comme à l'accoutumée, j'aimerais faire une présentation de mon co-host. Oh, je vais chier. Je vais vous le dire. À 44 ans, il a déjà connu de nombreuses vies. Illustrateur puis comédien pour les moustaches, le francilien s'est surtout révélé à nous au milieu des années 2010 en tant que co-animateur du podcast Floodcast, à table avec des personnalités du cinéma ou d'internet. Lui et son binôme ont bâti l'un des territoires les plus du rire, les plus fertiles de ces dernières années et wow. Forment l'un des duos les plus brillants de l'humour français. Ça sera sympathique. Avec un sens aigu de la bonne vanne au bon moment, du jeu de mots qui tue et de l'imitation improbable. C'est vraiment la description d'un ringard. Il est devenu cette présence familière, mais imprévisible, qu'on adore retrouver à chaque épisode du Floodcast. Un chien là, ce qui me ravit. Hein. Écoute, c'est Adrien Méniel, mais ça vient d'où? Ça vient des 25 personnalités les plus drôles selon GQ. Wow. Quoi? Quelle vengeance sur la vie. Après avoir été un tweetos régulier, là récemment ils ont fait un article. Ah putain, j'étais même pas au courant. Ils t'ont pas donné ton petit trophée? Mais c'est quand même mieux que la merde qu'il avait écrit sur moi. C'est pour ça les tweets. Disait. Oui, c'était oui, pour ça sûr. Qu'il disait ça. Il avait dit. Il disait c'est pas le plus drôle, mais c'est le plus régulier. Tu fais, ouais, bon. Il disait genre GQ l'entité. Il disait le GQ là. Non, regarde, tu vois, t'es entouré de plein de gens. Il y a Laura Felpin, JP Zadi, Merwan Benazar. Je suis en quelle position? Attention, moi je vais voir. Il y a qui avant et qui après? T'es pas mal, t'es pas mal. T'es 7ème. Oh putain, attends, non, c'est fou. T'es au-dessus de Fanny Camara, Xavier Lacalle, Rosa Bernstein. Ouais. Je vois quelques noms, je suis très content d'être devant. Je dirais pas qui. Ah non, ouais, non, mais c'est pas une compète. C'est pas une compète, t'es devant Alain Chabat, donc calme-toi. C'est n'importe quoi, par contre. Mais bah, franchement, merci, je l'apprends. Ça fait plaisir. Voilà, donc merci. Alors GQ. Après, techniquement, j'ai 45 ans. Ah oui, ça a été posté avant. Ok, oui, ok, ok. C'était son birthday il y a pas longtemps. On peut l'appeler. Excuse-moi. 32 ans. Il n'y a aucun problème. Écoutez, je me suis désinscrit. J'ai supprimé mon compte Facebook. Donc c'est normal qu'on oublie mon anniversaire. C'est fou, hein. Puisque c'était la seule utilité de Facebook. Exactement. Alors comment tu l'as fait? Est-ce que tu as fêté ton anniversaire? Est-ce que tu as kiffé? J'ai énormément kiffé puisque j'avais loué une maison en Normandie, en bord de Seine. Si vous voyez de la pâte et un coq dedans, c'est normal, voilà, c'est lui. Hein. C'est moi. C'est voilà. Ce mec. Hein, donc je piétine dans la pâte allègrement et j'y suis allé en famille avec les gens que j'aime et c'était. J'avais une peur bleue qu'il fasse moche parce que la météo disait il va peut-être pleuvoir. Avec cette voix en plus. Il a fait un temps magnifique. Ouais. Donc c'était sublime. Voilà. Je pouvais pas être plus heureux. Un très bon anniversaire, Adrien Méniel. Voilà. Bon anniversaire, ça fait plaisir. Mais ça merci, fait plaisir. Merci. Alors effectivement, vous avez déjà entendu, nous ne sommes pas tout seuls. On n'est pas tout seuls d'ailleurs. Pour citer un célèbre rappeur, je sais que c'est toi la caution rap, mais on n'est pas. Je l'ai pas celle-là. Ah ouais. On n'est pas tout seuls. C'est pas ah putain, c'est pas Gradure. Attends, est-ce que je me ridiculise? Non, jamais tu te ridiculises. Gradure, c'est bon. Ok. Pas mal. Donc on n'est pas tout seuls puisque nous sommes avec deux invités. Et c'est un épisode un peu particulier. Il faut le dire. Oui. Il faut le dire puisque. Tu me regardes, mais c'est toi qui as tout préparé. J'ai tout préparé. Alors, la première invitée, vous la connaissez. C'est une habituée de la maison. C'est presque notre troisième cause tellement elle est venue. Mais c'est vrai. C'est la taulière. C'est la taulière. Elle vient. On est obligé de l'inviter pour cet épisode un petit peu spécial. C'est une actrice, autrice, metteuse en scène, stand-upeuse, tenancière de comédie club, dégueuleuse en chef et amie très chère. Pisseuse également. Mais elle a un nom de casquette, c'est incroyable. C'est Justine Lepotier. Bravo. Merci. La postiche. Wow. La postiche. Le postiche. On a envie de la mettre sur notre tête quand on est chaud. C'est simple. Oui. Bah, bien sûr. Et comment ça va, Justine? Ah, ben ça va bien, merci. Oui. Elle est notre deuxième invité. On a souvent parlé de lui ici, mais peut-être que vous ne le connaissez pas. Tête pensante derrière Golden Moustache qu'il a créé avec Adrien Labastir, membre du comité de la claque, qui est peut-être le plus vieux crew d'internet avec le Palmachot. Honnêtement. C'est vrai. Ça a combien d'années le comité de la claque, Mon Dieu, 2005, donc 20 ans. Quoi. Ça fait 20 ans. Il est aussi derrière la série Ma pire angoisse qu'il avait co-créé avec Romain Lancry. Et justement, il sort son premier film avec Romain dans le rôle titre qu'il a aussi co-écrit avec lui. Une belle histoire de binôme, j'ai envie de dire. Il y a aussi Elodie Fontan, Shane Bouteilla, Zabou Bretman, François Berliand, Josephine Drey et une pléthore de gens que vous devez connaître si vous suivez un petit peu le podcast, puisqu'il y a Julien Pestel, Simon Astier, Léonore Cos, Vincent Tirel, Julien Josselin, Thomas VDB et Justine Le Potier et Adrien Méniel. Le film s'appelle Ange et compagnie, Ange C-I-E, si vous le cherchez sur Ange Google. Ange au pluriel. Oui. Mm-hmm. Et si. Esperluette. Esperluette. C-I-E. D'ailleurs, vous demandez. On a rendu les choses un peu compliquées pour les gens. Pour la recherche, j'aurais dit, c'est pas assez facile de trouver un film, donc on va sophistiquer. Faut mettre l'esperluette, sinon en fait, on est perdu. C'est Ange. Point médian S Esperluette C-I-E point. Sinon vous ne le trouverez pas. Alors, en tout cas, son réalisateur, il est avec nous, et son co-auteur, c'est Vladimir Rodionov. Oui. Merci beaucoup. Merci. Quel plaisir de te recevoir. Quelle grâce. Écoute, c'est un plaisir d'être là. Vraiment. Ah bah, on là. Est trop. En plus, c'est assez marrant. C'est pas fait exprès, mais de te recevoir après l'annonce de la fin du podcast, j'ai l'impression qu'il y a une boue qui se ferme, parce que nos histoires sont intimement liées. Ah bah. Oui. Et c'est une émission un peu spéciale parce qu'on va revenir un petit peu sur l'époque Golden Moustache. Oh oui, j'aimais pas le thème. Oh, j'adore. Mais oui, Golden Moustache qui a 12 ans et qui va sur ses 3 ans. C'est-à-dire que si vous êtes né en même temps que Golden Moustache, vous avez le droit de regarder Scream et Seven, ce qui est quand même pas mal. Et avant de. Tu veux que je monte le son ou que oui, je le baisse? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Sûr, j'ai pas de son en fait. Mais fallait me le dire. Et bah là, oui, voilà, là, ça y est, super. Ah, mais oui. Oh oui. Oh, et franchement, quel professionnel. Quelle voix suave. Un vrai professionnel, parce que pour moi, tu l'avais le son. Non. Vraiment, très bien joué. Donc oui, Golden Moustache va sur ses 13 ans et j'aimerais qu'on revienne sur un peu. Alors, on va pas tout faire exactement, on va essayer. Du coup, il y aura pas le jeu du Floodcast. Il y aura pas le jeu du Floodcast, mais. Ah non, mais. Je demande. Il faut se défaire de certaines mais choses. Mais il y a un petit jeu. Il y a des petits jeux. Il y a des petits jeux à droite à gauche, Adrien. J'espère bien. Je vais pas te lâcher comme ça. C'était mon anniv quand même. J'ai un petit jeu aussi, peut-être, en fin. Oh, oh là là, ça j'adore quand ils viennent avec des jeux. Oh, non, Adrien, mets-moi une patate. Donc, le 8 novembre 2012, c'est le jour pile où Golden Moustache a été lancé. Mais avant, j'aimerais quand même rappeler aux gens, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, des gens qui avaient peut-être même ne regardaient pas Golden Moustache. Ils n'étaient pas nés. Bah, pas nés, c'est possible. Ouais, c'est possible. Des gens qui n'étaient pas nés, en tout cas, des gens qui étaient très jeunes. Il n'y a pas des gens qui ont 13 ans qui nous écoutent. Oh, des jeunes de 13 ans fans des imitations d'Yves Montand. Si, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, il y en a énormément. Il y en a à voir. Il faut rappeler que l'Internet en octobre 2012 n'a rien à voir avec Internet de maintenant. Eh, y a pas les TikTok, j'ai envie de te dire. Non, mais j'avais noté quelques trucs. Cyprien n'avait même pas 1 million d'abonnés. Le nul. Facebook venait d'acheter Instagram. Et Hugo Décrypte n'avait même pas son bac. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment il y a très longtemps. Décryptait très peu, j'imagine. Ouais, enfin, pas professionnellement. Décryptait ses cours et il se débrouillait, quoi. Je pense qu'il décryptait sur son temps libre. Ouais, il devait décrypter déjà, je pense. Voilà. On lui demandait s'il décryptait avant que ce soit son métier. Franchement, si tu nous écoutes, Hugo, est-ce que tu décryptais déjà à l'époque? Est-ce que c'est un truc que tu fais depuis que t'es tout petit? Mais j'aimerais revenir avant le lancement, Vladimir. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Est-ce que c'était. Toi, tu étais à la base du projet, on est venu te voir en disant on aimerait faire ça. Comment ça s'est passé? Moi, à l'époque, j'avais le comité de la claque qu'on avait fondé avec Romain Lancry, qui est dans le film aussi, Ange et compagnie, avec Lou Denis et Lyon, avec plein de camarades, fondé en 2005, donc avant YouTube. Mmh. C'est-à-dire qu'on était YouTubeurs avant même que ça existe, quoi. Vous postiez sur Real Player, des trucs comme ça? On avait créé notre propre site. J'avais demandé à un étudiant, ça avait mis un an pour créer le site, quoi. Genre, la vache. Enfin, c'est vraiment ça, c'était la préhistoire. On a l'impression que je parle d'un temps. Voilà. Et donc, on avait fait ce collectif de faire des vidéos sur Internet. On avait pu faire de la pub ensuite parce que ça avait bien marché. Les gens étaient venus nous voir. Ah, vous faites des contenus pas chers, marrants. Est-ce que vous pouvez le faire pour des pubs pas chères aussi, s'il vous plaît? Et puis ensuite un peu de télé, etc. Ce qui était un peu l'objectif à l'époque, parce que être youtubeur n'était pas un métier. Oui, Internet était un tremplin en fait. Exactement. Ouais, exactement. Une vitrine même. Voilà. Et donc je savais faire des vidéos pas trop chères. Et Adrien, que j'avais croisé pendant mes études. Alors Adrien Labastir, pas moi. Pardon, pas Adrien Méniel, effectivement. Ouais. Ça aurait été rigolo, mais. Adrien Méniel, le businessman, comme on l'appelait à l'époque déjà. Il palpe. Ouais. J'avais un énorme téléphone portable. Je disais, non, mais vendez. Gordon Gecko. Michael Douglas dans Wall Street. C'est ça. J'avais les cheveux plaqués en arrière. Des bretelles. Des bretelles. Ouais. Pardon. Pardon. Et donc du coup Adrien Labastir est venu me voir en me disant voilà, j'ai vu Funny or Die, j'ai vu comme College Humor, ouais, qui sont des sites qui marchaient bien à l'époque, qui recensaient, qui étaient un peu comme 10 minutes à perdre en fait, ouais, mais en plus gros, c'est-à-dire qu'ils, ouais, recensaient du contenu marrant et en même temps en publiant du contenu original, des vidéos, etc. Avec un crew de gens voilà, qui étaient récurrents. L'auteur qui était, je crois que Funny or Die, il lançait par Will Ferrell et Adam McKay, donc ouais, il y avait déjà un peu des. Parce qu'ils sortaient du SNL, donc ils, ouais, avaient un peu des entrées. Et vous, vous avez peut-être vu des gens qui nous écoutent, il y a des sketchs qu'on cartonnait, parce qu'ils invitaient parfois des guests, des. Voilà. Donc c'était un truc un peu vrai et c'était un peu votre rêve. C'était la rêve à l'époque de se dire voilà, c'est ça qu'il faut faire. Adrien disait bah, faudrait faire ça en France. Et il m'a appelé en disant alors combien ça coûterait de faire une vidéo comme ça, ouais, formellement sans. Ouais. Je lui ai dit bon bah voilà, tu fais un vague de vie vite fait en disant voilà, on pourrait peut-être s'en sortir en faisant des vidéos pas chères, des vidéos moins chères pour un peu d'argent. Bon, ok, ok, il avance. Bon, avec qui on le ferait? Bah, je sais pas, moi il y a les mecs du Golden Show, je trouve que ils sont super bons, je les connais un peu, voilà, on va Poulpe et Davy, etc. Et François Descraques. Et donc, du coup, bah, peut-être, viens, on va aller voir, machin, etc. Et en tout cas, il faudrait faire un truc un peu comme ça. Et au bout d'un moment, bah, qui on pourrait prendre, et ainsi de suite. Et le truc s'est fait, c'est-à-dire que je suis devenu petit à petit à la fois producteur, directeur artistique, directeur d'écriture. Les choses se sont faites comme ça, un peu. Au fur et à mesure, puis à un moment donné, on s'est dit bon, bah ok, là, il y a un peu d'argent d'M6. Ouais. Bah, on peut se lancer, il faut recruter des auteurs maintenant, ok, bah je vais recruter des auteurs. Et donc, puis, c'était voilà, à ce point informel. C'est-à-dire qu'il y avait cette envie, mais vous n'êtes pas dit, allez, en septembre, on lance un truc. Si, à un moment donné, c'est devenu de plus en plus formel. Ouais. Mais moi, il m'a eu petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit bon, bah, ça va être un boulot, je vais faire ça un tiers-temps, aller vaguement un mi-temps au début pour lancer le truc, mais j'ai mes propres vidéos, je pensais pas du tout que ça allait être une des plus, ouais, grandes aventures créatives de ma vie, quoi. Ouais. Oh, je vais chialer. Je suis émue. T'es très sensible en ce moment. Mais non, mais ce que vous m'avez dit, la fin, tout ça. On parlait de Golden Moustache, excusez-moi, mais j'ai un petit cœur, quoi. Redresse ton micro. Oui. Un petit peu. C'est parce qu'il est abattu, lui aussi. Ouais, je comprends. Elle est enlevée mes taxes au micro. Ouais, non, mais c'est vrai. Il baissait la tête. Il était pas bien, le pauvre. Donc ça c'est un peu avant. Alors tu dis, tu parles de Davy Poulpe, des gens que moi je me souviens parce que je suis arrivé assez tôt dans le processus. Toi t'étais stagiaire au Golden Show. Au Golden Show, ouais, même à Ankama. Donc je faisais plein de choses. Oh, c'est le là où, geek. C'est là où j'ai, écoutez-moi bien, jamais touché à un jeu d'offus de ma life. Je montais des trucs que je ne comprenais pas. Moi je l'avais fait parce qu'il y avait des sketchs. Et c'est là où j'ai rencontré moi Justine Le Potier. Oui. Quand même à l'époque. Dans les petits couloirs. C'est une de mes plus vieilles amies de ce métier, Justine Le Potier. Et même ouais, en vrai celle que j'ai encore proche, en vrai. Aussi proche en tout cas. Regardez les rires sous les yeux. et c'est vrai que moi j'étais. Et d'ailleurs, quand on s'est, nous, toi et moi, Flo, rencontrés, croisé, Justine était là. Justine était la première fois que j'ai vu Flo. Eh oui. Karate c'était... Boy, saison 2. Oh putain, c'était sur Karate Boy. On jouait Boy. Les méchants tous les deux. Et quoi, je t'étais vois. T'étais déguisé en balai en chiottes. C'est ça, exactement. Et toi, tu étais l'enfant du soleil. Oui, voilà. De deux écoles, deux styles. Ouais. T'étais l'enfant du Sahel. Oui, c'est vrai que tu étais les deux. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans la cave de Kama à l'époque. Et ouais, donc quand tu étais Vladimir à la recherche de gens, moi j'ai mon plus lointain souvenir de Golden Moustache, c'était chez toi, je crois, parce que tu faisais les réunions chez toi et il y avait plein de gens, c'est-à-dire qu'on était très nombreux, il y avait beaucoup d'auteurs dont des gens qu'on connaît encore. Alors je sais pas si t'as des noms qui te souviennent, moi il y a Arthur Perrier-Pilu que je crois encore, qui fait bien des sûr vidéos pour Natou en ce moment, entre autres, qui est auteur pour des concepts sur internet, mm-hmm, entre autres, et je sais qu'il faisait partie de la team et il y avait plein de gens, mm-hmm, et ce qui est un peu marrant, et dis-moi si toi tu l'as vécu pareil Vladimir, au bout d'un moment, il restait les gens qui n'avaient pas grand-chose d'autre, quoi. C'est vrai, au début, c'est-à-dire que tous, ils ont été pris sur des... Il y avait la grande mode à l'époque des talk-shows. C'était le début de TPMP sur France 4. Je sais plus. Non, c'était déjà D8 à l'époque, D8, peut-être. Il y avait une émission de Florian Gazan. Je sais qu'on a pris pas mal aussi. Genre, il y avait 3-4 auteurs qui étaient là. Ils ont fini auteurs chez l'émission de Gazan, etc. Et il restait quelques personnes, donc... les sur les 4 Raph, Julien, Jocelyn, Tyrell, Wam, et il y avait qui d'autre? Toi, Vladimir? Oui, ouais, non, vaguement, très rapidement, c'est ça, parce qu'en ouais, fait, et c'est, moi j'ai essayé de réunir des gens qui venaient un peu du stand-up, ouais, j'ai essayé de réunir des gens qui venaient un peu de la télé, j'ai essayé de réunir des gens qui venaient un peu d'internet, et finalement, ben, logiquement, c'est ceux qui venaient d'internet qui avaient pas encore forcément le réseau ou les contacts, etc., pour travailler en télé là où c'était payé. Ouais. et du coup, qui sont restés. Et en même temps, c'est aussi, à mon avis, en affinité. On s'est vite entendu, en fait. On était à peu près sur la même longueur d'onde, venant d'Internet, moi aussi. Il y avait quelque chose, même si vous aviez à peu près 10 ans de moins que moi. Ouais. Il y avait quelque chose qui marchait en termes d'état d'esprit, je pense. C'est ça qui a pris, ouais, en tout cas, entre vous quatre et puis moi au début. Bien sûr. Ouais. Et je sais pas si c'est très clair pour les gens, mais donc effectivement tu étais, parce que j'ai dit que t'as co-créé, mais t'étais le directeur artistique, donc c'est toi qui chapeautais en gros tout comment ça se passait. T'aurais dû plus chapeauter mon écriture. C'est quel rappeur, ça ? Non, mais c'est vrai que tu gérais un peu quel sketch, pas comme un censeur, mais comme quelqu'un qui accompagne, je me souviens en tout cas. Oui, l'idée c'était de... On cherchait ce que pouvait être Golden Moustache, parce que fallait que ça ressemble à quelque chose, on savait pas encore quoi. Oui, c'est, alors ça d'ailleurs j'aimerais y revenir, parce qu'en fait là, peut-être les gens qui ont connu Golden Moustache, peut-être ils connaissent Suri 4, les sketchs de Raph Descraques, de Julien Jocelyn, etc. Mais au tout début, c'est vrai que c'était un peu le bordel, Golden Moustache. Il y avait les Hernadettes. Il y avait les Hernadettes, c'était même la première vidéo, puisque c'était sorti pour Halloween. Même avant la sortie du site. Du site, ouais. Ouais, c'est ça, les Hernadettes, l'histoire racontée par les chaussettes, pardon, de Yacine et Dedo. Bah, j'étais très très fan depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, c'est l'occasion, c'est Davy qui m'en avait reparlé. Il m'avait dit, ah ben, tu te souviens, ah ben oui, l'histoire racontée par les chaussettes, j'adore, c'est tellement rigolo. Et puis c'est un format qui peut exister à ce moment-là que sur Internet. Donc c'était amusant de se dire, tiens, ben, on va aller les voir, on va voir s'ils veulent en faire d'autres. C'est ça, il y avait la Michorée, il y a plein de gens qui ont testé des trucs. Et il y avait donc le site, et même ça a été moi mon premier boulot payé par Golden Moustache, et c'est pour vous dire à quel point Golden Moustache se cherchait à l'époque. C'était, ils avaient fait un truc un peu marketing pas ouf, on peut le dire avec le recul, où t'avais un QR code pour dessaper un mec et une meuf, et ça t'abonnait à la newsletter, au Facebook peut-être. Facebook, je crois. Facebook dans un centre commercial, et en fait, plus si tu lui rejoignais le Facebook, ça enlevait un pixel du truc. Et donc moi, j'ai passé une journée aux quatre temps, je crois, enfin le centre commercial de la Défense, je sais plus comment il s'appelle, et à filmer des gens qui faisaient les trucs et tout. Et ça a été mon premier taf avant d'écrire des sketchs. C'était mon plus vieux souvenir de la moustache. On a cherché plein de trucs. C'est ça. Donc évidemment, en marketing, ils cherchaient aussi. Parce que c'était ça aussi à l'époque. Beaucoup, il y avait beaucoup de marketeurs qui cherchaient des concepts sur Internet. Marketeur, qui est pas un gros mot dans ma bouche, mais qui cherche en tout cas des façons de faire parler de leur site, de créer un truc pour que dès le début, il y ait un peu d'intérêt, au moins de certains, ce qu'on appelait déjà des influenceurs ou des gens qui regardaient un peu. Donc sur tiens, on fait des vidéos bien, mais il faut quand même qu'il y ait des gens pour les regarder. Donc misons sur le cul. c'est une méthode qui café, c'est qui est imparable, hein. Ouais, et sur Internet principalement. Est-ce que et moi j'avais dit au début un groupe d'auteurs pour créer un groupe d'auteurs un peu cohérent, c'est 3 à 6 mois, donc ça va mettre un an à marcher à peu près. Ouais. Je m'étais dit voilà, ça peut pas être d'un coup comme ça. On va pas, c'est normal. Tu crées, tu fidélises, tu cherches ton style aussi. Et là, la vraie grosse surprise, c'est que au moment du lancement, il y a eu la vidéo de Raph, voilà. Les cracks, voilà, dans laquelle il y a déjà le pote. Donc le jour où la Terre s'ébranla. C'est ça. Exactement. Qui a changé de titre, parce que ça, c'est un autre truc qu'il faudra qu'on parle, mais qui maintenant s'appelle The Earth Stopped Masturbating. Ouais. Parce que The Earth Stopped Masturbating, parce que le sketch avait pris à l'international, ce qui était assez fou. Non, on l'avait appelé en anglais dès le début. Ah ouais. On trouvait pas un meilleur titre. Ah ok. Parce que je me souviens très bien, il disait, j'arrive pas. Si tu avais un meilleur titre, c'est mieux là, non ça. Alors c'est les autres sketchs après. Voilà. Les autres sketchs après. Je me souviens, il y avait le parfois on rajoutait le titre en anglais derrière, en anglais. Parce qu'effectivement il y avait sur la vie sexuelle des jeux vidéo, t'as raison, voilà, c'est sur la vie sexuelle des jeux. Et donc le sketch de Raphaël Descraques où il y a Justine Le Potier qui est déjà là qui vient. Est-ce que tu te souviens du tournage toi à l'époque? C'était Roots quand même. Oui, mais comme je tournais pas à l'époque, à partir du moment où on m'a appelé, on m'a dit c'est pour un truc quand même un peu pro et tout, j'avais fait quoi? M6. Je suis trop contente. Je sais même pas si j'avais conscience que c'était M6. Ouais. Mais en gros, je crois que c'était toi qui m'avais appelé Vlad et qui m'avait dit. Est-ce que je te connaissais, mais je sais plus d'où. Probablement. Moi, c'était des mieux qui se croisaient. Complètement. Et en fait, je me souviens qu'on tournait plusieurs sketchs la même journée. Ça, je me souviens. On avait fait le sketch de Vincent Tirel. L'arrosoir. Non, c'était pas ça. Oui, où je sous la crois. Pluie. Et on en avait un autre. Mais franchement, la pluie, et il y a franchement le parking, et il y avait franchement la conduite. Qui étaient les sketchs de Vincent Tirel, qui s'appelaient franchement. En fait, il y avait des sketchs très absurdes, mais qui se tournaient en deux plans, quoi, quasiment. Ouais. Exactement. Donc, du coup, c'était mon tricks, en fait, parce que la vidéo qu'avait écrite Raph, elle coûtait très cher, en réalité, parce qu'il y avait plein de décors, fallait tourner sur 2-3 jours, etc. Donc, pour dire à Adrien derrière, regarde, ça coûte pas cher. J'insérais comme ça avec la même équipe une petite vidéo de Vincent qui se tournait en une heure et ça m'a permis comme ça de faire qu'on ait une, entre guillemets, une grosse vidéo. Aujourd'hui ça serait moins vu comme ça, mais à l'époque c'était vraiment fat. Et heureusement que t'étais là pour ça, parce que ça c'est des trucs, nous on avait aucune conscience de ça évidemment, parce que je dis un peu roots avec le recul d'aujourd'hui, mais je te rejoins complètement. Pour nous, c'était complètement pro. Il y avait des caméras, il y avait un peu de lumière. Il y avait un 5D, waouh! Non, mais il y avait une journée de tournage organisée où il faut arriver à une heure et il faut finir à telle heure. Il y avait une feuille de service. Il y avait une feuille de service. Il y avait une cantine. Ouais, il y avait une cantine. C'était pas bon, mais il y avait une cantine. Non, il y avait des sandwichs achetés par Vanessa Bria. Bien sûr. J'étais pas difficile à l'époque. Bah oui, c'est vrai. C'est après où tu nous as. Après, j'ai demandé. Le Meurice, tout à chaque midi. Non, c'était une toute petite équipe. C'était, c'était effectivement un peu à la bonne franquette. Ouais. Bah moi, j'avais 20 ans, donc en plus, imagine, c'est la jeunesse, quoi. J'avais 20 ans. Non, mais c'est là où tu dis que c'est Hollywood. C'est vrai qu'il y a vraiment ce truc-là. Et moi, j'étais contente parce que du coup, du fait de cette économie-là, quand tu joues, t'étais engagé, entre guillemets, à faire une journée de tournage, ça voulait dire que t'allais faire 2-3 vidéos potentiellement, tu vois. Au lieu d'une, donc je suis là, oh, trop bien et tout, on me voit dans toutes les vidéos de Golden. Non, c'est juste, ils ont pas de pognon et qu'ils t'exploitent la même journée, quoi. Et je me souviens, je t'ai versé de l'eau très froide pendant une heure sur la gueule. Ah ça oui, faisait, je m'étais fait un brushing avant en me disant, j'aimerais bien avoir des jolis cheveux dans la vidéo. Et Vanessa m'avait dit, laisse tomber, meuf, tu vas te prendre des seaux d'eau dans la gueule. Et je suis là, oh, putain. Mais c'est ça, c'est que tu étais là, Flo, tu venais aider, tu ouais. mettais de l'eau, effectivement. Tout le monde contribuait partout, on portait les caisses, comme quand j'avais commencé moi sur le web, quoi. C'était vraiment très artisanal. C'était M6, mais c'était très artisanal. En fait, d'être payé pour une vidéo, même si c'était effectivement très petit, on était payé. C'est un truc qui n'existait pas à cette époque d'internet. On était où... jeunes, surtout. Ouais, c'est ça. C'était les débuts pour nous. Ouais. C'est ça, exact. Alors que maintenant, qui se compalpe ? Non, bah, non. On est actuellement sur une table en or, il faut le dire quand même aux gens. Donc oui, tu t'as répondu déjà un peu à ma question. Tu t'attendais pas à ce que ça prenne comme ça aussi vite. Pas du tout. Dans quel état d'esprit t'es toi à ce moment-là quand tu dis oh putain ça pète un peu? J'imagine que Adrien Labastide ou enfin en tout cas des gens un peu autour sont en mode oula oula oula il y a un truc à faire. Comment toi tu dis bah faut continuer à te lancer, faut, parce que moi il y a un truc qui m'a toujours touché. J'aimerais aussi remettre ça peut-être dans une espèce de contexte de l'époque, parce qu'on a toujours dit il y a Beagle et Golden Moustache qui étaient effectivement deux crews de gens d'internet qui font des vidéos. La vérité c'est que c'était une époque où YouTube eux-mêmes avaient lancé une grosse quantité de chaînes YouTube humoristiques. J'ai un peu oublié, je crois qu'il y avait un truc. Il n'y a pas que de l'humour, ils avaient lancé une dizaine de chaînes. Oui, oui, donnaient de l'argent en avance. Nous, ça ne nous concernait pas parce qu'on n'était pas indépendants. Et les gens faisaient le mélange en fait. Ils pensaient qu'on était lancé par YouTube alors que pour le coup, c'était de l'argent, un tout petit peu d'argent, mais de l'argent quand même d'M6. Et Beagle, à l'époque, n'était pas à Canal encore. Non. C'était racheté plus tard. Mais eux, c'était l'argent de YouTube. YouTube au début pour lancer pour amorcer mais la pompe. Qui était beaucoup plus pensé, effectivement, comme tu dis. Enfin, en tout cas, il y a un truc que moi, que j'ai trouvé plutôt chouette avec Golden Moustache. Alors, Raph Descraques avait déjà 2-3 trucs, Julien Josselin aussi, attention, mais c'était plus les no-name, entre guillemets. C'était un peu des gens qui n'avaient pas encore fait trop de trucs, alors que les autres chaînes, il y avait des gens un peu connus. Bah, Studio Beagle, en l'occurrence, c'était plein de gens qui avaient déjà fait des vidéos, etc. etc. Mais Beagle, ils sont allés chercher des gens qui étaient déjà... qui marchaient bien déjà sur leur chaîne perso, quoi. Exactement. Pour les mettre ensemble, pour faire des sketchs. Voilà, pour faire un coup un peu de Avengers, entre guillemets, du web. Ouais. C'est ça. Alors que moi, mon réflexe, mais c'était pas pensé, hein, c'était de partir des gens qui écrivent. Puis après, on verrait bien. Mmh. Il se trouve que les gens qui écrivent aussi l'ont incarné, etc. Pas toujours d'ailleurs avec toi, Flo. Ouais, Laurent, au début un peu, et puis après, c'était un choix de Flo d'arrêter. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Mais donc, du coup, ça partait vraiment des auteurs et du texte. C'était une autre approche qui était la mienne parce que j'ai toujours fait comme ça, mais c'était pas réfléchi. Toi, Adrien, tu nous as rejoint un petit peu après. La deuxième saison. Deuxième saison. Est-ce que quand c'est arrivé, tu te souviens de l'avoir vu, vécu comment comment t'as observé le truc? En fait, moi, à l'époque, j'étais illustrateur. C'était mon métier, illustrateur, auteur de BD. Donc tu t'appelais AK? Est-ce que j'avais encore le... Oui, non. Bah oui, parce que... Oui. Donc j'avais encore ce pseudo-là. J'étais un peu aussi en dépression chez moi. Et en plus, moi, comme tout le monde, j'avais vu l'arrivée de Golden Moustache. Donc je regardais les sketchs et tout. Et je me disais, ça doit être tellement bien de faire ça, quoi. Mais sans jamais me dire... je pourrais le faire, tu vois. Moi, j'étais vraiment la vidéo et tout. Ça n'avait jamais été... l'audiovisuel avait jamais été mon métier et tout. Donc du coup, je me contentais de rêver de ça. Et en parallèle, il se trouve que je faisais, c'était l'âge d'or de Vine, qui était une app qui est un peu l'ancêtre de TikTok, où on faisait des vidéos qui duraient 6 secondes maximum. Et c'est vrai que moi, mais je le faisais vraiment sans aucune ambition, mais je faisais des vidéos sur Vine et des vidéos humoristiques, quoi. Et un jour, c'est Vanessa Bria justement qui m'avait envoyé un message sur Facebook pour me dire est-ce que on cherche des auteurs pour la deuxième, Vladimir cherche des auteurs pour la deuxième saison de Golden Moustache. On a pensé à toi. Est-ce que ça te dirait de faire un essai, quoi, en tant qu'auteur? Donc comme t'as dit, t'étais encore une fois parti de gens. Enfin après moi, j'écrivais un peu de BD, quoi. Donc t'étais effectivement parti des gens qui a priori écrivaient de l'humour, parce que moi j'avais jamais joué à la comédie ni rien, quoi. Et t'avais fait des petites apparitions parce que c'est un des trucs aussi de Golden Moustache que je trouvais chouette, c'est que il y avait quelque chose de quand on connaissait des gens marrants, on avait envie de leur dire mais venez, ça a été le cas de Justine qu'on connaissait via French Nerd, mais Adrien pareil, c'était on t'avait vu dans des sketchs on m'avait vu dans Golden Show. Golden Show, t'avais quand même on croisait à des, il y avait vibe, on se partageait mais les... c'était en tant que bah tu vois, c'est le gars, on va le mettre dedans, mais qui est marrant, il y avait quand même un truc de on aimait ce que tu faisais, ouais, on te connaissait vite fait et on se disait. Enfin, je dis on, je suis pour rien du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est moi, à aucun moment, je me disais, oui, bah, je suis tout bonnement comédien, quoi. C'était bien genre, sûr, je vais faire une apparition parce que les gens me trouvent marrant. Mais jamais je me disais, oui, parce que mes talents de comédien, en fait, que les gens célèbrent. Mais t'étais venu dans le dernier sketch sur E4. Exactement, pardon, c'était ça. Non, mais en plus, t'as raison, parce que c'est. Un peu avant. Chronologiquement, c'est avant. Comme les sur E4, vous aimiez bien mes vines, et c'est comme ça un peu que aussi je voyais qui vous étiez et tout. Vous m'aviez proposé de jouer Hulk dans Super Hangover en slibar et Méniel. Alors plus qu'en slibar parce que moi je me souviens on y voit le cul. Oui, parce que justement je me souviens encore tout à fait où j'étais quand j'ai eu le coup de fil, c'est Rav Dekra qui m'avait appelé, mais je sentais que il y avait au moins Julien Josselin derrière qui était un peu genre vas-y demande-lui et tout. Et en gros mais il disait, comment il te l'a annoncé, il t'a dit tu vas être à poil sur justement c'est ça, c'est qu'il disait ouais on fait un sketch là nana on voudrait trop que tu sois dedans, on a un rôle, on a pensé un rôle vraiment pour toi et tout, bon le seul truc c'est que bon il tourne un peu autour du pot puis il dit bon mais en fait le truc c'est bon faudrait que tu sois à poil à la fin et tout, il y a une et scène, c'est la chute voilà. et ça se voyait qu'il était, il prenait des énormes pincettes et tout, moi je fais oui pas de problème, ça a été le début d'une longue série. Et effectivement voilà, j'ai dit oui avec énormément de facilité. Ça a été dès qu'il fallait un mec à poil, c'était moi. Un cul. À poil, en slip. Oui, voilà. Un cul, voire. Bon, il y a. Parce que. Non, je vais montrer ton zizi. Non, mais. Franchement, pas à l'image. Franchement, le zizi. Non, mais. Non, parce que dans Super Heroes Hangover, j'avais une chaussette sur le service 3 pièces. Excusez-moi. Vous pouvez éteindre votre cigaro dans ma main. C'est un cigario. Je fumerai un clope tout à l'heure. Et et donc j'avais. Non, mais j'avais une chaussette sur la tub, notamment parce que, en fait, en face de moi, moi j'étais filmé de dos, donc de toute façon on voyait rien, mais en face de moi il y avait des habitations et des fenêtres. Donc j'avais pas envie d'être à poil devant les gens. C'était et de sur les toits du leur Grand imposer Rex. Mon sexe, bon, somme toute banale, mais qui pas forcément envie de leur montrer. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs pour la petite histoire, en fait on voyait la chaussette dépasser de dos, et du coup Julien Josselin avait effacé pixel la chaussette pixel, image par image. Elle dépassait. Voilà la chaussette, hein, bien sûr, sinon c'était du 46, faut le zéro dire. Zéro boulot pour lui si je n'avais pas eu de chaussette. Une petite soquette aurait largement fait l'affaire. Très bien. Non, mais c'était sur le rooftop du Grand Rex quand même. C'est ça, ouais. J'étais sur le toit du Grand Rex. Parce qu'il y a cette proposition, parce que pour le coup, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est pour ça aussi, ça va avec la fin de Sur les 4, mais Super Hangover, c'est vraiment Raph, Julien et un peu Vincent. Moi, j'ai eu l'idée avec eux, mais c'est vraiment eux qui ont fait le sketch ensemble. C'est pour ça qu'ils t'ont appelé eux, c'est eux qui l'ont réalisé, ils l'ont écrit sans moi, etc. etc. Il y a appelé Adrien pour lui proposer le rôle, il y a appelé le Grand Rex pour dire on peut tourner sur le toit pour voir la vue de Paris et le cul d'un gars. Le cul d'un gars. Et Kazizi dans la chaussette. Et les couilles. Excuse-moi. Les deux. Non mais c'est bien parce que je sais qu'on écrit un bouquin sur Golden en ce moment. Faut qu'on mette toutes les infos. Il y avait les couilles. Et donc voilà. Et c'est vrai que moi je joue là-dedans et je me dis pas bon bah ça y est c'est parti. Mais effectivement, après il y a la proposition de faire un essai en tant que. Comment résister après cette scène? Mais ce cul, voilà. Mais c'était cool aussi parce que alors je vais revenir un petit peu en arrière puisque la première année de Golden effectivement c'était beaucoup sur E4 dont je faisais encore partie à l'époque. Il y avait qui d'autre qui était là? C'était beaucoup ça en fait. Il y avait deux choses. Il y avait les trucs qu'on produisait nous-mêmes, enfin je produisais avec les chaussettes et sur E4 essentiellement un peu un clip avec PV Nova Moustache. Ah oui. Une fois on a fait une tentative aussi avec Dedo, une sorte de scène de film. J'ai sur le tournage Kaplan, la parodie du Bilbo le Hobbit. Voilà. En fait il y avait une volonté et que moi auquel je croyais beaucoup à l'époque et qui au final c'est pas les sketchs qui ont le plus marché, où des fois on se disait cool on va coller un peu à l'actu, Genre, je crois que le sketch de Bilbo, il est peu de temps après la sortie de Bilbo le Hobbit. Il y avait des trucs un peu comme ça où on voulait des fois. Oui, on voulait. C'était l'intuition de base de dire on va avoir des guests avec M6, donc on va pouvoir appeler. On voulait Poulvord, en fait, etc. Faire Lonely Island en fait. Il y avait ce truc-là. On était sur les débuts de Lonely Island sur Internet, donc on va avoir des gros guests. Je sais pas si tu te souviens, Vlad, d'un rendez-vous qu'on a fait. Tu sais que j'y repensais la dernière fois en me disant mais n'importe quoi. Il y avait Fabrice Eboué et Thomas Njijol qui faisait la promo d'un film, je crois que c'est le Crocodile du Botswanga à l'époque, et ils faisaient une journée promo. Et avec Vlad, on nous dit faut les rencontrer pour peut-être faire un sketch avec eux pour la promo du film, et donc on y va, et en fait, ils étaient tellement pas au courant. Je me souviens du professionnaliste de Vlad qui est quand même en mode allez, on essaie de vendre des idées, qu'est-ce que vous aimez et tout, et là tu sens qu'eux ils sont genre. Mais vous n'êtes pas des journalistes pour nous poser des questions, quoi. C'était dans leur chambre d'hôtel. Tout ça, je suis pas sûr d'avoir été là. Mais Si. Ah, bah, j'en suis persuadé. Okay, okay. Si moi j'étais là, j'ai dû effacer ce souvenir. Je garde que les bons souvenirs. Mais c'était pas un mauvais souvenir, mais c'était très rigolo. Ça va dans ce que tu dis. Il y avait l'envie de se dire voilà, quelqu'un sort un film, viens, on va faire une vidéo avec toi, etc. Ouais. Comme Dujardin faisait maman à ce même moment pour promouvoir des artistes. Ouais, il avait fait une vidéo. Donc c'est possible de le faire ça en France. On a les contacts normalement. Mais en fait, à ce moment-là, c'était pas du tout prêt. C'est-à-dire que les gens ne connaissaient pas Internet, ne se disaient qu'est-ce que ça va être, voilà, donc du coup c'est venu avec le temps. Et en vrai, c'est un truc qu'on n'a jamais vraiment réussi à atteindre. Non, c'est en vrai ce truc, parce que faut se dire que Internet c'était quand même c'est pas la même chose qu'aujourd'hui du tout quoi. Pas c'était du tout. Vraiment il y avait un peu les gens se pinçaient le nez un peu dès qu'il s'agissait d'Internet. Nous on en a fait les frais aussi les premiers castings qu'on a passé pour des pour des films où si tu venais d'Internet c'était un peu genre oui bon ça sonnait merci. Amateur ça sonnait amateur gens... ça sonnait il y avait un côté vous êtes pas des vrais comédiens vous êtes pas des vrais parce que c'était aussi les gens avaient pas capté que c'était des sketchs beaucoup aussi c'est-à-dire que pour eux vidéo d'Internet c'était les face cam de Cyprien, Natou, etc. Les 10 minutes à perdre, donc des trucs très homemade à l'arrache et qui étaient revendiqués comme tels. Enfin, je dis ça sans manquer de respect aux créateurs. Alors que là, c'était une volonté, effectivement, un peu plus de mise en scène. Cela dit, le Golden Show, quand ils étaient revenus sur Golden Moustache, il y avait quand même des guests. Enfin, il y avait une volonté de. Ils y arrivaient. Ils avaient réussi à créer ça. Un an avant aussi. Voilà, c'est ça, pour s'installer. Parce qu'ils aimaient les paillettes. Aussi. Simplement. Évidemment. Nous, on était des clodos. Non mais on avait des listes, je me souviens très bien, on avait des listes de guests possibles et on imaginait, on faisait des brainstorms pour imaginer. Je criais quand je voyais la liste arriver. Et chaque fois ça marchait pas. Pourtant on a essayé, il y avait même eu des trucs. Catherine Deneuve un jour est passée sur cette liste. Jamais les gars, vous êtes fous, jamais. Pour se loger à Paris en plus dites-vous. Non, vraiment c'était fou. Quand j'ai vu Catherine Deneuve, je suis là, non mais je ris. Là je fais un saut dans le temps, mais c'est genre moi à l'époque où du coup je suis devenu directeur artistique. Où on vient me voir, mes gens, avec des étoiles dans les yeux, et on me dit il y a Michel Bougenat qui voudrait faire un guest, il connaît Golden et tout. Et je fais oui, bah. Pff. Et on me dit non, mais Bougenat et tout. Je fais bah, que. Et alors ouais. Donc c'est vraiment qu'on n'avait jamais vraiment atteint ce truc de grosse fame où les non, gens. Non, c'est pas le SNL quoi. Non, on n'est pas. Non, non clairement non, pas. Non, mais, non, non. Mais par contre, on a vécu un truc qui, moi en tout cas, m'a beaucoup touché et où je me suis senti plus légitime de faire des trucs. Légitimus même, tu t'es senti légitimus à une époque. Légitimus. Bah, j'ai réalisé anti sur scène, je peux pas dire. Non, c'est que on commençait à avoir des accointances avec des gens qui étaient là un peu avant nous et qui marchaient très bien. Le Palmacho, 10 minutes à perdre, bref. Oui. Kevin Avo que toi tu connaissais je crois d'avant mais que un petit vite peu vite fait bah j'avais joué dans Bref bien sûr je les ai connus grâce à Twitter c'est ça. Grâce à Twitter que j'avais fait une apparition dans Bref et mais qu'il y avait un peu ce truc là aussi de ah tiens il est marrant donc je le fais jouer enfin avec les gens en général il y a Lucien Mène aussi Kevin Avo quand ils avaient je sais plus si c'était les deux mais le c'était le jour ou le lendemain de la sortie des premières vidéos. D'abord, ils avaient vu les chaussettes parce que c'était leur copain. Ouais. Et donc, ils avaient retweeté ou je ne sais pas, commenté. Voilà. Et après, quand ils ont partagé la vidéo de Raph, The Day the Hair Stop Masturbating, j'étais là, waouh, c'est cool. Ouais. C'est bon, ils ont repéré, c'est cool, il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Ouais, moi, c'était une sorte de validation quand même. Bien sûr. Bah, en fait, il y avait un côté un peu grand frère. Quoi. On a été adoubés. Oui, voilà, c'est ça. Et on oui, parce que c'était le truc qui cartonnait à fond. Et qui était, moi en tout cas, je sais que c'est mon plus vieux souvenir de. Il y a un truc qui me parle à 100% qui cartonne. Tu vois ce que je veux dire? C'est rare. Oui, quand t'es jeune, tu te dis, oui, ce qui cartonne, c'est pas vraiment ce qui me parle. C'est ce qui parle à mes parents. C'est ce qui. Ouais. Bref, ou le Palmacho, c'était genre, waouh, mais là, c'est des rêves que j'ai moi. Ouais. C'est des trucs qui me font vraiment rire fort et ça marche, quoi. Et oui, moi, bref, ils avaient partagé le syndrome post-rupture. Donc, pareil, c'était. Moi, ça m'avait beaucoup touché parce que le syndrome post-rupture, c'est un peu mon sketch du divorce avec sur les 4. Donc, le fait que les gars de Bref disent, c'est cool. Et le partage sur la page de Bref, qui était un truc, ouais, peut-être le truc le plus follow de Facebook, ouais, ouais, à l'époque. Je sais que moi, sans ça, peut-être je serais encore pas là aujourd'hui, quoi. Tu vois, il y avait un truc de, non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est des ça, trucs ça a compté, ça, ça a fait compté du bien quand t'as 20 piges, tu vois, quand t'as 20 piges, bah, oui, tu oui fais des trucs. Puis surtout que t'étais un peu en faiblesse parce qu'il y avait la vulnérabilité, je veux dire, oui, c'est ça, la séparation, sûr. Tu te dis est-ce que, bah, je vais réussir ça, le truc. C'est donc l'analogie que je mets souvent, c'est, ouais, je descendais d'une fusée qui était en train de décoller, quoi, donc tu te dis qu'est-ce que je vais faire. Bien sûr. Mais t'as été Jason Statham, tu t'es fabriqué un parachute pendant la chute et tu l'as déployé. C'est vraiment le Jason Statham français, tu ne peux faire que des comparaisons avec Jason Statham. Il y a que ça qui me, mon cerveau n'accepte plus que ça. Et Super Hangover, pour finir sur cette première année golden, c'est aussi mon plus vieux souvenir de encore une fois, moi j'étais, c'était particulier pour moi ce tournage parce que j'étais déjà un peu à côté, mais c'est ce qui se rapprochait pour moi de l'extérieur le plus d'un truc du SNL. C'est-à-dire que t'as le Palma Show, t'avais plein de gens de la team Golden, il y avait Pestel, Adrien, enfin plein de gens, on se disait là il y a Davy, Poul Davy, Eleonore, enfin il y avait, non, ne me regarde pas, non, je sais que t'es pas dedans, je sais que t'es pas dedans. PV Nova, voilà, c'est ça, il y avait François Descraques, vous venez faire une apparition, exactement, il y avait plein de gens dans un truc de parodie de super-héros. Et c'est vrai que c'était un peu le finisher de l'année. C'était ça. Tous les ans, après, on faisait un truc. Il y avait un sketch d'intro, il y avait un sketch où il y avait un petit peu plus de budget. C'est ça. Hop là. C'est ça. Un petit truc un peu mégalo. Bouquet final. Hop là. Comme on appelait. Bouquet final. Voilà. Et c'était cette première année de Golden. Et c'est très marrant parce que du coup, pour préparer un peu l'émission, j'ai pas rematé tous les sketchs, mais j'ai un peu. Et c'est vraiment. Tu sens que c'est la première année et que c'est vraiment des jeunes à la barre, quoi. C'est que ça parle que de cul et de branlette. Oui. C'est que des trucs de super-héros et de geekos. Et oui, du coup, c'est trop mignon, quoi. Il y a un peu un truc de... C'est aussi, je pense, qui a fait la célébrité du truc dès le début. C'est que c'était un petit peu plus adolescent. Et je pense que ça a plu aussi à un certain public. C'était sincère et authentique. C'est ça. Oui. Alors évidemment... Que sur, parmi 12 sujets, si il y avait un sketch sur le CAC 40, je vais vous dire peut-être c'est pas la meilleure idée, quoi. Mais donc forcément, on orientait un petit peu en se disant, tiens, on avait analysé quand même avec Adrien en se disant, tiens, le public sur Internet, avant de commencer, hein, est plutôt masculin, plutôt, ouais, ado, plutôt jeune, peut-être qu'il y a ces thèmes-là qui vont. Donc évidemment, à ma petite échelle, j'orientais, mais. À un moment donné, vous faisiez les sketchs que vous aviez envie de faire, et puis on essayait de vous suivre du moment que c'était pas trop cher. Mais ça, c'est voilà, le truc où je te remercierai jamais assez, c'est que tu nous as épaulé, aider, donner des armes et des clés de comment faire ce métier. C'est grâce à toi que tous ont fait ça. Et je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Tu nous as suivis, c'est-à-dire que moi quand je viens avec le syndrome post-rupture... T'aurais très bien pu dire, bah Flo, t'es gentil, mais bon, c'est pas très drôle. Ouais. Mais parce que t'as senti que c'était personnel, tu m'as suivi. Raph avait fait les Princes Charmants aussi. Enfin, t'as toujours accompagné ce truc-là. Donc il y avait quand même un respect de l'auteur qui était cool. Et ça, on pourra jamais assez te remercier pour ça. Non, mais c'est gentil de le souligner, ça me touche. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'écoute le Floodcast depuis quelques temps. Et vous ne manquez pas de parler de cette époque-là, ce que je vous ai apporté. Je vous en remercie parce que ça m'a touché à chaque fois. Voilà. Oh, j'ai pas eu l'occasion de le dire publiquement. Ben non, mais ça nous, c'est important de le dire. Et bon, bah, je chiale. Tu vas chialer. Le niveau de Justine est à même le sol. Il va se suicider. Du dire à quel point il fait la gueule ce micro. Non, et alors, anecdote un peu plus rigolote, parce que là, c'est pour te dire aussi qu'on était des adolescents. Juste, pardon, mais moi, c'est d'autant plus parce que moi, je... Enfin, vous aviez un peu tous... Enfin, toi, t'as été passionné de cinéma très tôt, t'avais cette envie de faire ça. Raph, Julien et tout, c'était vraiment... étaient habités par ça. Moi, pas du tout, quoi. Donc, en fait, moi, quand tu m'as proposé d'être auteur, moi-même, je me disais même pas je peux faire ça, quoi. Qu'est-ce c'était un fait truc genre, c'est ça ne m'est pas destiné, quoi, ce genre de métier. Donc, c'est en plus... Genre tu m'as donné une chance que même je pensais pas que je pourrais avoir, quoi. Donc c'était d'autant plus un virage Et c'est ce qui est émouvant quand on voit Angers Compagnie d'ailleurs, de revoir des gens comme toi, comme Justine, de revoir toute cette bande là dans ton premier film. C'était important de réunir dans ce film, même si c'est à l'occasion d'une scène, d'un rôle, de réunir plein de gens qu'on aimait et avec qui Romain on a partagé des choses. Donc à l'époque dans les années 2000, le comité de la claque avec les copains qui se retrouvent pour certains dans le film. Et puis après, l'époque de Golden, effectivement, d'essayer de réunir le maximum de gens qui ont partagé ça. Voilà, exactement. Bien sûr. Mais quand même, j'ai une petite anecdote un peu rigolote aussi, parce qu'un des plus gros succès de Golden Moustache, la vie sexuelle des jeux vidéo, je me souviens, pour dire à quel point on était des adolescents quand même avec toute la team sur E4. Tu bandais. Non, surtout pas. Il y a mon bon gros cul de vingtenaire dans ce sketch. Non, il y a Vlad qui vient et qui, des fois, effectivement, comme tu l'as dit, Vlad, tu venais avec des petits inputs, quoi, en disant, ce serait pas mal de faire un truc autour des jeux vidéo. Et je me souviens très bien, je sais pas si tu t'en souviens, Vlad. Et vraiment, avec Raph, mais des petits connards, quoi. On fait, on va faire quoi? Un jeu vidéo qui baise, super. Donc quoi, Lara Croft, elle s'est pas montée dans le truc, elle se, et en fait, on écrit le sketch, mais comme des espèces de connards aigris de, oh, bah, génial, donc quoi, Pokémon, ça va être ça, Pikachu, il te mord la bite. Et vraiment, quand ça vient, c'est pas mal. Quoi. Et plus ça allait, plus ça rigolait. Plus ça prenait, en fait. Donc c'est tu ça. Dis, bon, bah en fait, c'était pas si mal. Voilà, c'est ça. Et après, et ce sketch, en l'occurrence, il y a ce truc de. Peut-être les plus vieux s'en souviendront, il avait été beaucoup partagé sur 9gag, qui était pour nous une espèce de pareil d'accomplissement. On parle d'un autre monde là depuis le début. Les plus jeunes qui nous écoutent, ils doivent se dire, mais de quoi qu'est-ce il parle, que c'est Facebook, cette c'est quoi? C'est l'équivalent du Go Decrypt, quoi. Et même du Go Decrypt. C'était 9gag à l'époque, voilà, c'était des dessins en noir et blanc avec des extraits de trucs. Non, mais voilà, et c'est, le sketch avait été repris aux États-Unis, donc voilà. T'as dit un truc, pardon, Anna. C'est un peu hors sujet, mais j'avais lu. Quelqu'un qui disait que c'était une méthode d'écriture quand t'étais bloqué en écriture, qui était justement de dire venez, on écrit un truc de merde, et qu'il y avait un côté, tu vas. Du coup, tu te fais sauter un peu toutes les barrières de j'ai envie de faire quelque chose de bien. Donc, tu commences à écrire un truc en disant c'est de la merde. Et en fait, au bout d'un moment, ton cerveau et ton esprit créatif et ton exigence prend le relais. Et il y a un côté ça c'est vraiment de la merde, mais on change ça. Et du coup, tu finis par écrire un vrai truc bien, mais que c'était aussi un moyen, une façon de se mettre au travail, de faire ça, quoi. Donc, du coup, vous l'avez fait inconsciemment, par esprit de petit connard, mais... Bah, c'est ça. Et au final, c'est un sketch qui a très bien marché. Mmh. Donc, c'était assez marrant. Donc, c'est une méthode. Effectivement, c'est un sketch qui était important sur le moment parce que il y avait eu des sketchs qui avaient plutôt bien marché. Il y avait eu ce gros hit, entre guillemets, au début. Banger, on dirait aujourd'hui. et puis derrière, la vie sexuelle des jeux vidéo avait permis de se dire, bon, ok, c'est pas arrivé une seule fois. Oui, ça oui peut c'était arriver à nouveau. C'est pas un coup de bol. Et voilà, exactement. Et donc, du coup, il y a un esprit, il y a des gens, et je me souviens, et là, on était prêt parce qu'autant la première vidéo il n'y avait pas de abonne-toi à la fin, il y avait moi j'ai passé la nuit à mettre la chaîne YouTube à peu près en ordre de marche, etc. Et je savais pas faire parce que j'étais pas youtubeur, tu vois. Et autant là on était prêt, il y avait tous les trucs pour que ça génère de l'abonnement, pour que les gens on m'a envoyé des messages dedans qui disaient en classe on en parlait le lendemain, etc. Ça, tu disais il y a un truc qui se passe autour de nous, quoi. Oui, parce qu'il y avait effectivement je vais pas parler du Golden Show, etc., mais je vais parler que de ce que moi j'ai vécu avec les rayons d'écriture sur E4, c'était qu'il y a The Desire Stop Insulting. Ensuite, on a fait quelques sketchs qui marchouillaient quand même. Oui, qui étaient bien reçus. C'est hein. ça, Les Témoins de la Force, qui était une parodie de Star Wars. Les Métiers Invisibles, qui en fait a très bien marché. Je rematais les stats. Il est à presque 10 millions de vues aujourd'hui. Donc, c'est pareil, des trucs. Et en fait, c'est des bons sketchs. Ouais. C'est ça. Et par exemple, Les Métiers Invisibles, il est quasiment. Il y a très peu de dialogue, en fait. Donc, pareil, en fait, ça se partageait assez facilement. Aujourd'hui, ce serait des shorts, j'ai envie de te dire, Adrien. Tu vois, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais il y avait un peu ce truc-là. Et donc, effectivement, la vie sexuelle des jeux vidéo, Le Mineur du Cinéma, où j'ai retrouvé le pote-pote, oui. Le poker, Movie versus Live, qui a disparu d'internet pendant un certain temps et qui est revenu. Alors, ça fait plaisir. Ah. Voilà. Quand il se promenait, il est revenu. Il se promenait. Non, mais je crois qu'il était coproduit par Warner ou un truc comme c'était ça. C'était du brand content. C'était du brand content discret. Voilà. Alors, pour expliquer peut-être aux gens du brand content, c'est ça. C'est alors quand ça a commencé à marcher, alors c'était une époque. Les plus jeunes, ils vont complètement péter leur crâne. Oh, bah, ils sont plus là, les plus jeunes déjà. C'est fini. Hein. Ils vont complètement péter leur crâne, mais on mettait des placements de produits dans les vidéos et c'était très mal vu. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment. Non, c'est fou. Ça, c'est vrai. Certains me disent ça, mais c'est fou parce que aujourd'hui, on ferait un petit truc, l'intro à regarder, machin, etc. À l'époque, si je vous proposais ça, c'était vu comme la dernière ignominie, quoi. Oui, oui. Et nous, on se faisait défoncer quand il y avait un placement de produit, quand il y avait une marque, même si c'était juste un message en fin de vidéo pour dire cette vidéo vous a été présentée par Granola, on se faisait défoncer. Et donc évidemment nous aussi on était un peu on avait pas... une méfiance vis-à-vis de ça, parce qu'on disait et puis on n'était pas les plus grands fans effectivement aussi des placements de produits à l'époque. C'est juste qu'on n'avait pas d'autre choix pour financer les sketchs. C'était mal vu d'une façon générale. On n'était pas fans parce qu'on se faisait défoncer aussi, enfin c'était mal perçu, alors que maintenant c'est la norme, les gens ont compris. Ouais, c'est ça, voilà, c'est comment financer, etc. Oui, et puis les gens comprenaient pas trop Golden Moustache, c'est-à-dire qu'il y avait aussi écrit M6, donc ils pensaient qu'on avait de la thune à gogo. Alors que voilà. Je me rappelle, moi je sais pas, j'en ai entrevue. Voilà, l'article d'entrevue qui disait on a évalué combien à combien sont payés les comédiens et comédiennes de Golden Moustache, et c'était quoi, 8 000 euros par mois. Ouais, c'est que c'est leur évaluation. Vraiment, ils sortaient vraiment directement c'était de leur trou de balle. Plus. Comme chiffre, et c'était, ils disaient, selon nos estimations, ils gagnent environ 8 000 euros par mois. Je pense que ça sortait de leur cul, ça sortait des trucs de vue ou à l'époque. Parce que la chaîne YouTube ça rapportait, à mon avis. C'est ouais. Ça. Oui, ouais, en vrai, oui. Ce que tu divises par 40 personnes. Mais je pense qu'effectivement, c'est un calcul d'abruti un peu. Où ils devaient se dire, oh bah, vu le nombre de millions de vues, ça doit rapporter tant. Ils ont divisé par le nombre de comédiens en pensant que c'était, ça revenait dans notre poche. Alors que. C'est déjà trop intelligent. On ne touchait pas d'argent, nous, de la des vues, l'argent. Non, c'est vrai. Non, c'est, voilà, moi, je me souviens, après, encore une fois, je crache pas dans la soupe. Réinjecté dans la prod. C'est ça, exactement. C'était la seule la façon vie sexuelle de des jeux vidéo que j'ai co-écrit, co-réalisé avec Raph et dans lequel je joue. C'était la blague que je faisais à l'époque, quand j'ai renégocié mes contrats avec Adrien Albastia. Ça m'avait rapporté 185 euros, je crois. Tu vois, alors que ça a fait 20 millions de vues. Non, mais et c'est pas grave, c'était l'époque. Mais tu c'était vois, le et, jeu et, aussi. On... Et heureusement qu'il y avait un Vlad qui nous laissait une liberté totale. Tu vois, parce que, en fait, c'est ça qu'on venait chercher. C'est-à-dire qu'on était dans un truc de oui, mais regarde, on peut faire des blagues vraiment débiles sur une chaîne vue par beaucoup de monde. C'est donc tout c'était... cet équilibre qui a fait que ça a marché pendant quelques années. Pendant quelques années, exactement. Donc, saison 2. C'est là où c'est trop marrant quand tu remates les sketchs, c'est vraiment tu dis là il y a une nouvelle, je vais pas dire une autre génération Adrien, on est un peu de la même, mais il y a des gens un petit peu plus vieux. Je suis arrivé, j'avais 10 piges au moins, c'est 10 ça. Piges de plus que tout le monde quoi. Et un peu tous les nouveaux étaient un peu plus vieux, Greg Romano, Lucien Men, Odgoni Goubert, Hakim Omeri qui a plutôt votre âge, ouais, je pense. Plutôt. Mais effectivement, il y a toute une deuxième partie. Justine, tu te mets à écrire aussi parce que c'est vrai que ah c'est en deuxième année. Je ah ouais, je suis pas sûr. C'est plus tard je crois. C'est plus tard. Ouais, c'est si, deuxième année. Ah ouais, deuxième ouais. année, je souviens très bien, c'est sur un tournage où j'ai dit à Justine. C'est sur le tournage du Bureau des Rêves. Voilà. Oui, c'est ça, donc c'est deuxième année. Mais quoi, c'est fin de deuxième année alors. Ouais. Bah, ouais. En fait, elle est venue, elle a commencé à écrire et puis ça a mis un peu de temps avant qu'un premier sketch ne voit le jour. C'était après quand t'étais directeur artistique. Et donc effectivement, il y a tout. Alors c'est ça, parce que Vladimir aussi, il faut le dire, à un moment t'es un peu parti, je crois. Moi, j'ai eu une proposition pour réaliser un programme course dans le Grand Journal. C'est ça. Et donc j'ai waouh, voilà. Donc du coup, oui, j'ai fait drôle, ça. C'est drôle. C'est pour remettre à l'époque le Grand Journal. C'était le rêve absolu, parce que justement là où était Bref, etc. Donc c'est ça. C'était trop cool. Du coup, à ce moment-là, j'avais rencontré Navo, justement grâce à Golden. Et Navo, je crois qu'on lui avait proposé de réaliser ce programme court, mais lui, il avait déjà fait. Il avait déjà fait Bref, donc c'était pas très intéressant. Je vais faire Bref, je vais pas me risquer tout de suite à mettre la médaille en jeu. Surtout que c'était vraiment un truc de commande, etc. Et donc je vais faire ma rentrée et en vacances j'ai dit à Adrien et à Navo, est-ce que tu peux me remplacer pendant un mois ou deux, etc. Et ça s'est fait comme ça, et du coup la saison a commencé sans moi, avec en grande partie une équipe que j'avais choisie, mais sans moi. Oui, parce que moi, les premiers sketchs que j'ai faits, c'était effectivement Navo qui était sur le tournage en directeur artistique. C'est ça, et qui a même ramené des gens, puisque je crois, dis-moi si je me trompe, mais Lucien, Lucien, voilà, c'était des gens que voilà. Et comme je dis, il y avait ce truc un peu tentaculaire, c'est que Julien Josselin a ramené Valentin Vincent, qui était pote et co-auteur de ses vidéos. La valise, comment on l'appelle. La valise en tweed. Les auditeurs le connaissent sous le nom de la valise en tweed. Et puis il y avait l'idée, ça a commencé quand même, c'était très masculin. Ouais. Golden, d'ailleurs les thèmes on en parlait voilà. Et donc il y avait l'idée aussi en saison 2 d'essayer de renouveler et de retrouver, de trouver un peu de féminiser un peu en allant chercher Justine. Gazouz. Voilà. Qui était, en fait qu'on venait dès qu'on avait besoin de filles, c'était soit Éléonore soit Justine. Ouais. Et avec le temps effectivement il y a Aude aussi qui est arrivée. C'est ça. Je crois même elle en a parlé dans une interview, donc c'est vrai que je me permets d'en parler, mais Éléonore avec Aude et Léa Camilleri qui maintenant fait des vidéos, je sais pas si vu sur Insta ou TikTok, mais avait fait un crew de meufs et au final ça avait pas appris, mais en tout cas c'était arrivé en disant vidéos, on va faire un groupe de meufs comme il y a les Suricates, on va faire les meufs. C'est ça. On sortait de l'expérience Suricates qui n'avait pas forcément été disons épanouissante pour tout le monde. Voilà, donc genre, j'ai dit, écoutez, on va déjà écrire des vidéos, parce qu'elle déjà, on va faire teaser, machin, etc. Bon, ok, écrivez des vidéos, on commence à travailler ensemble. Ouais. Elles ont fait les vidéos, elles ont commencé à les faire, et très rapidement. Et le coup n'a pas existé. Et tant mieux, chacun existait individuellement, c'était mieux. C'était bien mieux, sûr, évidemment, évidemment. Et effectivement, chacun a commencé. Effectivement, Surika, t'es revenu aussi avec plus d'ambition aussi. C'était un vrai changement quand même. Toi, t'es revenu en cours d'année, parce que Surika, t'étais déjà. Moi, je reviens en janvier. En novembre, moi. Ah oui, c'est ça. Non, vraiment, je suis par deux mois, septembre-octobre. Je reviens et là, on commence à écrire en, les sketchs de Surika d'un côté, les sketchs de l'autre pool d'auteurs. C'est ça. Qui était la deuxième équipe qui venait en deux saisons. Deuxième saison. Équipe B, ouais. Voilà. Et le. C'était Surika de l'équipe A, de toute façon. Bah, bien sûr. On était tous l'équipe B. Voilà. Et parallèlement, Florent aussi, on développait des sketchs, etc. Bien sûr. Le bureau des rêves, si c'est pareil. Alors, je vais pas passer mon épisode à te passer de la femme de la Ça suffit là. Ça va se voir à un moment donné. Mais le bureau des rêves, je me souviens où on discutait ensemble du sketch qu'on aimait bien et je te parle à un moment de truc de deuil et c'est toi qui m'as dit mais va là-dessus. Et moi j'osais pas, je dis non mais on va parler d'une rupture amoureuse, c'est bien et tout. Et tu dis non, le deuil c'est plus fort avec ce que tu racontes vu que c'est un truc dont tu veux parler et donc pareil. C'est le texte sur lequel on a passé, enfin que tu as passé le plus de temps, où il y a eu beaucoup d'allers-retours parce que c'était ton premier texte en dehors de Surikat, donc c'était en tout cas aussi personnel Et personnel en plus, donc il fallait que ce soit bien et en plus c'était ambitieux sur la thématique. C'était mélancolique, c'était drôle mais pas que, etc. Et il y avait un univers qui c'était hyper intéressant. Et donc du coup il fallait bien le peaufiner pour qu'il soit bien prêt au moment de le sortir. Exactement. Après j'avais quand même fait avant l'école du porno, donc c'était pas mon premier sketch solo. J'avais quand même bossé sur l'école du porno. Avec Olga Yigoubert entre autres, la Choumski aussi. Voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent, des fois peut-être j'oublie des blagues, mais évidemment on était nombreux. Toi Adrien, vas-y. Moi j'ai l'impression que ton premier, parce que avec Adrien faut savoir qu'au tout début, et dis-moi si tu t'en souviens, on en a jamais parlé, moi j'ai réalisé tes tout premiers sketchs, Batman versus Superman qui était coréal, mais enfin non, en vrai ils ont toujours été coréal, je trouve. Parce que c'était tellement ton texte et ta musique et tu jouais dedans à chaque fois, mais moi je me souviens, et dis-moi si tu l'as vécu comme ça, qu'il y avait un peu un truc où je me disais déjà à l'époque non mais Adrien faut qu'il réalise tout seul en fait. Il y a un truc où c'est pas que ça match pas nous, c'est que non, c'était pas du tout, au contraire, c'est qu'il y avait un côté en fait on c'est est d'accord ton truc. Mais en fait le truc c'est que moi encore une fois je partais d'un truc où et encore une fois, moi j'avais écrit mes textes, enfin j'avais écrit mes sketchs. À ce moment-là, je me dis pas je vais jouer dedans, parce que pour moi je suis pas comédien du tout, quoi. Et c'est effectivement comme tu disais, Vlad, vous proposiez aux gens d'incarner les sketchs qu'ils écrivaient. Donc j'ai dit ah ok, je vais jouer dedans, ok. J'ai eu au moins le courage d'accepter la proposition, quoi. Mais par contre réaliser. Bon, être marrant, faire le con, je l'avais fait un peu à droite à gauche. Mais réaliser, pour moi, c'était, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et c'est Spielberg. Non, mais je comprenais même pas. Tu réalisais, mais je vais faire quoi? Donc j'avais dit, comme j'aimais bien, on s'est rapproché et tout. On était deux bons potes. Mettez-moi le gamin là, qui sait ce qu'il fait. Et puis voilà. Et donc, cela dit, parce que t'avais fait Batman contre Superman et il y en avait un deuxième. Abracadabra, voilà. Ouais. Mais la première session de tournage, j'avais quand même réalisé un sketch tout seul qui était pourquoi j'ai quitté Facebook. Bien sûr, mais j'allais y venir. C'est ton premier gros buzz, j'ai envie de dire. C'est ça. Et que j'avais justement, ce que je voulais dire, c'était que je me souviens que parce qu'on était là, c'était le sketch économique. Ouais. C'est-à-dire que tu animais que les photos de profil. Voilà, c'était que les photos, les gens qui parlaient dans leurs photos de profil. Et du coup, j'allais sur tous les tournages des autres sketchs pour dire vas-y, on prend machin 5 minutes, on le filmait. Et donc, je me souviens de moi diriger Aude Gonigoumer et être tétanisé parce que je me disais c'est une meuf qui est une comédie française et tout. Et je me dis mais elle va me voir arriver. Elle va dire non mais c'est qui ce. Puis c'est bâtard quoi, tu viens faire un sketch et en fait. Et c'était dans le couloir où il fallait qu'on attende que vous disiez couper pour filmer. Quelle horreur. Et je me dis mais la meuf elle va me dire bon écoute j'ai fait deux prises de ta merde, laisse-moi tranquille. Et pas du tout, comme d'ailleurs tous les gens avec qui j'ai travaillé à cette époque, personne n'a pris les autres de haut. Il y avait vraiment un truc que t'aies fait des années de cours de théâtre ou que tu t'aies rien fait avant, tout le monde se... Enfin, en tout cas, de mon expérience, il y avait un côté... on se logeait tous à la même enseigne. Et même pour aller dans ton sens, Florent, le fait d'accepter de réaliser des sketchs des autres, de transmettre un petit peu ce que tu avais appris en saison 1 pour le 2, Vincent aussi était assez présent dans les réunions d'écriture, a apporté aussi sa pierre. Ça a permis aussi... d'avoir un truc plus homogène globalement sur le... Ah, mais moi, ça m'a même donné ma voix, en fait. C'est-à-dire, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime faire. C'est réaliser, c'est collaborer, pas qu'avec trois personnes ou en fait... Encore une fois, on s'est mis ensemble parce qu'on était ensemble, mais qu'on n'avait pas forcément un truc exactement la même envie de faire. Et là, de voir, putain, mais Adrien, il est trop drôle quand il fait ça. Justine, elle est trop drôle quand elle fait ça. Lucien, il est trop quand il fait ça, etc., etc. Greg Romano, etc. Mmh. Et ça, c'était... Moi, c'est mes meilleures années Golden. Je pense que c'est cette saison 2. C'est-à-dire que c'est ce moment où, en plus, moi, j'avais la chance d'être un tout petit peu, vu que j'étais là avant, je me sentais à l'aise, en tout cas. Et c'est là où on a fait, moi, je me souviens, des nuits de réunion, de rester longtemps. On montait les sketchs à Golden, à M6 à l'époque, dans les locaux là-bas, de faire des vines tout le temps débiles avec un tel ou un tel. Et ce sentiment un peu colonie de vacances. J'ai maté récemment le making-of du SNL où tu les vois bosser, etc. Mais ça m'a tout de suite replongé dans Golden, quoi. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est le moment de ma vie professionnelle où j'ai le plus de nostalgie. Où je me dis, là, c'est vraiment marrant et cool, quoi. C'est vraiment plein de gens. Parce que ça a commencé déjà un peu à péter. Donc on sait que c'est un truc qui est vu et il y a que de l'excitation et de l'énergie de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Petit, et ça reste petit et ça reste très convivial. Il y avait une énergie qui passait. Il y a eu quelque chose d'un peu. Il y a eu un coup de bol hein, aussi un peu sur ces gens qui étaient là réunis et que ça marche. Alors évidemment il y avait des tensions, il y avait la prod, il y avait bien sûr. Rien n'est parfait. Hein. Ouais. Les locaux de M6 n'étaient pas du tout faits pour être créatifs. on squattait des salles en plus. On venait les jours fériés. On faisait chier les gens. Voilà complètement. Il y avait la compta à côté quoi. Une femme de ménage a appelé les flics parce que elle m'a retrouvé en train de dormir dans la salle des auteurs. Et alors parce qu'elle savait pas, tu vois, elle a juste dit c'est qui ce gars qui squatte sous un ordinateur. Alors que c'était juste, j'y dormais parce qu'on avait passé la nuit là-bas, quoi. Mais oui, il y a eu quelque chose qui a pris. Il y a une forme de petit moment de grâce là. Ouais. Et tu sais, après c'est la nostalgie qui fait toujours aussi voir les trucs cool. Mais même ce fait que on en fait des blagues, mais que sur les quatre étaient un peu les gars adorés de Golden Moustache et que du coup l'autre crew était entre guillemets l'équipe B. Quand tu regardes à posteriori, il y a une espèce du coup de liberté de oh putain, chacun a fait son truc quoi du coup. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas un truc de on n'essayait pas de faire pareil, non. On n'essayait pas de faire d'avant, chacun faisait son truc à lui. Les sketchs de Valentin Vincent, c'était beaucoup de la punchline très dialoguée. Adrien, il y avait ce ton déjà sarcastique, de mec embêté. C'est vrai que, en revanche, on a quand même essuyé les plâtres au tout début. Moi, souviens que, je sais pas si moi, je me demande si Batman contre Superman, c'est pas genre le premier sketch qui sort de la saison 2, je crois, et qui est... C'est l'école du porno, la première école. Voilà, c'était le sketch juste... En fait, c'était école du porno, chant de supporter et Batman Superman. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que moi, c'était un sketch où c'était un chant contre chant, quoi, un dialogue uniquement. Ouais. Ce qui était quand même un peu aux antipodes de ce que faisait sur les 4. Où il fallait un hurlement à la fin. Il fallait qu'il y ait des effets spéciaux, que ça pète, que ça gueule et tout, que ça aille ultra vite. Et c'est un truc geek, ça qui est marrant. C'est un truc geek, mais... Autre chose quoi. Ouais. Et du coup moi je me souviens avoir un peu essuyé les plates où vraiment les commentaires étaient infâmes au début où les gens disaient bon allez ramenez les suricates là c'est de la merde on se fait chier et tout c'était dur à vivre pour les auteurs c'est sûr c'est pour ça qu'après il y avait cette idée de créer une même le lab après mais ça on en viendra peut-être on va y venir, mais c'était dur à vivre mais en même temps il y avait à côté bon c'est bon je m'en suis pris plein la gueule maintenant il y aura enfin je l'ai vécu ça. Ouais. Maintenant, je sais que voilà, je survis de m'en prendre plein la gueule, de me faire chier dessus par tout le monde. Et du coup, c'était un peu aussi formateur quoi. Il y avait un côté bon, bah voilà. Et le truc, c'est que sur les 4 saison 2, ils reviennent en janvier. C'est-à-dire qu'aussi, il y a ce truc-là de ils quittent sur les 4, enfin, les gens quittent sur les 4 sur Super Hangover début juillet. Oui. Et ensuite, il y a rien pendant 6 mois. Voilà. Il y a nous quoi. Non mais, vis-à-vis des suricates, il y a rien de suricates. Il y a plein d'autres gens et ils savent pas trop, etc. Donc c'est ce truc très bizarre. Même aujourd'hui, je pense que les gens comprendraient pas. Tu t'abonnes à une chaîne YouTube pour des gens et t'as plein d'autres gens avec des styles différents, des tons différents. Donc il y avait plein de gens qui étaient en mode, mais c'est qui ces gens et ça nous saoule quoi. Enfin, tu vois, on a pas envie de voir ça. Mais j'ai l'impression, encore une fois, peut-être c'est la nostalgie, que chacun quand même a trouvé son deux et à chacun, et le temps a fait toujours son taf, quoi. C'est ça. Et en plus, je pense que du coup, on a fait venir d'autres gens aussi. Quoi, oui, bien sûr. Je pense dans le public, on a fait. Enfin, on a, ça a attiré d'autres gens, quoi, qui aimaient d'autres trucs. Et puis certains étaient toujours là, machin, rendez-nous sur Ika sur les commentaires, mais ça reste à partir du moment, c'était minoritaire, c'est-à-dire que ça devenait. Les gens avaient compris qu'il y aurait des choses différentes, et puis certains ils les aimeraient plus que d'autres. Et puis voilà, même voilà. Si c'est effectivement, normalement, on s'abonne, comme aujourd'hui on s'abonne à Instagram, à un compte, ou à TikTok, c'est ça. On s'abonne à normalement une personnalité ou en tout cas un groupe. Et là, c'était plus compliqué à faire passer comme idée. Mais c'est ça aussi qui a rendu les choses intéressantes, c'est qu'il y avait la diversité dans de l'humour, quoi. Toi, Justine, donc effectivement, t'arrives un tout petit peu après. Est-ce que c'était une volonté que t'avais d'écrire, de réaliser ou En fait, c'est comme Adrien, mais en changeant de poste. C'est-à-dire que moi, j'ai joué dès les premiers sketchs. Le premier sketch. Ouais. Et j'en ai tourné plein. Et comme je disais, j'en tournais plusieurs par jour. Donc on avait l'impression que j'étais tout le temps là. Sauf que j'écrivais pas. Et ça ne m'était même pas venu à l'idée d'écrire ou de réaliser un sketch. Pour moi, j'étais. Parce que j'avais une formation aussi de comédienne. Mmh. Et c'est donc sur Le Bureau des Rêves que ce bon Vladimir Rodionov me dit ça fait au moins, ça doit être le 20e sketch que tu tournes avec nous. Peut-être t'as envie d'écrire toi-même. Et là, mon cerveau pète. Quoi ? On peut faire ça ? Et tu m'as dit, viens à la prochaine réunion d'écriture, t'essayes et tout. Je crois que je n'ai pas dormi la veille. Ah ouais, en me disant, oh, mais ils vont trouver que je suis. T'as dégueulé ? J'ai dégueulé, j'ai fait pipi en même temps. Et j'avais écrit. Là, je trouve les réunions de Dave. Voilà. Ah, mais ça t'a inspiré un sketch. La pisseuse dégueuleuse. La pisseuse dégueuleuse. Jamais sortie. Que j'ai testé dans le métro, en vrai. Et je suis arrivée le lendemain avec deux, trois. Alors le lendemain, non, peut-être une semaine après, avec des idées de sketch que j'avais en tête, dont, comment il s'appelait, Fais-moi confiance, l'histoire d'une nana qui pousse son mec à, donc qui, dans lequel tu joues Adrien, qui pousse son mec à planquer un cadavre, voilà. Et ça avait été validé dès la première réunion. Et j'étais là, oh, wow, je suis Spielberg. Attention, j'arrive. C'était Adrien qui était DA à l'époque. Non, mais moi je jouais. Je me souviens, je l'ai réalisé avec Justine. Je te rappelle. Oui, bien sûr. Voilà. Il y avait Simon Astier également. Qui était il y avait dans Simon la, Astier dedans. Il y avait une très jolie dent blanche. Je ne sais plus pourquoi il était fait un peu plus tard. Moi j'étais parti déjà. Oui, c'est ça. Mais il a été réalisé. Il était validé là. Puis après, je ne sais pas pourquoi il a dû se tourner. Il était un peu conséquent comme sketch. Ouais, il y avait pas mal de décors. D'ailleurs, il y a quelques heures, j'étais sur le lieu de tournage la plaque tournante du crack. Là où on a failli se prendre un coup de fusil, tu veux dire. Absolument. J'y étais parce que c'était juste à côté de la Oops Factory qu'on a tourné au bord du canal de l'Ourcq là. Absolument. Et j'y étais là, j'étais à vélo. Voilà. On avait foutu des danseuses brésiliennes avec des fous. Oui, enfin les trucs un peu du grand cabaret du monde. En pleine nuit, dans la plaque tournante du crack à Paris. Alors, c'est ça. Plutôt la plaque tournante des mecs qui allaient se faire sucer dans leur bagnole, parce que on avait vu des capotes usagées. En fait, par on terre, était, ouais. Il était, je sais pas quelle heure, mais on était pas dans la nuit. On va pas vous balancer la magie tout de suite des coulisses. On voyait beaucoup de, il y avait beaucoup de voitures qui passaient dans cette rue pourtant complètement isolée, et tout le monde disait mais. C'est pourquoi il y a autant de bagnoles et tout. Et après, bon, j'ai vu à mes pieds une capote usagée, j'ai fait, je crois que je sais ce qu'ils vont faire. L'inspecteur Méniel a mis sa casquette en disant. Ils ne vont pas jouer au basket. Non, mais surtout, c'est qu'on avait une bagnole de flic. Il y avait Tyrell qui avait un brassard police et un gyrophare. Donc je pense que les mecs faisaient, oh, du don, ça pue ce soir. Il y en a qui faisaient demi-tour d'ailleurs, je me rappelle. Ah ouais, bien sûr. Venaient, qui disaient, non, mais je fais rien, c'est juste une pote. Oui. Vous les avez intimidés, quoi. C'est quoi, alors c'est toujours une question très large et je comprends que vous voulez prendre quelques ondes, mais c'est quoi votre. Est-ce que Dieu existe? Déjà, j'aimerais une réponse de chacun. Non, c'est quoi votre meilleur souvenir? En tout cas, un des meilleurs, pas forcément le meilleur, là, en tout cas à l'instant T quand je vous le demande. Meilleur alors, souvenir. Moi, c'est le ski. Ce que j'ai préféré chez Golden, c'est aller au ski gratos. Là, ça c'était il y a déjà eu quelques années à ce moment-là quand même. Ah, c'était tu peux pas dès la début. Saison 2, mais putain, non, mais non, moi, non, je, non, je parle en général, mais c'est vrai que au ski c'était quoi? C'était aux Arcs, c'est ça? Ouais. Voilà, on avait été invités aux Arcs. Je crois que j'ai rarement autant ri de ma vie que d'aller. En fait, on était invités pour aller dans un festival de cinéma qui s'appelait le Festival des Arcs. Et en gros, on devait faire des stories ou du contenu et en échange, on allait skier gratos. On devait faire un sketch, je te rappelle. Qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Qu'on n'a pas fait. Ouais, mais ils nous ont réinvités les autres années. C'est vraiment honteux de notre part. Ouais, non, c'était mais alors attends, parce que moi, à cause de ça, on a vécu un des moments les plus géants de ma vie. Et là, gros shout out à Lucien Men qui est allé au front. C'est-à-dire que il y a, je sais plus qui, etc. Bon, on s'en fout, mais on qui nous dit. On sait très bien qui. nous dit, il y a Louise Bourgoin. On peut lui demander de tourner avec nous une scène d'un sketch. Un certain Natos. et en gros, vraiment, c'est là où on redevient tous des puceaux. Et genre, on dit, bah non, mais comme, tu lui as demandé? Non, bah allez-y, c'est bon. Non, non, mais quoi elle est d'accord. Elle est d'accord. Oui, oui, mais c'est bon, on va aller lui parler, c'est bon. Allez lui parler, vous pouvez voir, elle est d'accord. Mais comment ça? Et donc on sent que c'est un peu merdeux. Et c'est Lucien qui dit, bon bah j'y vais, je vais aller demander. Il y va et il fait, ouais, salut, on est Golden Moustache, je sais pas si tu connais. Mmh. Non. Et tout de suite, okay, dans son regard, il y a... Vraiment, j'étais pas là. Il y avait eu un sourire de... Je le connais, ce sourire, c'est le sourire de... Oh, vous êtes mignon, vous êtes sympa, mais non, pas du tout. Jamais de la vie, je sais qui et vous êtes. Appel au secours du regard de la personne qui l'accompagnait, de genre, viens me sauver. Moi, j'avais quand même senti le truc, j'étais resté à l'hôtel. J'avais dit, oui, on va faire un sketch avec le bourrien. Bien sûr, je vais regarder la télé en chaussons. Et donc, ça, je me souviens, oui, c'était aux Arcs, on s'était pris un petit. En fait, un petit vent frais. Alors, je crois que j'étais pas là cette année-là. J'étais allé 2-3 ans après. Ouais. Et vraiment, j'ai un souvenir de colonies de vacances et des fous rires avec Eleonore Coste. Et toi, d'ailleurs, oui. T'étais très en forme sur cette saison-là, Écoute, mais j'adore la montagne. Hein. Un féru, ah la glisse. Un oiseau de neige. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de fous rires aussi. Oh, putain, formidable. Et parce que, mine de rien, on faisait quand même des vidéos et... Quand on était ensemble, il y avait quand même si on n'était pas là pour tourner vraiment, et comme tu le dis si bien, on n'a rien glandé à part bouffer de la raclette et faire du ski, il y a quand même une émulsion entre nous, tiens, j'aimerais bien faire ça, ouais, attends, mon prochain sketch, je pourrais parler de ça, etc. Donc, mine de rien, on est quand même créatif un peu. Quoi. Mais ça, c'était le truc cool de traîner à Golden. Enfin, moi, je sais que des fois, vu que j'avais pas grand chose d'autre à côté, j'y allais, et tu vois, d'une fois, voilà, on discutait de sketch. Un peu tout le temps en fait, c'était ce truc de ah, j'ai une idée, ah, c'est marrant, moi ça me fait penser à ça. C'est ça, c'était vraiment l'expression de traîner dans les couloirs. Je pense que vraiment j'ai joué dans les emmerdeurs parce que je traînais dans le couloir. Hein. Les emmerdeurs qui était la série YouTube original de Golden Moustache. Je devais pas la faire parce que voilà, c'était pas moi et tout. Et en fait, c'était McFly, tu sais, de McFly et Carlito. Oui, le binôme. Et qui avait dit à Valentin, je déjeunais avec lui, il fait bon, tu passes pas le casting des emmerdeurs, c'est n'importe quoi, attends, Valentin il est dans le couloir. Et Valentin, pourquoi passe pas le casting des emmerdeurs? Et l'autre, il était hyper emmerdé de me dire parce que. Il fait bon, bah viens le passer, et c'est comme ça que je l'ai eu. Incroyable. Adrien. Et ouais. Meilleur souvenir. Un des meilleurs. Tu vois. Je sais pas. Je pense que. En fait, moi, je pense que c'est quand j'ai sorti le sketch Défense personnelle. Ah ouais. Parce que. Un des sketchs préférés de Golden Moustache. Parce que. Donc, c'est pour les gens qui savent pas, où je. Quand je disais que Batman contre Superman c'était aux antipodes de ce que faisaient les suricates, là c'était. C'est-à-dire que le truc est volontairement pas étalonné, c'est filmé dégueulasse, tout. Enfin voilà. Donc, on est sur un truc qui ne ressemble vraiment à rien de c'était ce qu'on a. C'était avant ou après Victim Express? C'était après, non? C'était après. Je pense que c'est après. Ouais, oui, c'est parce que c'est toi. C'était toi qui étais DA sur Victim Express. C'est ça. Et Défense personnelle, je suis DA, donc c'est après. T'avais déjà mis un petit orteil dans le regardez, c'est dégueulasse. Ouais, voilà, mais c'est vrai. Mais là, c'était encore pire parce que ça te donnait l'impression. Oui, oui. Si tu comprends pas forcément le concept de direction artistique, on va dire, il peut y avoir un côté. Bon, attends, c'est mal fait. Alors que oui, c'était volontairement. Voilà. Mais. Et en fait, justement, d'ailleurs, je sors le sketch-show. Et c'est mon sketch qui se fait le plus défoncer dans les commentaires de tous les sketchs que j'ai. Ouais, ça, et moi, encore moi, aujourd'hui, je m'en souviens, hein. Ouais. Et encore aujourd'hui, celui qui a le moins de vues, celui qui a le défense moins. Défense personnelle. C'est celui qui a le moins bien marché de tous les sketchs que j'ai fait. Et drôle. Vraiment, je regarde les commentaires et c'est genre, c'est quoi cette merde? C'est pas drôle. c'est copié sur KD Olivier. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un kimono, pauvre con. Non, mais il a cicatrisé, attention. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Moi, je ne cicatrise jamais. Il est en train de raconter son meilleur souvenir. Non, non, mais oui. Parce que. C'est vraiment le Hulk dans Avengers. Je ne cicatrise jamais. C'est ça secret. Ma force. Je pardonne, mais je ne cicatrise jamais. Non, non. Et donc, je regarde les commentaires. Je vois. Je me fais défoncer. Et en parallèle. Petit bonhomme. Tous les gens que j'aime bien, que j'admire un peu du milieu, m'envoient des textos, genre. Kian, Madonna. Le Palmacho, Thomas VDB, qui m'envoie des messages en privé pour me dire, gars, c'est trop marrant. La première fois qu'il m'envoie des messages pour me dire, c'est trop marrant et tout. Peut-être ils avaient vu les commentaires et se sont dit, non, non, on va le soutenir. Non, mais il y avait une proposition vraiment, vraiment différente. Il y avait cool. Ouais. Et du coup, ça plaît aux gens qui travaillent sur l'humour et qui réfléchissent à dire comment on peut faire des choses différentes. Et là, tu étais arrivé. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est mon. Comme tu dis si bien, c'est pour ça que c'est aussi mon truc préféré. Parce que je me suis dit, ok, j'ai Pat. Pris une décision polarisante, on va dire. Mais je suis content de l'avoir prise, quoi. Parce que c'est un ton, c'est ce ton-là qui me plaît, quoi. Et donc, du coup, il y a un côté, oui, il y a plein de gens qui comprennent pas, qui aiment pas et tout, mais les gens que j'aime, que j'admire et dont j'aime l'humour, ça leur plaît. Donc, il y avait une validation qui avait beaucoup de valeur à mes yeux, quoi. T'avais poussé le curseur, du coup, après, sur justement Victime Express, où le titre, il y avait eu un débat. T'avais laissé le point move dans les titres. Victime Express s'appelait, je crois, Victime Express-copy.wmv. Oui, voilà. Mais ça, c'est marrant parce que c'est un peu la. Alors, Victime Express, c'est saison 2, mais la saison 3 de Golden, il y a un peu un truc de. Là, on s'affirme, quoi. Enfin, quand tu remettes les sketchs, il y a un truc très marrant de. Parce qu'on parle. Alors, c'est peut-être un biais du cerveau. C'est un peu comme les trucs les moins aimés, c'est les trucs que toi tu préfères, mais moi, je me souviens du sketch de Thomas VDB. Blind Gone Wild, Nono Porno, qui était aussi un de nos sketchs préférés et qui est encore un des rares sketchs Golden à pas avoir fait le million de vues et qui avait pas du tout plu, qui s'était fait défoncer pareil, alors que je me souviens avait croisé des gens dans la Golden ou même avec Greg Ludic du Palma Show reprendre les phrases oui. À chaque déjà, fois que j'ai croisé bien la fille elle arrive, elle est à poil déjà. Se roule des grosses galoches. Le mec qui sort sa queue. Et Vlad, si tu m'avais passé le flambeau, je me souviens qu'on avait fait une réunion tous les deux spéciale. Parce que du coup, en gros. Fin de saison 2, vous me proposez de. Parce que toi, tu pars sur d'autres projets et vous me proposez de devenir. Alors, j'étais déjà, je reviens un peu en arrière et, là-dessus. Mais il faut. Et moi, j'étais milieu de saison 2, j'étais directeur artistique du Brain Content. Ah oui, c'est vrai. Bah, voilà. Attends, peut-être ça faut expliquer très vite fait. Ouais. On fait un détour, mais. Brain Content, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui permettait un peu de financer des sketchs. Parce que on parle des vidéos depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y avait tout un écosystème Golden Moustache avec le site, qui était même encore aujourd'hui, enfin à l'époque, moi c'est presque plus le site qui me faisait manger que les sketchs, parce que comme on dit, il y avait beaucoup de gens et donc en gros t'étais payé au sketch, quoi. T'avais pas un salaire mensuel, quoi. Donc la SACD n'était pas arrivée encore. Pas encore. Oh, et quand elle est arrivée, elle nous a changé la vie, cette SACD. Mais à l'époque, t'étais payé que au sketch et donc à ton sketch validé. Et c'est vrai que bah tu vois, moi à titre d'exemple, Adrien, je pense que c'était pareil. Je pense que l'année après sur les 4, j'ai dû faire 5 sketchs, moi, tu vois. Alors après, c'est cool, j'en ai réalisé plein pour des gens, mais des sketchs à moi, j'ai dû en faire 4-5, donc c'est pas assez pour vivre sur l'année. Alors qu'il y avait le Brain Content qui était effectivement des réunions pour trouver des trucs sur des marques, il y avait les articles. On faisait du contenu autour. Je parlais de chants de supporters. Toi, je me souviens que t'avais fait une vidéo Insta où tu faisais des chansons de supporters en chanteur lover, Adrien. C'est vrai. Ouais, bien sûr. Et il y avait tout un truc créatif autour. On faisait plein de réunions et c'était plus ces réunions-là qui nous faisaient bouffer que les sketchs. Oui, parce que ça revenait régulièrement, effectivement. Et moi, la première année, je faisais à la fois la DA du Brain Content, faisais tout, la première année, la production, le machin, etc. La deuxième année était plus cool parce qu'il y avait quelqu'un justement qui s'occupait de la DA du Brain Content, donc Adrien en l'occurrence. Et puis d'autres gens aussi. Et du coup, oui, c'est vrai qu'il y avait aussi les articles. Moi, j'étais très fan des articles sur Golden Moustache, notamment. Il y a ceux de Vincent Tirel, qui était. Vincent Tirel, qui est vraiment l'héritier de Gottlieb, quand tu relis les articles. J'ai lu les rubriques à vrac là, pendant les vacances. Ouais. Et c'est. Oui. C'est non, il a écrit si les pelleteuses étaient des princesses Disney. Princesses Disney, oui. Alors, ouais. Des bétonneuses. Ça, c'est moi, ça, par contre. Ah, bon, pour le coup, ça, c'est moi. Les bétonneuses, c'est moi. C'était Tirel qui avait écrit. Non, parce que ça, c'était parodie de trucs du web. Donc, ça, c'est plus mon truc. Non, Tirel, c'est des trucs du cosmos qui atterrissent sur Terre. Je sais pas comment il avait l'idée et c'était drôle. À lire, il avait quasiment tout écrit le dossier de presse de Golden Moustache. À l'époque, on ne savait pas qui on était. Et il avait trouvé le slogan. Pas de panique, vous êtes sur Internet. Ouais, moi, je sais que quand t'es arrivé, et j'ai dit, putain, le slogan, il tue. Pas de panique, vous êtes sur Internet, il est vraiment cool. Et c'est vrai que le voilà, c'est le seul, il arrive à me faire rire juste avec trois mots comme ça. Je sais pas comment il faisait. Et donc ça crée un esprit. Après, il y avait ceux qui connaissaient que la chaîne YouTube, il y avait ceux qui allaient sur le site aussi, donc il y avait. Et plein de choses qui permettaient aux auteurs de travailler, d'apprendre leur métier. Exactement. J'étais un peu passé, excuse-moi tout à l'heure, ton meilleur souvenir de Golden, je suis con, on est passé à côté. Moi, c'est vraiment les réunions d'écriture, globalement, c'est les souvenirs de... Mon métier, c'était de réunir des gens qui me faisaient marrer, et j'ai ri tellement dans ces réunions d'écriture, parce que quand un sketch s'améliore au fur et à mesure, quand ça prenait comme ça, je pourrais pas t'en citer une comme ça, mais c'était mon... C'est surtout la deuxième saison qui était plus cool, où les choses étaient plus installées. C'était mon petit bonbon, quoi. Parce que je savais qu'il y aurait des choses marrantes. Après, j'orientais un peu. En plus, franchement, j'avais mis une méthode où c'était de l'arnaque. Hein. On le lisait le sketch tous ensemble. Enfin, l'auteur du sketch lisait le sketch, souvent parfois avec l'aide des autres, etc. Puis après, je faisais un tour de table pour Tondé, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé pour ça, pouvoir. Ça. Ouais. Et à la fin, je concluais, donc j'avais déjà les avis des autres. Moi, c'est bon, donc j'étais. Quel escroc. Du coup, voilà, c'était pas. Non, non, mais voilà. Donc c'est ça, c'est des vraiment Adrien, des il avait récré, une technique, que, comme j'ai pratiqué plusieurs directeurs d'écriture, je me souviens que ça commençait par. Alors, on va poser des graines. Ouais. Cool. Ouais, il des fallait graines. Donner des idées parce que justement, on n'arrivait pas forcément toujours avec un sketch dialogué, etc. Donc, oh, tiens, je voudrais parler de ça, je voudrais parler de ça. Non, même qu'on n'a pas de concept. Pour moi, l'idée, c'était genre, même si on n'a pas de concept de sketch, c'était genre, ah, j'ai envie de faire un sketch exactement. Là-dessus, mais j'ai pas d'idée. Je dis, bah, donnez, c'était ça, les graines. C'est genre, donnez vos graines, et peut-être que justement, quelqu'un va dire, ah, bah, ça pourrait être ça le concept, etc. Quoi. Et après, on passait au dialogué, je me souviens. Il y a plein de sketchs, hein. Vous savez que j'ai fouillé mon Google Drive, et je pense que j'ai retrouvé la plus vieille idée de sketch qui vient de Vladimir, je crois, dis-moi. Et si Julien Lepers c'était vraiment Batman? Qu'on rendra Julien Josselin ce qui appartient à Julien Josselin. Julien Josselin, autant pour moi. Je, de mémoire, hein, je ne souviens pas. Mais ça c'est parti. On partait de. Est-ce qu'on essaye d'avoir Louise Bourgoin et qu'on essaye d'avoir Benoît Poulvord? On a aussi essayé d'avoir Julien Lepers, parce que c'est vrai que la ressemblance était frappante et que ça aurait été très cool de faire un sketch question pour un champion Batman. Je ne sais plus comment c'était gaulé. Ouais. Et ah bah là, j'ai toutes les idées. Mac Lesguy pourrait être l'homme mystère. Nagui et double face. Pascal Bataille et le pingouin. Voilà, il y a plein de choses. Les idées, c'est juste des guests. Un présentateur des télé et. Non, non, il y a tout le sketch. C'est très drôle, mais même lui nous a dit non à l'époque. Donc comme quoi, vraiment... Vous dire à quel point on pesait très peu. Vraiment très, très peu. Quelques années après, il aurait dit oui. Hein. Il a eu une période où vraiment il disait oui à tout. Il y avait Antoine Daniel qui nous en avait parlé. Oui, bien sûr. Nous avait parlé. Et donc, pardon, juste disais, du coup, tu m'avais passé le flambeau de Nono Porno et un autre sketch. Parce qu'en gros, c'est toi qui avais développé le truc, mais il n'était pas sorti en saison 2. Et tu m'avais dit, voilà, il y a ces deux sketchs. Moi, j'avais adoré Nono Porno. Je ne sais plus quel était l'autre sketch, mais j'avais vraiment, je l'avais sorti contre vents et marées, ce sketch, parce que tout le monde dans Golden me disait non mais c'est vulgaire, c'est nul, il y a rien et tout. Je disais mais non mais c'est trop marrant, et vraiment jeu, tout le fait. Monde et bon la décision me revenait, et donc j'avais commencé ma carrière entre guillemets, en tout cas mon poste de DA, en juste me mettant les gens à dos. Et surtout le truc, c'est que il a été interdit aux moins de 18 ans parce que un peu des culs et des trucs des voilà. Ouais. Donc pas monétisé. Et donc ça, on me l'avait bien renvoyé dans la gueule. Il est venu me voir. Alors tu vois, hein, on gagne pas de thunes avec et tout. Je fais oui, mais c'est marrant, c'est marrant. C'est de ma faute, hein, tout ça. Parce qu'en plus, c'est moi qui ai poussé un peu en disant ah ouais, ce serait marrant si vraiment il y avait un vrai tournage porno derrière. C'est moi qui ai poussé peu Thomas là-dedans. En plus, il avait plein d'idées, Thomas. Et j'ai dit ah, celle-là, je la sens peut-être un peu opportuniste. Hein. Je sens que celle-là, le côté porno machin, ça peut peut-être marcher pour un premier sketch. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, comme le sketch a pas marché, Thomas il a pas fait d'autres sketchs avec nous. Et je regrette parce que ça aurait été. Il y avait d'autres textes qui étaient super. Il a fait des apparitions. Ouais, dans mais j'aurais aimé qu'il vienne aussi en faire lui d'autres, parce que c'était, j'adore vraiment. Mais est-ce que c'est pour ça, ou est-ce que c'est juste peut-être l'exercice l'avait, enfin tu vois, je sais pas. Je pense qu'il faisait beaucoup d'autres choses, il avait oui. Je pense que les cheveux de Clément Marouzet qui montait le sketch à Box sont encore encombré de son tabac à Thomas Védel. Il clopait énormément au montage. Il le prenait très à cœur, quoi. C'était vraiment il voulait faire vraiment un super sketch. Et tu parles de ta période DA, il y en a un autre où t'as, et on va revenir sur le lab dans très peu de temps, où t'as imposé deux gars sur YouTube, à savoir il a mis son sexe. C'est-à-dire que McFly et Carlito, premier sketch, encore le cul, tu peux pas t'en empêcher en fait. Il a mis son sexe de McFly et Carlito, qui était en fait un sketch du lab. On va revenir sur le lab, mais en gros, c'était une espèce d'endroit succursale pour tester d'auteurs. Où là tu étais le DA. Où j'étais le DA aussi avec Vladimir au tout début. En tout cas dans le recrutement on était ensemble, et ensuite j'étais effectivement DA. Puisqu'effectivement il y avait ce truc de, il y a beaucoup de talents, ce qu'on appelle ça les talents, sur la chaîne YouTube, c'est le bordel, etc. Peut-être que pour éviter de se prendre plein de gens dans la gueule avec des premiers sketchs, maintenant que la chaîne est un peu grosse, il y avait ce truc qui était que sur le site, où ils pouvaient tester des sketchs, faire des plus petits trucs, etc. Un open mic, on dirait. Hein, Un petit open mic. Et c'était aussi avec budget très réduit. Très réduit, pour s'exercer. Et c'était aussi le passage obligé, à partir de. Une fois qu'il a été créé, c'était si t'arrives à Golden. Tu passes d'abord par le lab et après peut-être tu fais des sketchs. Et qui était un peu l'esprit dans lequel on avait fait les tout premiers sketchs. Ouais, hein, c'est ça. En fait, des trucs assez simples, peu découpés. Et puis je vais vous faire la liste des gens qui sont passés par le lab, c'est assez fou. C'est-à-dire qu'on a quand même eu pas mal de gens. Et donc, Il a mis son sexe, qui était le siège de McFly Carito, que tu as. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je suis. J'étais directeur artistique, donc je passais mes journées, j'étais toute la journée dans les locaux de Golden. Et donc, à un moment, vous faites une réunion du lab, et moi, je suis dans la salle de repos à côté, et je les entends faire ou passer. Faire la chanson, quoi. Ouais, faire la chanson. Et moi, je suis à côté, et vraiment. J'ai vraiment passé une tête, j'ai dit c'est quoi le truc là T'es vraiment t'es rentré comme Trump dans la vidéo en fait, t'es rentré, t'avais ton coquin, il a mis son quoi Et vraiment j'ai dit mais ça c'est trop marrant, si c'était ok on le met sur YouTube direct quoi. Et donc du coup j'ai lancé McFly Carito quoi. Mais non. Ils se sont fait défoncer la gueule. C'est vrai. Ah, quand elle est sortie la vidéo, ils en parlent dans leur vidéo d'ailleurs où ils parlent des années Golden. Ah ouais. Il y avait encore un truc de attends quoi, une chanson à la con avec du pipi et du tout du pipi dans moi ma phrase préférée de toute la chanson est imaginez ma pisse. Mais tu vois, c'est ce que je dis dans une espèce de saison un peu qui va au bout quoi, c'est-à-dire franchement fais le cadeau avec toi aussi qui est quand même sketch qui est diffusé à Pompidou maintenant, hein, le sketch. Mais franchement le cadeau, vous pouvez aller le voir, c'est incroyable le montage Vincent Tirel sur ce sketch, c'est incroyable. Qui l'a monté avec lui, ça c'était Marouze aussi, non c'était qui, je me souviens plus. Clément Marouze qui a monté tous mes sketchs. Que j'ai recruté comme stagiaire au début pour faire un peu de montage, le premier moment en saison 1, et qui est venu monteur, et maintenant qui monte bref et tout ça. C'est Stéphane Carlo qui l'a monté. Ah oui, c'est vrai. Stéphane Carlo qui a aussi réalisé des choses avec Valentin Vincent, et tout seul aussi d'ailleurs. Et voilà, mais Clément Marouzet, très grand monteur. Moi, c'est effectivement, il a monté plein de sketchs Golden, mais il a monté tous mes sketchs, et après, à chaque fois que j'ai fait un truc. Dont j'étais à l'initiative, j'ai rappelé Clément, donc il a monté des. Attends, je vais te dire des conneries. Est-ce qu'il y a MST ? MST, oui, bien sûr, mais je suis fou, bien sûr. Il est sur Mac Walter, le film, et il a monté Le Flambeau avec d'autres gens, hein, mais il a monté Le Flambeau, bref, deux. Ça fait partie des grands plaisirs de voir des gens continuer. C'était un écosystème pour les auteurs qui était plutôt fructueux, en tout cas, les gens qui étaient bons avaient été encouragés, et ça l'était aussi pour les techniciens, et ce qu'on appelle les techniciens, mais qui sont aussi créatifs, quoi. Donc le lab, effectivement, c'est toi qui as eu l'idée, Vladimir ? Oui, c'est de se dire, effectivement, de voir que quand quelqu'un arrivait avec un premier sketch, on ne connaissait pas sa tête encore, on ne connaissait pas son univers, c'était compliqué sur le premier sketch de recevoir des commentaires un peu désagréables, au final, on parlait d'il a mis son sexe, mais McFly Carito, après, le sketch a cartonné, donc c'est difficile au début, et en plus, ça permettait de former les gens, de dire, tente un truc, c'est moins exposé sur le site. Ça permettait de faire vivre le site aussi, parce que ça permettait de faire de la pub sur le site, donc c'était bien pour la production, avec l'économie, etc. Et voilà, ça permettait de tester et de plus librement. Et après, moi, le regret, c'est que je suis parti au moment où on commençait, donc j'ai pas pu le tenter, etc. Mais je trouve que t'as fait un super boulot, et puis après, tous ceux qui ont repris dans la foulée, il y a eu des trucs incroyable, des sketchs qui étaient restés pour moi. Oui, donc on le disait, McFly et Carito, c'est leur arrivée à Golden Moustache, c'est via le lab, parce que moi je me souviens, je les avais vus sur l'énorme TV à l'époque. Et donc effectivement, les députés, ils sont marrants, ils font des sketchs assez simples justement, parce qu'ils avaient fait, pour moi, un sketch culte, à savoir la pétanque avec des œufs. Donc c'est juste un sketch où ils jouent à la pétanque mais avec des œufs. C'était qui ça? Ça c'est McFly et Carito. Je non mais c'était pas sur le lab, c'était sur l'énorme TV quand ils faisaient le fact show. Ah oui, d'accord. Oui, et j'avais vu ce sketch où ils jouaient à la pétanque avec juste des œufs. C'est très bien. Et j'étais genre il nous faut des choses comme ça. C'est super. Effectivement, on s'était dit viens, on les fait venir, on voit ce qui se passe et. Ouais. Et eux, il y a eu Freddy Gladieux, Léopold. Alors là, moi j'étais même plus dé à ce moment-là. Ouais, c'est plus tard. C'était de Parcy, je sais plus. En tout cas, c'était c'était c'est là où Freddy Gladieux, Aurélien Prévost, Anis Rally, Léopold Le Marchand, Laura Felpin, Anna Apter. Enfin, c'est que des gens. Maintenant, à pas vous faire l'affront de vous les présenter, mais c'est super magique en fait de voir qu'il y a autant de gens qui sont venus. Je parle du lab, mais même plus globalement de Golden Moustache. Et Laura et Anna qui étaient un duo. Anna et Laura. C'est ça, Anna et Laura qui faisaient le sketch Flick and Games sur YouTube, qui avait comme titre original Two Girls One Cop. Oui, qui était vraiment très très bien. Qui était un très bon titre, mais qui n'est pas sorti, qui n'a pas été le mais vrai titre. Que... Ah oui, pardon. Ah non, la vidéo est sortie, mais pas le titre. Ah bah oui, la vidéo est très drôle. Mais t'es dedans aussi dans mais la vidéo. Dedans. Mais bien sûr, là, celui-ci. Dans les gros trucs aussi, quand même, de Golden, il y a eu parce que sur E4, effectivement, on fait des sketchs. Toi, comment t'as vécu alors, il y a eu d'abord le fantôme de merde, qui était déjà un gros truc. À l'époque, Montreux faisait des espèces de cartes blanches à des gens. Le Palmacho avait fait un truc qui s'appelait Lost in Montreux, qui était un espèce de faux document, enfin je sais même pas vraiment faux doc, mais il jouait avec des guests, etc. Moi j'en avais fait une avec le comité de la claque juste avant. C'est ça, exactement. Non mais c'est ça, c'est ça, j'allais venir. Tout ça, mais vraiment, plein de gens l'ont fait, voilà. Et eux avaient fait le fantôme de merde, et je crois que t'étais déjà là sur l'écriture, tout à fait, etc. Tout à fait. Là, c'est le premier format un peu long. C'était l'ambition de faire quelque chose. Voilà, c'était de se dire, tout à coup, on fait une vidéo plus longue, on fait un vrai court métrage, on profite des guests qui sont à Montreux. Là, en l'occurrence, on a pu avoir il y avait du monde. Des gens, et ça a été un tournage. Il y a quand même François Civil dans le truc. Ça me nique mon jeu d'après. Ah merde, pas grave. Pardon. Mais tu l'aurais trouvé très vite. Ouais, ouais. Voilà. J'ai fait un jeu qui a joué dans Golden et qui n'a pas joué dans Golden. Ok, ok. Trop bien. François Civil, ouais. Et donc, oui, donc c'était super parce que là, il y avait vraiment un défi d'écriture, ouais. Tout d'un coup de passer aux 20 minutes, il y avait un défi de montage, j'ai beaucoup participé au montage pour aider, pour aider, c'était super intéressant. Mais t'étais vraiment à chaque étape. Moi-même j'ai appris beaucoup, ouais. Oui, au montage aussi évidemment, ouais. Surtout au début, après au bout d'un moment, bah, quand vous savez faire et quand c'est bien, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu fais oui, super, mais oui, forcément, ouais. Et puis ça me plaît en fait fondamentalement. Je viens de là, donc du coup c'était logique pour moi d'accompagner au maximum, tout en laissant votre sketch, et c'est à vous de prendre la décision. Mais d'essayer, le fantôme de mer, c'était vraiment une collaboration assez cool, assez étroite, et en plus on était vraiment content du résultat, et même l'idée d'affaire du fantastique pas cher finalement est restée moi dans mon film, bah ouais, Angers Compagnie, ouais, ouais, l'idée d'avoir un personnage invisible qui te souffle, oui, quoi c'est, faire, il y avait les fantômes, c'est et il y a les c'est anges. C'est du plagiat maintenant que voilà. Il y a même une vanne où je me suis rendu compte, ah merde, ça elle existe dans le fantôme de merde. J'ai envoyé à Raphaël et puis aux autres, et j'aurais dit ça va, c'est bon. Justement, il est au bout du fil. Ouais, Raphaël, bonne réponse, tu peux y aller. Voilà, et donc ils m'ont dit oui, pas de problème. Voilà, tout va bien. Mais oui, il y avait cette idée de, voilà, avec des bouts de ficelle, de faire quelque chose d'un peu ambitieux, d'un peu différent de ce qui se faisait en comédie d'habitude, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans le film. Et qui a amené aussi, et on va pas citer les dissociés. Exactement. Et aussi un peu ce truc-là des espèces de fantastiques. Low cost, pas en mode cheap, mais en tout cas oui, qui sans gros effets spéciaux, savoir comment des créer, films de body swap. Voilà, comment créer, c'est un film où donc ils échangent leur corps, et comment créer, pareil, le premier long métrage de Golden sur internet, c'était quand même quelque chose d'assez gros. Effectivement, je suis revenu à ce moment-là pour accompagner l'écriture et le montage et tout ça, et c'était passionnant comme aventure, exténuant aussi pour eux, particulièrement pour Des gens ont saigné du nez sur le tournage, voilà. Et quelqu'un a vomi. pas toi. Ce sont des frangines, je ne dirais pas les noms. Donc une dégueulait, l'autre saignait du nez. C'est comme ça qu'on a compris qu'elles étaient sœurs. On ne savait pas avant. C'est les sœurs Coudry. Salut, ça fait partie. Oui, salut. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi toutes les. Pardon, j'ai l'impression d'être Michel Drucker, mais c'est vrai qu'il y a aussi toutes les parties prod. Non, mais c'est un chien que vous avez à côté sur un divan. Il est assis sur mon divan. Non, mais c'est vrai que ce soit. Pareil, j'ai peur d'en oublier, mais là, celle qui me revient, Vanessa Bria, Fanny Deleu, Charlotte Thomas, effectivement, Julie Coudry, évidemment, on en a eu beaucoup, Astrid Younes aussi. Younes Nemich, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont vachement accompagnés sur ces trucs-là, et merci à eux aussi, parce que ça, sans eux, enfin, tu vois, c'était des trucs de faire rentrer des fois de l'argent, enfin, des concepts, des trucs dans des petites enveloppes, quoi. Mais oui, mais c'est ça qui permettait de faire des trucs originaux. Ouais. C'est ça qui permettait de faire justement les dissocier, donc comment créer une mythologie, comment créer un univers sans beaucoup d'argent. Oui, et surtout, voilà. C'était des prods qui n'allaient pas nous dire, en tout cas les gens que tu viens de citer, non mais là je pense que cette blague elle marchera pas, faudrait que tu fasses tel personnage, tel machin. Jamais on a entendu ça. C'est après, quand on s'est confronté, je pense, au vrai milieu de la fiction, on a fait quoi ? Je peux même pas choisir le prénom de mon personnage, tu vois. Oui, oui, c'est cette vraie liberté. On avait une liberté mais incroyable. Je pense même qu'il y en a qui ont, enfin, qui en ont souffert, c'est peut-être un grand mot, mais qui étaient habitués à une liberté. Oui, bah, la personne en face de toi, Flo. Vraiment dans plein dedans, là, actuellement. Non, mais tu vois, ça, j'en ai parlé, j'ai bouffé avec Eleonore il y a pas longtemps, elle m'en parlait aussi. C'est vrai terrible. Que ça te met dans une sorte un de confort. Toi, ouais. Tu l'as ressenti aussi, toi, Vladimir, quand t'as voulu faire ton premier film, Angers Compagnie, parce que t'as quand même réussi à imposer un film fantastique français, c'est pas tous les jours, en comédie, pas tous les jours, avec comédie un casting... romantique. Comédie romantique. Plus de fatigue encore, hein, quand tu dis ça. J'ai fait 2 heures de basket avant de venir, oui, ok, et après je suis venu à vélo. Et puis il a pas baillé, il imite. Il imitait Eddie Mitchell. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est la dernière séance pour moi. Et aussi avec un casting. Alors il y a des rostas dans ton film, mais avec aussi plein de gens qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Donc c'est aussi ce truc. Est-ce que t'as oui, tu, puis tu y a t'es des, bagarré y a un des, peu y a des... Oui, des rostas. Enfin, c'est pas non plus le. Tu vois, c'est pas non plus le casting. De oui, il y a pas Christian Clavier. Voilà, ou, on n'est pas dans ces personnalités-là. Non, oui, ça a été long de convaincre. Ouais. C'est-à-dire que comme il fallait un peu plus d'argent que pour les dissocier, pour que ça, voilà, ça a été long comme processus. D'abord d'apprendre à écrire un long métrage, ensuite de convaincre, de convaincre un casting, de convaincre des partenaires financiers. Voilà, tout ça a été très long, a été plein de rebondissements, des changements de casting, etc., etc. Et au final, au moment où on a enfin arrivé à tourner, après plusieurs fois ça s'est annulé, etc. Ça a été un vrai parcours du combattant. Bah, tout d'un coup, tout s'est mis de façon et en place de façon très harmonieuse. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu un truc comme si c'était les bonnes personnes au bon moment. Ouais. Que ce soit Élodie Fontan, que ce soit Chérine Boutella, Julien Pestel. Je suis trop content d'avoir fait le film avec Julien Pestel, que je connais depuis très longtemps, depuis l'époque de Golden aussi, etc. Évidemment, Romain Lancry, avec qui je travaille depuis 20-25 ans. Donc il y a eu un truc comme ça qui s'est mis en place, qui était hyper cool, où tout le monde était simple. Il n'y avait pas de prise de tête, où là il y avait cette liberté créative qu'on avait. Mais effectivement, c'est plus long pour arriver, ouais, sur le plateau, quoi. C'est ça. Ouais. Il y a cette phrase que m'avait, je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais que m'avait sorti un acteur, et ça m'avait énervé à l'époque, un acteur qui avait quitté mon film et qui m'avait dit oui, mais tu sais, un film se fait toujours avec les personnes qui doivent faire le film. Et j'étais un peu en mode gros nez, il avait dit. C'est ça qui t'avait avec ton gros cul là. Non, et j'avais dit oui, bah c'est facile à dire quand tu te casses. Oui, oui. Et c'est vrai que qu'une fois le truc fini, tu dis bah non, en fait c'est vrai que ça, ouais, j'imagine, ouais, pas le film différemment, quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc où il y a un alignement des planètes où tu te dis ça ressemble à, le film devait ressembler à ça, c'est vrai, quoi. Oui, oui, bah oui, c'est un vrai truc. Et c'est vrai que et dans... pas le choix en même temps, hein. Non, mais c'est vrai que non, mais ça aurait pu ne pas se faire plein de fois, mais en fait je pense ça, que t'as vécu ça, la même chose sur Nouvelle Roi. Bah, mon producteur avait dit un film ça reste un miracle. C'est, ouais, c'est qu'autant de gens soient ensemble, dispo, dans les bonnes conditions pour faire un truc aussi fou qu'un film, c'est et un miracle. Et que chaque jour il n'y ait pas une catastrophe. Exactement, ouais, c'est un miracle. Oui, oui. Donc exactement, que ça existe déjà. Oui, et oui, que ce soit des films qui vous ressemblent vraiment à Romain et toi, c'est ça qui est génial en plus. Oui, oui, bah on a essayé de mettre, voilà, tout ce qui nous a animé en comédie. Ça a été un peu toutes nos années de formation, que ce soit le web ou même la télé, etc. J'ai vraiment l'impression que j'aurais pas fait ce film comme ça à 25 ans. Bien sûr. Voilà, parce que j'étais pas aussi affûté. Et les années web et Golden en particulier, bah de travailler avec des auteurs qu'on aime, et on apprend aussi, enfin, ouais, en tant que directeur artistique on transmet mais on apprend, et c'est pour ça que c'était la moindre des choses que toute l'équipe, en tout cas une partie de l'équipe, et puisse se retrouver dans le, oui, parce que c'est des années où tu trouves aussi ton ton et ton style, quoi. Enfin, moi la papate. Là, comme disait, ouais, Pierre Tchernia en parlant de Cinoche, il parlait de la papate. Évidemment. Non, mais c'est vrai que moi j'ai eu ça avec les Lorbo aussi, c'était ce truc de, vu qu'à Golden j'ai pu trouver ce truc qui me plaît, à savoir, ah, on peut être marrant trash et en même temps parler un peu d'émotion, et que j'ai trouvé que c'était ça qui faisait que j'aimais bien des histoires. Oui, bah évidemment que tu prends tous les gens qui t'ont fait rire depuis des années. C'est même pas un truc de il faut le faire, c'est que c'est tellement logique en fait, et que tu te poses tellement pas la question, parce que c'est que des gens dont t'es fan du travail et que tu connais bien et que tu sais comment ils sont drôles vu que tu les as vus beaucoup travailler. C'est vrai que c'est d'une logique imparable. Voilà, et puis même chose, il y a une comédienne, notamment Mélissa Polony, qui vient de rentrer à la Comédie Française là juste récemment, et qui est dans le film, c'est son premier rôle au cinéma, et pareil, de pouvoir dire tiens, elle, c'est sa première expérience, et les gens vont la découvrir, et va la trouver marrante aussi. Donc il y a ce mélange, voilà, de gens à qui je travaille depuis 20 ans, ouais, d'autres 10 ans, d'autres que je viens de rencontrer, et voilà, et ça, c'est vrai que c'est un film avec beaucoup de second rôle. Ouais. Où il y a parce que c'est de... ce qu'on aime en tant que spectateur, voilà, aussi, c'est ça le truc. Du coup, dans une scène qui vient voler la vedette un temps, et c'est Méniel. Voilà. Non. Moi, j'ai en tête VDB qu'on voit, ah, vraiment. Ouais, VDB, c'est fou. Une scène en coup de vent, mais et j'ai explosé de rire. Enfin, voilà. C'est génial. Et il y a le petit qui gueule sur Jocelyn, et moi, c'est ce que j'adore l'avoir gueulé sur Jocelyn. Il y a un truc qui marche bien. Je les ai dirigés deux fois où je l'ai fait gueuler sur. Enfin, c'était tes textes. J'adore gueuler sur Jocelyn. Ah ouais. Puis il se prend bien. Il se fait bien gueuler. Il est content. Ils sont très drôles dedans. Il y a même une petite scène avec Éléonore et Justine ensemble. J'étais trop content de les avoir toutes les deux aussi. Ouais. Voilà, on aurait aimé chaque fois se dire ah, ils viennent une fois, une journée, etc. Les avoir tous ensemble, oui, là plus longtemps. J'aurais voulu en mettre plus. Exactement. On était des petits bouffons sur ce tournage. On venait te divertir. Petite sucrerie. Ben voilà. Exactement. Voilà. Non, et Pestel, l'histoire elle est jolie parce que en plus il y a ce truc de je sais pas si on peut le dire, mais c'est devenu un gros nom pendant la fabrication de ton film, oui, aussi. C'est-à-dire, oui, que c'est parce qu'il enchaîne aussi un peu Chasse Gardée et Cocorico, qui sont deux gros succès du box-office, où d'un coup il peut s'imposer en rôle principal du film, un des rôles principaux, parce qu'il y en a plusieurs. Et il y a, ça, c'est trop, oui, cool. Il y a deux anges et deux humains. Donc Julien joue un humain. Effectivement, il devait jouer un autre rôle à la base, ouais, quand le film devait se tourner un an avant. Puis les changements de casting font que. Et puis on se dit, allez Julien, mon producteur dit, mais t'es sûr, oui, oui, je crois, là ça c'est bon, c'est le bon moment, maintenant ouais. Il a fait chasse gardée, le TF1 l'aime bien, ouais. Les gens l'aiment bien, etc. Il lui avait fait passer un peu le message aussi, je sentais qu'il était intéressé, et hop, ça s'est fait, et quel bonheur, parce que, pas vrai, Julien, ça fait partie des gens, que ouais. je suis dingue fan, comme Simon Astier, comme mais Adrien, oui. Comme Méniel, comme... Ouais. Comme tout, voilà, Thomas VDB dont on parlait, Gasteuil aussi. Romain avait, lui, là, c'est un copain de Romain, il avait tourné avec lui l'année dernière, et super découverte, super drôle aussi. Enfin, voilà, il y a eu vraiment une chance sur le casting de réunir tous ces gens marrants et de, les, voilà, de pouvoir partager un bout de chemin avec eux. J'ai un petit jeu à vous proposer. Mais ouais. Oui, mais oui, salaud. Attends, c'est bien parce que j'appréhendais le. On arrive au moment, l'année où Golden chute. Non. Et c'est terminé. On et c'est frite. Bah, et tu n'as eu la décence de ne pas le faire. Mais si, non, mais parce qu'on est là pour se rappeler pour ça. Et mais c'est vrai ce que dit Adrien. On commence à tous un peu à partir. Toi, t'étais un petit peu plus là. Mais... Oui, oh, moi j'ai vu la chute. Hein. Bah, tu pourras faire une émission spéciale avec les gens qui étaient là à la chute. Ah merde, ça s'arrête. Actrice et spectatrice de la chute. J'ai vu cette chaîne mourir. Lamentablement. Bah, on parlera de Pickle TV plus tard. On n'est pas là pour se rappeler que des mauvais souvenirs. Bravo. Non, mais c'est vrai. Alors, le temps presse, j'aurais aimé aussi parler du sketch show quand même. Aussi, vite fait. Allez, ouais. deux mots du sketch show quand même. Parce que moi, ça pareil. Parce qu'il y avait un truc. Moi, je me souviens, et ça avait été une discussion que j'avais avec la Bastien. Je disais, mais Adrien, pourquoi on n'est pas auteur sur des trucs d'M6, ce qui nous ferait manger, tu vois. Ouais. Je disais, on est sur une chaîne M6 qui est quand même fait Scène de ménage, je sais plus le nom des trucs, Esprit de famille. Bon bref, faisait beaucoup de programmes courts. Et moi, je voyais les génériques où il y avait 230 auteurs. Et ouais. Je dis, mais pourquoi il y a pas un monde où on peut, vu qu'on avait, personne n'avait d'agent, personne n'avait. C'est un truc vraiment sur lequel c'est dommage qu'ils ont. Enfin, M6 a pas compris. A pas eu les creux, c'est sûr. A pas compris le potentiel. A pas. Il aurait pu trouver des moyens. Il y a eu le sketch show effectivement sur ouais. W9 et plusieurs sketch shows, etc. C'était super à faire. Mais il aurait pu y avoir beaucoup plus de ponts, c'était logique, ils auraient pu trouver un endroit, un peu laboratoire aussi sur une des antennes qu'importe W9. Oui, c'est vrai qu'il y avait quand même W9, Teva, Sister, oui, c'est sûr. Même aujourd'hui, ce qui est fou, c'est qu'ils ont une marque, ouais. Moustache, qui parle à certaines personnes. Regardez ce qu'ils ont fait, Canal+, Yobegel a évolué, mais existe encore. Ouais, il y a Outwans. Voilà, il y a des nouveaux formats, ils tentent des choses, etc. Fleur bleue, tout ça. Voilà, exactement, ou Flipper. Ouais, voilà, bien sûr, il y a plein de choses différentes en plus. Super bien. Et là ils ont une marque quand les gens quand ils ont supprimé la chaîne ou ils l'ont remplacé par M6 je sais pas quoi tout le monde a gueulé t'as envie de leur dire mais vous avez quelque chose là-dessus qui était intéressant, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, évidemment au contraire faut pas faire la même chose mais faire vivre même c'est une marque ça évoque quelque chose dans l'esprit des gens quoi. Là c'est vrai que c'est un peu figé dans le temps quoi, c'est-à-dire c'est cette époque-là, mais il y avait quand même ce sketch show qui était quand même moi un très bon souvenir. En tout cas, moi, je me souviens parce que j'étais déjà moins dans Golden. Nous, c'est vrai que même avec Adrien, on était déjà un peu à Beagle, je crois. Moi, j'étais toujours directeur artistique. Non, bien sûr, de mais Golden. T'étais plus. Tour du Beagle, c'est après. Oh, je suis perdu dans le tour du Beagle, c'est après. Parce que moi, j'arrête. Okay. Je quitte mon poste de directeur artistique pour faire le tour du Beagle. D'accord, ok. Donc c'était après. Salaud. mais c'est vrai que c'était déjà un peu voilà. Et il y a ce truc où moi, je ressens un. C'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Un regain d'énergie des débuts de oh putain, on peut faire comme les nuls, les inconnus, les robots on va faire un prime, un 20h50 pendant les fêtes de Noël. Ça, j'avais trouvé ça trop cool en plus, c'était pas loin de Noël. Et puis on l'avait tourné pendant l'été, c'était vraiment cool. Je venais de faire les dissociés juste avant. Golden me rappelle pour faire la réalisation. Adrien Méniel est à la direction artistique. Il y a des sketchs écrits par toute la bande. Revient tous à écrire, on fait tourner tout le monde et on fait des parodies télé parce qu'il y avait ce truc aussi où, mine de rien, même si on s'est jamais imposé. De vrai DA entre guillemets, il y avait ce truc de sur internet on fait des petits courts métrages ou des sketchs mais on n'osait pas trop la parodie télé. Il y avait eu Top Wesh de Lucien, c'est vrai, mais il n'y avait pas eu beaucoup de parodie télé. Et là il y avait un truc de ah cool, on va pouvoir parodier la télé à 20h50, mais parce que il y avait aussi le truc de enfin je sais pas si c'est exactement ce que tu viens de dire, mais de le côté ça faisait pas forcément sens de parodier la télé sur internet, ça, alors qu'il y avait un côté parodier la télé à la télé, ouais. Il y avait du sens, quoi. Exactement. Et puis, ça s'inscrivait aussi dans notre côté. Ah, on est des petits marrants qui viennent se foutre de votre gueule. Enfin, ça marchait, quoi. Mais ce qui est très marrant, c'est que j'ai rematé les sketchs. mais on fait pas vraiment de la parodie. T'sais, c'est quand même un peu des trucs de petits malins, de trucs absurdes où oui, on reprend. Oui, oui. T'sais, TV Mashup, c'est un truc où. En fait, en vrai, on parodie très peu. Des émissions. Ouais, on ouais. parodie des concepts d'émissions. Ouais. Mais... parodie Equidia, non ? Oh, bah maintenant, vous êtes un cheval. Oui, oui, c'est de Flo Flo. C'est Florent qui l'avait écrit. C'est drôle, ça. Mais ça, c'est une réplique. Je me souviens l'avoir écrit parce que ça, c'est une blague à la Adrien. Pour lui, ouais. Bonjour, maintenant vous êtes un cheval. Ça n'a aucun sens. C'est ça. Donc ça, je me souviens, c'était oui, si Adrien et puis Adrien en ministre, quel plaisir, quelle bonne gueule. Mais ça, c'était de faire des choses un peu différentes, justement, de faire de la perruque, voilà, un truc qu'on n'osait pas faire dans les sketchs Golden. Moi, j'ai commencé avec la parodie, avec le copier de la claque. On faisait des parodies de fausses pubs, etc. Donc c'était trop marrant d'en refaire avec ce 109, etc. Et c'est là qu'on est né le mec qu'on écoute jamais dans le film. Ah. C'est ça. Qui était des parodies télé et des parodies cinéma aussi. Voilà. C'était un concept malin d'insérer quelqu'un dans un film. Pour ceux qui ne le connaisseraient pas encore, j'imagine que vous connaissez déjà, puisque vous suivez Adrien et Flaubert, mais c'était un bonheur à réaliser. Il y a deux épisodes. Oui, parce que c'est toi qui, il faut dire que c'est toi qui réalise. Et moi, j'adore intégrer un personnage dans un film, comme s'il faisait partie du film, retrouver la texture de l'image, retrouver s'amuser à singer les décors, tout ça, c'était. Oui, avec David Taboyer, David Taboyer aux effets spéciaux et à la lumière qui a fait un travail, De fou. Et il faut juste, je dis rapidement que le concept est né d'une contrainte, c'est-à-dire que nous on s'est dit on aimerait bien faire un truc où on incruste quelqu'un dans des films et je sais plus si c'est le service juridique ou quoi qui nous a dit alors on n'a pas le droit d'intégrer quelqu'un dans les images existantes d'un film parce que du coup ça c'est considéré comme une détérioration de l'image du film et ça on n'a pas le droit. Et du coup on s'est dit mais si on recrée des scènes de films qui n'existent pas, enfin on les recrée de toutes pièces et on les incorpore dans les images du film, ça on a le droit. Quoi, et du coup c'est de là qu'est né le concept de on l'écoute jamais parce qu'en fait le mec il est toujours isolé des autres, il parle et évidemment le personne l'écoute parce que les dialogues continuent et tout. Il est jamais dans le même plan que les acteurs, il est toujours un peu à l'écart et du coup personne l'a... il lui prévient toujours ce qui va se passer et ça marche pas. Voilà. Mais c'est parce que c'était le concept était un peu marrant, des trucs un peu de geek de cinéma de mais pourquoi tu fais pas ça ? Oui. Mais avec en plus ce truc de ça, c'est un des trucs. Moi, c'est un des trucs. Alors, j'aime pas le mot fierté, mais je trouve que c'est un des trucs les plus stylés sur lesquels j'ai collaboré en tant qu'auteur. Maintenant, il y a des quinries sur TikTok qui font des reacts. Je sais pas. Je te l'ai envoyé. Américain qui rigole. Bah, on a atteint les States. Mais toujours. On a commencé avec les States, on finit avec les States. Toujours les States. Moi, j'ai toujours visé les States. Mais les States te collent à la peau, toi. Moi, en règle générale, je suis un quinry. Ouais, je suis plutôt un quinry. Donc oui, petit jeu, Golden Moustache. À votre avis, alors c'est plein de petites questions. Vas-y, mais quelle est la vidéo la plus vue de Golden Moustache ? C'est pas celle de Romano avec Gunny Goubert qui est une vieille femme ? On parle de la chaîne YouTube. Tu parles du serveur ? Non, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6e vidéo la plus vue. 13 millions de vues. Sans, parce... Avec Aude Gunny Goubert. Je sais qu'Hakim Omiri a fait des vidéos qui ont fait beaucoup de vues. Je pense qu'Hakim Omiri, c'est celui qui est le plus régulier dans le carton. Ouais. Et avec des vrais concepts. Moi, j'ai eu la chance d'en co-réaliser avec lui, qui était à Monde sans chiffres. Ouais. Et effectivement, anti-spoiler, Monde sans chiffres, même sa parodie de film de cowboy, etc. Enfin, il y avait des très bons concepts, des très bons concepts. Moi, je dirais que c'est un suricate. Est-ce que c'est un suricate ? Ce n'est pas un suricate. Ah ouais ? Non. La vie sexuelle des jeux vidéo est deuxième avec 19 millions de vues. Ah, je sais, le rap. All Rap versus New Rap. Exactement. Ah oui. Danis Rally, 25 millions de vues. Donc en deux fois moins de temps parce que la vie sexuelle a 12 ans et celui-là a 6 ans. Ouais. Excellent sketch. Très bon sketch. Très marrant avec Mr. V, John Rachid masqué, Freddy Gladieux et Anis, effectivement. All Rap versus New Rap. Qui a joué dans le plus de sketchs chez Golden Moustache ? T'as compté ? Ouais. Oh putain. Bon, j'ai pris des datas qui sont peut-être fausses. M'emmerdez pas, mais j'ai pas demandé à ChatGPT. Mais j'ai fait. C'est une très bonne réponse. J'aurais pas le dire, mais je me disais que c'était peut-être moi, ouais. C'est Méniel. T'es pas loin derrière, Justine. Ouais. Je tiens à te le dire. Mais c'est du Ménielite. Alors il y a des trucs qui tronquent un peu les chiffres, effectivement. Il y a le sketch show. Parce qu'en fait, vu qu'on a fait un sketch show, il y a genre une dizaine de sketchs, Le sketch show était centré sur essentiellement sur Julien, Jocelyn. Je voudrais faire une petite parenthèse. J'étais voir une pièce de théâtre et je croise un mec que je connais pas, etc. Et je sais plus pourquoi on arrive à parler de Golden Moustache et je fais bah oui, je connais bien parce que j'ai joué dedans. Et le gars m'a dit, ça m'étonnerait, je les ai tous vus, t'es pas dedans. Eh bien, là, si tu nous écoutes, on va te retrouver. Premier degré. Et j'ai fait je vais pas répondre. Quel mépris de connard, putain. Wow. Ça, c'est faut du cran. quand tu dis à la personne non. Non, le gars m'a dit je les ai tous vus, oh donc là ça là. M'étonnerait. Bon, c'est comme le livreur un jour qui m'a appelé et qui m'a dit c'est quoi le code, et j'ai dit non non c'est un interphone, il y a pas de code. Il m'a dit ah si si il y a un code là. Je fais oui bah peut-être dis-toi que tu t'es trompé d'appart au lieu de me dire mon appart à moi, je le sais quoi. Qui a réalisé le plus de sketchs chez Golden Moustache? C'est toi mon cochon. Calme-toi, mais oui, ouais. Effectivement, cochon c'est... sale, va. Cochon réel. Effectivement, c'est moi. Vladimir okay. est pas loin non plus avec ouais. effectivement le sketch show. Il y a eu le code de la force aussi que tu avais réalisé. Enfin, il y a eu plusieurs sketchs que tu as réalisé. Alors, j'ai fait des recherches dans ma propre boîte mail. C'est vous dire. Oh, wow. Est-ce que vous savez quel binôme de réal connu avait proposé des sketchs à Golden Moustache, mais aucun n'a été pris? Nakache et Toledo. Non, j'allais dire ça. Ce serait fou. Ils ont proposé franchement intouchable et on a refusé. Attends, un binôme de réal. Ah, c'est pas Max Boublil et. Non. Attends, mais déjà des binômes de réal. Ah, c'est pas les mecs qu'on réal ciné. Ouais. Bah, il y en a pas 12 000. Il y en a pas surtout 12 000 qui sont connus du. Alors connu, c'est pas Toledo voilà. Nakache, mais le genre, ils ont fait un film l'an dernier qui a fait parler de lui. Ah, c'est pas. Des frères. Oui. T'as dit quoi? C'est des frères. Ah, alors j'ai pas. Les mecs ont les fait. Les frères Cohen. Je très bien, ils avaient pitché un sketch. Non, les mecs ont fait l'adaptation de l'amour. Non, c'est pas l'amour ouf. Non, non, mais c'est ça, t'es dessus. Oui, le tout des années leurs 90. Après, ouais, voilà, les frères okay. Boukherma, okay. Ils avaient proposé un sketch. Pour j'ignorais. Golden. Bah, t'ignorais. T'es dans la boucle de mail, mon petit Vladimir. c'est la première année, j'ai fait un burn-out à la fin. J'ai pas tout lu mes mails. Voilà, c'est ça. Ils ont proposé un sketch. Ils ont proposé des sketchs. Lis-le, je t'en supplie. On va leur demander de le faire. Eh bien, toutes mes excuses. Bah, non, bah, tu rigoles. Attends, je pense qu'ils s'en foutent. Hein. Je pense que tout va bien pour eux. Sur ce même thème, peut-être que vous êtes au courant autour de la table, mais je peux vous en poser une question. Vas-y. Est-ce que vous connaissez la série culte que j'ai refusée à Golden Moustache? Ah. Parce qu'on parle des choses qui ont plutôt bien marché. Ah oui. Mais évidemment, quand on reçoit plein de projets, il y a des choix qu'on Serge fait. Serge Lemiteau. Non. Donc quelqu'un t'a dit, on voudrait faire cette série sur Golden, et t'a dit non. En tout cas, m'a proposé le projet. Ah, après. C'est pas les Yes Vous Aime, un truc des Yes Vous Aime. Un truc qui est passé à la télé au final ou... Oui. Culte. Ah. Qui est devenu culte, oui. Non, mais ça s'appelle culte, la série. Ah, non. Ah c'est ah j'adore. Ah ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'aime jouer. C'est ça aussi. Ah voilà, j'adore ça, jouer. Ah j'adore jouer. Ah oui. Un gars une fille. Non, c'est après bref. C'est après bref. Bien sûr nous on est arrivé après bref. Ouais. Ouais. Golden commence et il y a une série qui arrive. Putain, c'est un des projets. On a plusieurs projets. C'est sur Canal. Oui. Il y a pas. Enfin. Non, mais trop tard. Non, mais peut-être elle l'avait dans les tuyaux depuis longtemps. Mais elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans. Mais non, encore une fois, elle n'est pas si oui, jeune. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. on lui faisait jouer des persos de 12 ans. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Du tout. Enya Barou. Non, c'est pas Fleur Bleue. Working Girl. Non, ça c'était avant ça. Programme court. Programme court. Le Bureau des légendes, mais Vlad, t'es fou. C'était pas la ligne édito. Ça c'est bizarre, le Bureau des légendes sur Golden. Rendez-nous sur ICAT. Attends, un programme. Mince, un indice, un journal. Guillermo Guiz. Pardon, grand journal ou pas du tout? Grand journal, oui, oui. Enfin, en fait, il y en a deux, même que j'ai refusé. Donc, il y en a une deuxième. Vlad, on pensait que t'étais un dénicheur de talent, mais t'es nul. Voilà, je suis une merde, je suis désolé. Mais attends, des programmes courts. Pensez à des trucs qui ont commencé en 2013, 2014, 2013. Je sais que j'étais pas un gros client. Ah, le de... truc avec Alice Belaïdi sur les deux filles Hotline, non, je sais non, pas quoi. Les recettes pompettes. Non. Casting. Oui. Oh, Vlad, c'est pas possible. alors je resitue un petit peu. Là, c'est pardon. Vraiment le tout début. Je crois qu'on verra avec Adrien un rendez-vous. Je crois qu'il y a Igor Gossman. Je suis plus sûr. Pierre Ninet, qui ça? Et il n'y a pas Pierre Ninet, mais c'était quand même ça. On savait qu'il était dedans. On avait vu un pilote, je crois. Et se pose la question. Évidemment, on n'avait pas le budget pour faire ça en réalité. Donc même si on avait dit à fond, attends, le budget de casting. C'est pas. C'est non, dans mais il y a une, des acteurs à c'est un lieu unique. Oui, c'est vrai. Mais ils voulaient faire plein d'épisodes, il y avait une ça ambition. Reste pas budget, hein, etc. À l'époque de Golden. Oui. Et donc, on pousse pas, quoi. On se bat pas pour le truc. On sent que c'est pas fait pour nous aussi, hein. Et c'est très bien que c'était fait sur Casting. Oui. Mais effectivement, Casting est passé entre les mains. Et wow. Quelque tu part, l'as vu sur ton bureau, dire, quoi. Voilà, okay. Il s'est passé à un moment donné. Et je sais plus très bien comment, pourquoi, mais on a passé la main, quoi. D'ailleurs, moi, j'ai rencontré pour la première fois Pierre Ninet. Grâce au mec qu'on écoute jamais dans les films parce qu'il était il kiffait. Ah. Et j'étais allé à l'avant-première, j'avais été invité à l'avant-première de Five Et du coup, à la fin, je me dis, bon, bah, comme il m'a dit, ah, trop marrant, le mec, je me suis dit, je vais aller lui dire bonjour. Et du coup, c'est lui qui était venu me voir, on avait commencé à discuter. Je peux rebondir et faire très vite du name dropping parce que j'adore ça. Après l'immonde name dropping que je viens de faire. Vraiment, en le disant, je me suis dit, pourquoi tu racontes ça à part te faire mousser comme une ça, merde. C'est pas lui, ça, c'est mais pas je vais faire pire à rien parce que je vais garder le même protagoniste. Vas-y, je t'en supplie. Je suis dans un magasin de meubles. D'accord. Et là, je vois là. Au loin, je fais, tiens, il y a Pierre Ninet, il achète des meubles. Bon, bah, ok. Je vois Pierre Ninet qui fait coucou. Je vous jure, je me retourne. Je fais, bah. Et il fait, non, mais coucou. Et je vais le voir. Enfin, il vient vers moi, il fait, je voulais te dire, j'adore ce que tu fais. Mon cerveau pète à ce moment-là. Je fais comme ça, ouais, j'adore Golden Moustache, je suis un gros geek. Et là, me vient à l'esprit de dire, bah, bravo à toi aussi. Oui, bah oui. Pas mal aussi ce que tu fais. Tu l'as encouragé, là. C'est bien. Et je suis partie, et c'était fou. Yves voilà. Saint-Laurent, là, pas mal, hein. Hey, tu le fais bien. Hein. Ouais, tu limites bien. Il y avait une deuxième série alors, deuxième aussi. Série. Ah putain. Alors vas-y. La deuxième programme série. Programme court aussi. Pareil. Canal. Même chose. Service après vente des émissions. Je rencontre. C'est des autrices pour vous aider. Qui viennent des réalisatrices qui que je rencontre. Connasse. De... Oui. Oh putain. Oh, wow. Vlad, mais casse-toi. Camille. Donc là, on est dans un monde où il y a Camille Cotin et Pierre Ninet. Alors, il n'y avait pas Camille Cotin. Il n'y avait pas Camille Cotin, c'était quoi, juste le concept. Non, mais après... C'était avant Camille Cotin, c'était un an avant, etc. Oui, mais effectivement, mais après... il y a quand même l'idée que les autrices sont venues pitcher Connasse. Noémie Saglio et j'ai oublié l'autre, malheureusement. Quelle horreur ce jeune frère. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais on est d'accord, c'est quand même c'est plus ou moins du prank, le principe, quoi. Oui, Connasse, c'était ça. C'était de faire avec un personnage féminin qui avait. Il y avait quand même déjà tout le concept. Et leur écriture, quand même. Mais j'avais. Pareil, je me suis dit, ah oui, peut-être, mais ça faisait partie des. Et à ce moment-là, il y a quand même plein de projets qui arrivaient, etc. Le pif. Mais voilà. Ouais. Donc comme quoi, on peut aussi voilà. Le pif. Non mais c'est ça, on peut pas faire et on peut pas faire que des numéros 10, c'est ça. Ah, il a lancé le mec, il a eu l'Alpe d'Huez. Je crois que c'est moins bien que le César. quel réalisateur de films d'action a réalisé quelques sketchs pour le Golden Show? Je le sais. Ah. Balle perdue dans ton cul. Non, pas Benjamin Rocher. Non, c'est Guillaume Pierret. Parce qu'un jour, on voulait faire une parodie, c'est Balle perdue dans ton cul. Comment ça? Je ne fais pas chez vous, pas du tout courant. Toute seule. Justine, avec qui? Quelle horreur. Avec Pestel. Ah non, je te le dis, c'est ça. Avec Pestel, ça. Oui, sans doute. Je réponds à la question, c'est Balle perdue, c'est Guillaume Pierret. Ah oui, qui avait réalisé un sketch avec des vieilles poules et Bérangère Krief. C'est ça, et puis des trucs, oui, voilà, c'est ça, des sketchs en fond vert, etc. Et il avait fait, quand Jonathan Barré était pas dispo. Enfin, en tout cas, il se partageait avec Jonathan Barré, il a fait des sketchs pour Golden Show. Marrant. Je vais vous donner des noms de gens. À vous de me dire s'ils ont déjà joué dans un sketch de Golden Moustache. Alors, ça, le premier, je savais pas, mais c'est drôle, du coup, j'avais proposé Pierre Ninet. Bah non. Bah non, non. Mais oui, non. Non, il n'a pas joué, il a joué dans un sketch que tu as écrit. De MST, oui. Mais qui n'est pas Golden Moustache. Que j'avais écrit à l'époque pour Golden. Ah! Ce sketch. Et Vlad a dit non. Non, c'était. Il a dit si à Pierre Ninet, on le fait pas. Non, je sais plus pourquoi il s'est pas fait ce sketch, mais je l'avais écrit à l'époque pour Golden et il s'est jamais fait. Et du coup, des années plus tard, je l'ai reçu. C'est le sketch Le Figurant. Voilà. Et du coup, et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais écrit la ligne, je l'ai fait style Pierre Ninet. Et à l'époque, c'était genre, oh, putain, mais on l'aura jamais, quoi. Et du coup, c'était cool parce que des années après, c'était possible de l'avoir. Donc, c'était finalement, des fois, c'est bien d'attendre. Ce qu'on disait tout à l'heure avec la compagnie, un peu de patience parfois. Donc, François Civil, pareil. Oui. Vous l'avez dit, il est dans Le Fantôme de Merde. Qu'est-ce qu'il foutait à Montreux? Je sais pas, parce qu'il est vrai qu'il était pas humoriste. Bah il avait un petit one man show à l'époque. Un seul en scène. Ah oui, moi j'avais un civil. François est un civil. Pour moi c'était en civil et sur l'affiche il est à moitié en flic et à moitié et c'est un peu un sketch où il joue les flics. Voilà. C'est sur les violences policières. C'était comme déjà engagé. Non, hein. C'était engagé. Ouais, c'était engagé. Mais il avait l'accent marseillais quand même. Jonathan Cohen. Oui. Bah. Ah pardon, je confonds avec Hérocorp. Eh oui, Jonathan non. Cohen, non. Non, il a jamais joué dans un sketch Golden Moustache. Et non, effectivement, Hérocorp, un peu des familles qui se croisaient, qui se regardaient de loin, mais non, il a jamais joué. Il était dans Nerds aussi. Voilà. Alban Ivanov. Oui, j'ai tourné avec lui dans Professeur Fils de pute. Quoi? Je répète cette phrase, j'ai joué avec lui dans Professeur Fils de pute. C'est une nouvelle comédie à l'affiche bientôt? C'était un professeur qui était un fils de pute. C'était un sketch écrit par Babor. Ouais. Et moi je faisais l'inspectrice. Je vous le dis qu'il n'existe plus. Je l'ai cherché parce qu'il était sur le site en fait. J'ignorais. Non, il a joué dans Top Wesh. Et il a joué dans Top Wesh. Ah oui, c'est vrai. Avec toi, Adrien. Oui. Mais enfin, Adrien. Bien sûr. C'est pas bon. Oh, mais putain. Non, mais attends. C'est pas pour ça qu'on arrête le podcast. Attends, hein. C'est là où je suis fatigué. Adrien n'est pas malade. Hein. Je suis fatigué, j'avais Alban Lenoir en tête. Ah oui, non, non. Et donc je me disais, attends, oui, oui, Alban Ivanov, bien sûr. Bien sûr. Hilarant. Dans le... Des fois, mais comme un vieil album de photos, je me mate quelques bêtisiers de. Ah Mister. Ouais, je les ai regardés il y a pas longtemps. Un joli bêtisier avec Alban Ivanov. Il me faisait craquer, ouais. Il te hurle à ça du visage. Bah en vrai, il me mettait la pression jusqu'à ce que je ris. Bah, oui. C'est ça qui me faisait rire. Hakim Jemili. Non. Oui, oui, oui. Hakim, si, il a dit. Si, Black Mirror. Black Mirror est anti-spoiler. Okay. Ah oui, anti-spoiler. Bah, oui. Il apparaît très, très. Oui, oui, bien très sûr. C'est là que je l'ai rencontré. Voilà. C'est, je me souviens. Oui, parce que t'étais un peu le némésis dans anti-spoiler. Tu ouais, étais. Ouais. Il y a eu une petite carrière d'Adrien Méniel dans les employés de bureau. Ah oui, c'est vrai. Soit en à poil, soit en costard. Employés de bureau en slip, tu les as beaucoup ouais. fait. T'as trusté ce truc. Mister V. Oui, Mister dans V, le il sketch a avec Danis, rap versus all rap là. Très bien, bien sûr. Oui, oui, et dans le sketch show, il... En même temps, on était dans Golden Moustache, donc mais on oui. connaît. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais il, dans le sketch show, il faisait quoi déjà, j'ai oublié. Il y a un, c'est là que je l'ai rencontré aussi d'ailleurs, et c'était, il est déguisé en enfant avec un truc à hélice sur la tête. Oui, c'est ça. C'est Mark Walter 3, je l'ai réalisé. Et il faisait, je sais plus ce que c'était, mais c'était le. Attends, non, c'est pas le sketch show. C'est les Web Comedy Awards. Ah ben oui, donc non, ça c'est autre chose. Je le compte pas dans le lore Golden Moustache, okay, okay. Bah, s'il te plaît. Okay, okay. Bah, c'était créé par Golden. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Oui, ça, je sais, c'était la bande-annonce. Tu sais qu'un de mes meilleurs souvenirs aussi de tournage, c'est la bande-annonce Golden Moustache saison 3 avec Lionel Astier. Golden Reloaded. Oui. Ouais, ouais. On avait beaucoup rigolé avec des tigres. Ouais. Ça, c'était vraiment marrant. Et il avait été génial d'ailleurs. Exceptionnel. Vraiment très bon. Très bon camarade. D'ailleurs, je viens de me niquer. Le yo-yo. J'avais proposé Lionel Astier, je suis voilà. un débile. Oui. Zoé Marshall. Oui. Oui. Plusieurs. Le truc avec Panayotis là. Plusieurs. Il y a la vie secrète dans la vie. T'inventes. Des jeux. Des séries. Il y a un truc sur les le séries. Le nouveau Cyrano. Non, il y avait Porn Crush aussi. Le nouveau dans Juan. C'est ça. En fait, c'est j'imagine que c'est Annie, parce que c'est vraiment pendant la période où Annie Israeli était directeur d'écriture, où elle a joué dans plusieurs sketchs. Mac Lesguy. Je crois pas. Si, ça me dit quelque chose. Attends, il y a pas un truc. Il y a un petit si. Il y a un truc. C'est un sketch que vous avez fait après. C'est quand j'étais plus là. C'est pas un genre dans un sketch show. C'est peu... le truc où il y a Golden Couture, Golden. La bande annonce de McFly et Carlito. Ça, voilà. C'était la bande annonce de toutes les chaînes Golden. Il se moquait de la gueule de toutes les chaînes Golden. C'est ça. Golden animaux. C'est ça. Alors ça, écoutez, c'est pas ça que j'aime moi, mais c'est la rentrée de Golden Moustache effectivement. Il était dedans. Et l'autre que j'avais, c'était pas d'Amalgam. Un sketch de McFly Kaito où il est dedans également avec Jamy Gourmand. Donc, finalement, Gourmand. Finalement, entre M6 et Golden, c'était ouais, proche. En fait, on vous a attendu. Est-ce que c'est pas la première fois qu'ils sont réunis les deux, ces deux hommes de science dans la même dans le même programme, quoi? Et ça passait. Parce que c'est un peu les deux qu'on cite à chaque fois qu'on parle de science. Et... C'est vrai. Laurent Romeshko. Oui, je crois. Un monde sans chiffres, non? Avec Bertrand Renard. Incroyable. C'était la très bonne chute. Je me souviens avoir dit génial. Le sketch. Alors que si, hein, mais je dis le sketch marche pas si on les a pas sur la chute. j'avais dit à Monde sans chiffres, si à la fin c'est un cauchemar de Roland Romeshko. Et je me souviens, alors je rends tout, c'est tout est une idée d'Hakim, mais la chute, je me souviens avoir eu le truc. C'est Bertrand Renard qui s'inquiète. Donc Romeshko se réveille, il fait j'ai rêvé qu'il n'y avait plus de chiffres. Et Bertrand Renard fait rassure-moi, il y avait des lettres. Oui. J'étais très fier de cette blague. Ouais. Laurent Veil. Oui, la Terre le film. Ouais, la Terre le film, exactement. Sur E4. Ça, j'étais là. Donc. Thierry Beccaro. Et pas le moment sans chiffre aussi. Non. Il est un truc avec les vieux, le sketch de Kéron là, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça, mais. Il est dans un sketch. Alors moi je l'ai pas. Ah ouais, ouais. Il est pas. Non. Non mais peut-être. Hein. J'oublie la négation. Il n'est surtout pas dans un sketch, pas du tout. Non, en tout cas moi je l'ai pas dans un sketch. Non, mais non, par mais... contre il était dans un sketch de Bagel, cours de chômage qu'on avait c'est écrit. Alors c'est ça, je confonds. C'est ça avec. Il y a un amphi machin, c'est je confonds. C'est ça, c'était des cours de chômage et il venait en participant pour expliquer si vous êtes au chômage à 11h vous allez vous faire chier donc on sera ensemble de 11h à midi. C'est ça. C'est je confonds. Voilà, et il était dans McWalter 3 aussi également. J'ai dirigé deux fois Thierry Beccaro, tel que vous me voyez. Tu vois, Golden, t'as vu où ça t'a amené? Le bec. Bertrand Chameroy. Oh, oui, ça je sais, moi je vous laisse. Ah bah non, bah vas-y, tu peux. C'est genre Movies versus Life. Et deux, pardon. Il est en figuration derrière. Oui. C'était Julien qui le connaissait. Et vraiment, il est impossible de le reconnaître. Impossible. Il est maquillé en zombie. Il est maquillé en zombie. Peut-être je crois, ou en pirate. Mouloud Achour dans, je sais plus, dans le choc des titans. Ouais, voilà. Mais non, on le voit mieux, Mouloud Achour pour le coup. Sacha Béart de Dava. Oui, dans Victim Express. Victim Express, exactement. Oh. Ouais. François Rollin. Oui, le fantôme de merde. Oui, entre autres. C'est merdeux. Attends, c'est quoi? Ouais. C'est merdeux, font une caméra cachée. Voilà, ouais. Et il était dans un sketch aussi d'Amour et Quentin, réalisé par Valentin Vincent. Alban Lenoir. Alors. Il est dans Les Emmerdeurs. Oui, mais je ne comptais pas dans les sketchs. Un sketch avec Alban Lenoir. Je crois Lenoir, pas. Si, sketch show 2, je crois. Oui, parce qu'il y a un deuxième sketch show avec Simon Astier en flic, je me souviens. Oh, on avait perdu oui. Le rush, je me souviens. Et un troisième. Tu parles de la soirée électorale d'Elysée Moon. Ouais, ouais. C'est un truc où. Top. C'est un sketch un peu concept où il y a un truc. Je vois une image où il tombe et puis il se précipite pour l'attraper, mais je n'ai plus le nom. Un sketch très Julien Josselin. Oui. Dans le côté, un truc qui prend de la place de plus en plus, c'est un sketch qui s'appelle Le Biscuit. Oui, ah, ben ça y est. Ça me dit quelque chose. Un petit événement du quotidien qui devient énorme. Il faut une star de film d'action pour aller rattraper la discussion. Génial, génial. Et c'était Alban Lenoir. C'est très bien. Attention, vous êtes prêts? Clara Luciani. Non. Non, je pense pas. Bah, pas du tout. Ah, non, pas du tout. En plus, elle a tenu après. Ouais, non, mais ça aurait pu justement. Il y aurait pu avoir un truc de Francis Lalanne. Oui, bien sûr, dans le sketch d'Amour et Quentin, le braquage, je sais plus comment il s'appelle. Taco voiture. Ah non, ça c'est un sketch d'Hakim, pardon. Non. Oui. Avec les masques là, où, c'est ça. Où je chante du Francis Lalanne. Je chante du. Genre. Et à la fin, il y a Francis Lalanne. Et est-ce que je peux du coup raconter une anecdote sur oh, ce oui. truc oui. Hold Up, c'était le sketch avec aussi Mister voilà. V, donc qui a joué voilà. plusieurs fois. Et Natou. Et en gros, donc il me propose un rôle dans ce sketch. Et ils me disent tu vas jouer le rôle d'un fan de Francis Lalanne et du coup un moment faudra que tu chantes une chanson de Francis Lalanne, donc apprends une chanson de Francis Lalanne et tout. On me dit prends une chanson de Francis Lalanne, apprends-la. Je avant sa carrière politique également, faut le dire aussi. C'était une autre époque. Ouais. et du coup moi je me dis bon bah j'apprends sa plus connue qui est pense à moi comme je t'aime. Nanana. La musique du passage. Et donc tu nous régales Adrien. J'arrive sur le tournage. Ok c'est bon, action. Moi j'arrive, je fais mes répliques, je chante cette chanson et je sens une gêne sur le plateau. Donc c'est le réel Florence Abattier qui fait ok coupé et je peux te parler Adrien et tout. Je fais mais attends, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Il me dit ouais en fait on t'a pas dit je dis bah non. Il me dit en fait Francis Lalanne a accepté de jouer dans le sketch, par contre il a dit vous pouvez prendre n'importe quelle chanson sauf celle-là, si c'est cette chanson qui est choisie je quitte le tournage. Et du coup j'ai fait ah ok, et ils m'ont dit mais bah je sais pas, t'en connais pas une autre? Et j'ai dit bien sûr. Et c'est là où choisir Adrien a été, parce que n'importe qui d'autre aurait fait bah non. Je connais Fais-moi l'amour pas la guerre, et en vrai je pense que c'est beaucoup plus drôle avec cette chanson là oui. Parce qu'en plus il y a le côté le fan, donc évidemment il chante pas la plus connue, et en plus je chante comme une merde où je me pète la voix fais-moi l'amour en regardant dans bien, les ouais. yeux. Mais c'était pas devant lui que tu l'as chanté du coup. Non, il est pas parti dit... du coup, il est pas ouais. parti. Non, non, mais non, il avait dit, toi t'étais pas au courant. Ouais. J'étais pas, personne m'avait dit ça. C'est-à-dire que ça s'était perdu dans. Il avait dû prévenir la prod qu'il n'avait pas. Voilà. Moi c'est vraiment quoi tu fais les portes qui claquent. Avec la tête. Et j'en ai ma claque. Je connais ouais, cette chanson ouais. à cause d'Adrien, c'est vraiment terrible. Ouais. Donc, très bon souvenir ce sketch d'ailleurs. Oui, et puis un sketch vraiment très marrant, très marrant d'Amoré ouais. et Quentin ouais, ouais. Qu'on embrasse et qu'on salue. J'ai perdu ma page. Ah voilà, Lionel Abelanski. Oui, un sketch de Valentin Vincent sur Fin du monde. La fin du monde, ouais. monde, exactement. Christian Bugeaud. Oui, bah, bien enfin, sûr, un sketch. Il a tourné avec moi dans mais mon sketch. Oui. Il était adorable. Un de mes meilleurs souvenirs de direction d'acteur. Oh, il était gentil comme. Il n'est pas venu en nous disant attendez, je vais vous montrer comment on fait les choses. Il était adorable. Il était content. Oui, il était heureux d'être là. Moi, c'est peut-être le comédien qui m'a le plus complimenté sur un tournage. Quand oui. même, quand c'est quelqu'un qui a autant marqué ton enfance. Alors, si vous savez pas, Christian Bugeaud, c'est celui qui joue le, entre autres, mais surtout le dentiste dans Les Visiteurs. C'est aussi le maître d'armes dans Kaamelott. Enfin, le mari de Valérie Mercier, de bien sûr, ouais. bien sûr. Il patouge dans la cuvette des chiottes. Oh, oui. Évidemment. Et je me souviens, c'est un des gars qui m'a le plus, avec PF aussi quand même, oui. des Robin des Bois, mais qui m'a le plus impressionné en me disant là, je dirige quand même un gars de mon enfance. Un cadeau. Là, Christian Bugeaud. Et il était super. Adorable. Et sur les dialogues, il nous a. Dites les deux cons. Ça, ouais. Il va avoir une musique. Très fort. Alors trop que Charlotte Gainsbourg. Non, mais c'est ce que je disais, c'était que. Effectivement, les gens, beaucoup de gens se pinçaient le nez quand il s'agissait d'internet, mais les gens qui venaient, ils venaient jamais. Venaient, ils se prêtaient au jeu. Oh, certains. Okay. Alors je retire. Allez, en tout un cas, nom deux. Et le bip. Bon, oh, il y a des petites coupes, hein. Ça reste le Floodcast. Hein. Attention, Romain Lancry. Bah oui, il a dû venir, Romain. Bah, Vladissé. Oui. Bah donc c'est oui. Forcément. Ouais. Je sais pas dans quoi. Attends. Le nom du. En fait, c'est un sketch que j'ai essayé de retrouver, mais que j'ai pas retrouvé il y a quelques temps. Ah oui. Il y avait un sketch qui était dans Sketch Show, ça c'est sûr. C'est ça. Et bon, encore une fois, les emmerdeurs. Où il jouait une sorte d'Éric Zemmour. Ouais. C'est ça, une espèce de parodie. C'est même toi, Adrien, qui avait. Non, il va être vachement bien, Éric Zemmour, t'es sûr, parce qu'il gâche pas ça dans la vie quand même. Mais si. Et il était super bien, effectivement. Mec un peu froid. Mais j'ai pas retrouvé le sketch. C'est une parodie de 7 à 8. Bah oui, elle a jamais sorti sur le web. Internet. Ouais, tout à fait. Ok. C'était pointu ça. Il y avait un petit peu de Michel Onfray, un peu de Zemmour, il y avait un truc un peu dark. Et non, il a fait un autre sketch aussi, mais je l'ai pas retrouvé non plus. Mais je sais qu'il en a fait un autre. D'accord. Je sais qu'il en a fait un autre. Romain Lancry a retrouvé dans toutes les bonnes salles le 7 mai, voilà. Évidemment. Évidemment. Bravo. Patrick Timsit. Non. Non, j'irai non aussi. Pourtant, c'était une blague de Réus, ça. Patrick Timsit, genre, qu'est-ce qu'on veut ? C'était une blague de Flo, ça d'ailleurs. Dès qu'on veut un bon guest, c'était Patrick Timsit. Alors, blague de Flo, parce que venant de. Voilà, tu as parlé des Web Comedy Awards, venant quand même de ce. Un trauma est un bien grand nom, mais de ce moment où il fallait. Moi, j'ai participé à la séance d'écriture des Web Comedy Awards, et où on nous a dit le président des Web Comedy Awards sera Patrick Timsit, et avec tout l'amour que j'ai pour Patrick Timsit, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a, oui. Mais on nous avait dit voilà, trouvez des sketchs avec Patrick Timsit. Et bah, quand t'as 22 ans, c'est un peu, tu vois, c'est faire des sketchs web un peu jeune avec Patrick Timsit. Voilà, et donc c'était devenu un running gag. Et il y a plein de sketchs dans Golden où on cite Patrick Timsit. On l'avait mis dans Il a mis son sexe, où je dis au début de la réunion d'écriture, je dis. Une parodie de Game of Thrones, pourquoi pas, mais pourquoi on mettrait Patrick Timsit ? Ouais. C'est une bonne question. C'est vrai. Bah, Timsit, donc président des Web Comedy Awards, et qui sur scène avait dit les Web Academy Awards. Bien sûr. Il était très impliqué dans le projet. Antoine Daniel. Oui, dans le sketch. Oui, oui. L'ancienne nouvelle star. Ouais. Joli. Oh là là. C'est j'ai peut-être pas les titres, mais. Non, bah celui-là, il a pas marqué beaucoup les gens. Mais tu l'as remis. Il est bien. Moi, j'avais dirigé VDB, donc j'avais le binôme VDB-Tyrell où je m'étais dit, oh là, c'est de la magie pure. Ouais. Je me souviens avoir fait plus de prises que prévu juste par le pur plaisir de rire avec lui. Et avec un très bon Antoine Chomsky aussi. C'était un régal. Salif Cissé. Oui, dans un sketch Janis. Dans un sketch d'Anis, exactement. Alors Salif Cissé, c'est assez incroyable. C'est un acteur qui est dans À l'abordage, entre autres, super acteur, là, qui est dans Le Répondeur, qui va sortir, qui était à l'Alpe d'Huez, etc. Le Répondeur, qui est vraiment un titre de sketch Golden. Titre de sketch Golden à fond, quoi. Non, mais c'est incroyable parce que lui, pour le coup, alors tu disais quand je disais peut-être quelqu'un qui avant qu'il pète, qui là maintenant a eu un prix à l'Alpe d'Huez, etc. Cool. Et qui est un figurant qui, je crois, n'a même pas de dialogue dans un sketch d'Anis. Et donc, et qui est dans un super film qui est sur Netflix, qui s'appelle À l'abordage, que je vous conseille, que j'ai vu il y a pas très longtemps, et qui est en figuration dans ce sketch. Donc voilà, c'était assez marrant de le citer. Les amis, ça fait 2 heures qu'on parle. Oh là là, oh là là. Vlad disait qu'il avait un petit jeu. Ah non. Non, pas y a pas d'urgence, mais c'est beaucoup trop long. Mais tu rigoles. Alors, attends, t'as dit que t'avais un petit jeu. Oui, mais je veux pas. Tu dois partir à quelle heure ? Moi, c'est d'abord ça. Moi, j'ai pas de. Moi, c'est bon là. J'ai mon train est à 8h30. Alors, si t'as un petit jeu, je t'en supplie. T'inquiète pas. Non, mais on a bien joué. C'est pour ça. On a dit aux gens qu'on partait. Alors, autant te dire que je pense que des épisodes un peu longs, ils sont très contents. De toute façon, là, c'est maintenant, il y a plus que les fans hardcore qui sont restés. J'ai envie de les appeler les fanzous. Je sais pas si ça se fait. Je sais pas si c'est une expression. Les Golden Boys and Girls. Pareil, ça. C'est très pointu, Golden Moustache. Donc voilà. Bon, on peut dire. Barrez-vous si vraiment vous n'êtes pas à fond Golden, vous pouvez partir maintenant. Comme t'as raison, Vlad, je pense qu'ils sont partis. Ouais, et on n'a même pas expliqué pourquoi Golden Moustache. Parce qu'on n'en sait rien. On sait pas bien. Des mots qui buzzaient à l'époque. C'est un truc que sentait bien Adrien Labastire. On l'a validé. Effectivement, on cherchait un peu notre ton. Donc pourquoi pas Golden Moustache. Il y avait le truc avec la moustache sur le doigt. C'était un peu à la mode, les hipsters. La moustache, c'était un peu marrant. Il y avait Roy Burgundy, la moustache. Ouais, c'est vrai. Donc c'est bon. Voilà, des choses comme ça. Mais d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Adrien Labastire, qui a quand même eu l'idée de tous nous réunir, qui a toujours donné une vraie, vraie grande liberté. Alors, je vous donne des. Alors toi, comme tu as revu toutes les vidéos, ça va aller vite, mais je vous donne des descriptions de vidéos. Ok. Golden Moustache. Ouais. Et j'ai pas lu les descriptions. Vous devez me sortir le nom exacte de la Attends, vidéo. C'est la description telle qu'elle est telle sur qu'elle YouTube. Est sur le YouTube. Ok, ok. Ah, ouais. Génial ça. Voilà. Ah, parce que celle de Tyrell, par exemple, je sais que c'est n'importe quoi. Voilà, voilà. Bon, je n'ai pas 25, hein, mais voilà. Non, mais très bien. Ce film a très peu à voir avec Fight Club. C'est des trucs qu'il faisait. Si c'est votre description à vous, laissez un tout petit peu aux autres le temps de jouer quelques secondes. Mais voilà. Adrien, il n'y a pas de quartier. Bon, c'est respecter son adversaire que de le traiter en égal, en fait. Oui, non, mais bien sûr. Alors, on commence facile. Il y a des réveils difficiles et des réveils super difficiles. Réveil avec une inconnue. Non. De Hakim. Non. Ah. Snooze. Non. D'Hakim. Il y a des réveils difficiles et des réveils super difficiles. Ah, bah, super hangover. Très bien, bravo. Ah. Voilà. Bon, cela est si facile. Désormais, vous saurez quelles chansons interpréter pour vous sortir d'une situation embarrassante. Oh, bah non, mais c'est pas si simple, hein. Ah, bah il a mis son sexe. Oui. Ah. Avec Carlito. Bien sûr. Joli. Là, si, facile aussi. Quand on veut oublier quelqu'un, on y pense tout le temps et ce n'est pas très agréable. Bah ça. Ah non. Bah c'est pas toi. Le syndrome de post-rupture. Tout à fait. Bonne réponse, Justine. Oh, j'avais oublié ça. Voilà. Oh la vache. Il paraît que dans un couple on s'aime et on se chérit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi je sais. Bah vas-y. Oui. Bah, bah si, c'est Fais-moi confiance. Oui, c'est le mien, ça. Ah. C'est moi qui l'avais écrit, c'est là, je m'en souviens. Mais Fais-moi confiance, c'est vrai qu'il y a un vrai truc aussi, c'était ton kiff, parce que toi, t'adores le cinéma de genre, aussi, oui. De faire un peu un truc thriller. Il y avait du sang et c'est tout, ça, ouais, j'étais contente. C'est ça, il y avait un truc gore. Ouais. Et... un premier sketch, c'était ouais. Ambitieux. C'était hyper bien. Et moi, premier rôle où je dois jouer premier degré, des trucs qui sont pas genre... Et je me chie dessus un des peu. Des trucs hein. Qui sont pas quoi. Bah pas... Moi, j'ai plusieurs fois, Adrien, en mode prom dog, hein. Dans On reste amis, t'es prom dog. Ouais, dans ouais, celui-là, ouais. T'es prom dog aussi. Je t'aime. Non, je t'aime. Il a. Bon, il est plutôt caution comique. Pour le coup, il fait littéralement. Là, il fait les deux, non. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Non, à la fin, t'as une très bonne gueule dans Fais-moi confiance. Moi, je me souviens au montage de ne pas savoir quelle prise utiliser, parce que tu fixes la caméra complètement. Ouais. Enfin, c'est très marrant. Pardon, excusez-moi. Non, non. C'était des bons souvenirs. Le problème avec les sites de rencontres, c'est qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Love Me Tinder. Non. Le serveur de Greg Romano. Tout à fait. Ah voilà. Eh oui. C'était un faux ami. Quand même. Ouais. Il y a des pièges. Un vendeur à votre écoute vous aidera à mener à bien vos projets. Ah, tous vos projets. C'est le truc d'Hakim. Oui, c'est. La corde. Je veux le titre exact. Aider oui. Ah bien. Oui, je peux vous aider. Très voilà, bon voilà, c'est facile pour ceux qui. Voilà. Ouais. C'est facile pour nous. Voilà, exactement. Mais ça donne des petits titres si les gens veulent en remater. C'est ça mais qui est marrant. Oui. Bon, ça, on en a parlé tout à l'heure. Le cinéma X, enfin disponible pour tous les non-voyants. Oui. Nono porno. Quel était Blind Gold Wine. Blind Gold Wine, nono porno, entre parenthèses. Ouais. Entre parenthèses, au cas où. Non, mais c'est vrai. Comme si c'était une star connue, tu sais. Il y a nono porno dedans. Hein. Non, mais non, entre parenthèses, on mettait le nom de l'auteur du sketch. Oui, oui. Là, on a mis nono porno. Voilà. C'est drôle. Cette vidéo est interdite aux mineurs ou à toute autre personne ayant déjà travaillé dans une mine. Le mineur du cinéma. Non. Ah, ça, c'est du Tyrell, non ça. Ah putain. Là, on rentre dans les trucs plus difficiles. Ah, bah ouais. Pop. C'est pas genre franchement le cadeau. Non. De toute façon ça va avoir rien à voir. Le cosmos. Évidemment c'est hyper dur. C'est pour ça que c'est dur. Non. Sur les 4 le cosmos. Non. C'est un des tout premiers. Ah. Oh putain. Alors là les titres des premiers. Ah c'est pas le truc. Franchement le job. Non. Franchement la pluie. Non. La télécommande là. C'était quoi. Ah oui. Ah mais je sais plus comment il s'appelle. Ouais. C'est ça. C'est celui-là. Franchement le jeu. Franchement la vidéo. Franchement la manette. Bon, Non, attends. Franchement, putain, je l'ai. C'est justement, c'est la voiture. Franchement le parking. Non, ça c'est la voiture qui se gare, ça. Ah, c'est ça. C'est un, ouais. Putain, c'est une autre blague de fauteuil roulant. Voilà. Ouais, on a rentabilisé fauteuil roulant. On a fait deux vidéos dessus. Ah putain, je l'ai pas alors. Franchement la conduite. Ah oui. Ceci n'est pas un film. Enfoiré, je dois le dire. Ceci n'est pas un film de Steven Spielberg. C'est le mien aussi, celui-là. Mais je sais plus comment il s'appelle, mon sketch. Elle se souvient hyper bien de sa description. Ouais, ouais. Mais parce que ça me prenait la tête de les écrire et ça me stressait. C'est Braque-moi. Oui, Braque-moi si tu peux. Ah, ouais. Ouais, bravo. Et je me souviens avoir détesté cette description. J'étais trop content du sketch. J'étais trop fier. Elle dit ah, ça va être ça. Elle fait ce que j'ai fait. Bah, c'est ton sketch, hein, mais. Désolé les d'avoir. Les gens savent que c'est pas Spielberg, hein. Ils avaient bien vu la mise en scène. J'ai gratté une plaie là, je sens bah, bien que. Ah ouais, super. J'apprends quelque chose. C'est une question de vie ou de mort. Ils ont fait appel à un spécialiste en situation de crise. Ah, c'est une question de vie ou de mort. Ils ont fait appel à un spécialiste en situation de crise. Suricate l'ultimatum. Vous pouvez jouer chez vous, hein. Oh là là. C'est... Il va reprendre le floodcast à la rentrée. Regardez comme il anime d'une main de maître. Non, ah, c'est impossible. C'est impossible. Oh, c'est attends. Gentil. C'est une question de vie ou de mort. Non, c'est pas Suricate l'ultimatum. Non. Là, ça me fait rigoler, moi. Ouais, mais c'est ah, c'est un de nous trois. Ouais. Ouais, mais c'est peut-être moi en fait. Mais... L'homme invisible. Non. Non, non. Et c'est, je pense que c'est pas l'équipe des meilleurs. Non, tu me l'as envoyé l'équipe oui, des oui, meilleurs oui, il y a oui, pas longtemps. C'est pour ça. C'est pas Victime Express. Oui. Ouais. Non. Non. Oh, j'ai envie de voir une question de vieux de mort. Victime Express. Mort. Ah, Nego. Le négociateur. Ah, tout à fait. Avec Bernice. Il s'appelle Nego. Nego, oui. Exactement. Nego. Pardon. Ah, c'est ça. Très bien, très bien. Vous en voulez encore un peu? Bah oui, ouais, mais, allez. Mais régale-moi en fait. La télévision, ça hausse tout, c'est même à ça qu'on la reconnaît. Oh. Oh, dis donc. Super zapping truc là. TV Mashup avec, Super TV Mashup non, non. Ah, où Julien Pestel est déguisé en. En Nagui un peu. En, mais non. Hein en Perfoise. En Perfoise. Ah oui. Où il crevait sous le costume, il avait tellement chaud. Il est méconnaissable, on ne le reconnaît pas. Oui, non, c'est Carlito qui fait l'animateur. Oui. La télévision ça hausse tout, c'est même à ça qu'on la reconnaît. Petite pastiche de Coluche au passage. Non, enfin, je crois. Ah non, c'est Audiard, pardon. Audiard. Donc là déjà c'est un. On dit déjà, eh, la télé c'est des. Eh ouais, la télé voilà. Vous êtes des cons. Des cons. Les trublions. Mais ouais, tu sais que je me disais ça aussi, alors que j'adore ce sketch. En plus, je le trouve trop beau parce que c'est vraiment golden dans sa tête. On ira, il a un peu ce côté-là quand même. On ira. On ira la chanson. Moi je suis non, là. Moi je suis ah là. Oui. Là. Moi je suis là. Enfants, ouais. Et elle a un petit côté. Et dans vos gueules. Et alors. Les paillettes. Là. Eh ben ouais. Nous on se laisse pas emmerder. Ouais. Là. Mais tu sais que j'adore ce sketch parce que la chanson est très belle, même si elle est très drôle. Oui, oui. Et il y a tout le monde quasiment. Là, c'est trop marrant. Même à tourner c'était hyper émouvant. Ouais. Ça venait après deux ans de même plus trois ans de. Il y a autant Tyrell que Carlito que Julien Jocelyn. Il y a tout le monde. C'est ça, il y avait tout le monde. C'est super. Alors donc c'est un truc de parodie télé. Des paroles et des apps. Ouais. Ah ouais. Ah, il faut aller chercher, je vous ai. Voilà. Ah, mais bien joué, bien joué. La télé, c'est qu'on la reconnaît. C'est un sketch avec Julien Pestel. Ah, je sais. Donc, c'est un bon sketch. C'est le sketch que j'ai écrit avec les tueurs là. Ah mince. Ah non. Au cœur du crime. Tout à fait, d'Adrien Méniel. Oh, j'adore ce sketch. Le sketch show, bien sûr. Voilà, qu'est-ce qu'il est drôle ce sketch. Sifkin a tout récupéré d'ailleurs, je crois. Il m'avait dit. Sifkin qui a bossé à Golden Moustache, ah, ouais. Qu'on a reçu plusieurs fois. Je crois qu'il a. Je sais pas s'il a les articles aussi, mais je sais qu'il avait récupéré tous les sketchs du Lab. Il y a quelques-uns du Lab que j'aimerais bien revoir. Ouais, je crois qu'il y en a sur Dailymotion. Oui, mais alors. Tu pas tout, hein. Ouais, non, pas tout. Ah bah, pas tout. Je n'ai pas tout d'ailleurs. Moi, je n'ai pas tout. Enfin, ce que tu veux. Ce que tu veux, Adrien. Franchement, tu choisis. Moi, j'ai vraiment pas de préférence là. Deux pour finir. Allez, bah oui. Alors il y en a un hyper dur. Tout est dans le titre. Oh. La vie sexuelle. L'homme qu'on écoute jamais dans les films. Non. Non. Ah. C'est vrai. Tout est dans le titre. C'est le mec qu'on écoute jamais. Ouais. Ah non, mais s'il te plaît. C'est le... Tout est dans le titre. Le... Ah non, pas le père. Le métier invisible. Non. Ah, c'est vrai que ça marche en fait. J'ai vérifié du coup, j'espère que je te le grille pas, mais le mec qu'on écoute jamais, il est très bien. Dans un film, il y a des personnages principaux et des personnages secondaires, et ce personnage insignifiant. Il aimait bien se mettre en avant dans les descriptions. Un petit indice. Ah, vas-y, vas-y. Éléonore. Ah, sous-titre-moi. Oui. Ah, bien joué. Joli. Pas mal. Joli. Pas mal. Et la dernière. Et vous savez faire des proutes sous les bras? Elle a le P. Non, non. Bah non, c'est le lab. Ah oui, Et vous, ça fait faire des proutes sous les bras. Ah. Ah non. Ça c'est pas le sketch ou pas. C'est du pas tout le sketch des. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah bon. Ah ok, d'accord. Ok. Alors, et c'était un faux ami puisque c'est une vidéo de McFly Kaito qui s'appelle cette vidéo s'arrête si quelqu'un rigole 3. Ah, ah pas mal. Oh le piège. Mais pas j'adore mal. Cette description. Donc, allez, ouais. Très bien. Mais ils étaient Carlito même dans les remerciements. Oui. Il laissait des discours. Très créatif. Très créatif. Ouais, il parlait à des gens. La dernière fois, bah, en cherchant des trucs. Carlito surtout. Hein, ouais, Carlito, oui, c'est Carlito. Et vraiment, je crois qu'il a un paragraphe entier où il parle de son rapport à Dieudonné. Enfin, à son père aussi souvent. Ouais, il parlait de ça. Son père revenait souvent. Et il y a ce sketch, parce que pareil, j'ai revu des vieux sketchs. Est-ce que tu te souviens dans lequel tu es, juste le potier? On a tous besoin d'un petit déjeuner complet pour être en forme. Breakfast and Furious. Breakfast and Furious. Ah, j'ai compris l'œuf ou la coke. Je sais plus ce que c'était. Ah bah, c'était le premier titre, c'était l'œuf ou la coke. L'œuf à la coke. L'œuf à la coke, parce que c'est ça la blague. Ouais. C'est qu'ils prennent un œuf à la coke. Mais c'était Breakfast and Furious. Il y avait parfois des titres de vidéos qui spoilaient la chute. Parfois dans les trucs, donc du coup fallait changer à qu'un titre moins bien, mais toi, qui permettait de... Breakfast and Furious. J'ai trouvé le titre. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. J'avais adoré ce tournage, c'était génial. Très propre ce sketch, très beau, très bien léché. Et tout. Mais tu vois, on parlait du sketch show, les parodies de pub, moi j'aurais aimé en faire plus. Ça, qu'est-ce que c'était drôle à faire. Ah, je me souviens que les trucs de SMS de Tyrell, c'était vraiment drôle. Je me souviens de, avec Julien, les trucs de. C'est des lunettes. Oui, ah, les pubs. Les pubs, les parodies de pubs Hot Wheels. Ah, surtout les gens. Waouh, c'est de l'œuf. C'était ta voix, du fromage. Fromage. Waouh, tu l'es fermenté. Génial pour tous tes repas. C'était vraiment super marrant à tourner. Ah, parce que là, avec Aude en gros plan fichier. Oh, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Faut juste y aller à fond, faut juste trouver le truc, le petit timing qui t'amuse. Il n'y a plus vraiment de justesse, t'es juste à fond. avec les perruques pas possibles. Et moi, je sens. C'est des lunettes! C'est des lunettes! À chaque fois, il me reste en tête. C'est des lunettes! Bon, bah, on est fan, quoi, en fait, de ce qu'on a fait. On est fan de nous! Non, on est fan de chacun, c'est ça qui est drôle. Non, mais c'est des bons souvenirs. Écoutez, quel meilleur épisode à faire après avoir annoncé qu'on partait, de se souvenir des bons moments. C'est vrai, ça fait du voilà, bien. Voilà, on se rappelle d'où on vient et pour ma part d'où ma carrière va s'arrêter. Oh mais pas non, du tout, je vais perdre 50% d'intérêt aux yeux de tout le monde. Arrête, arrête, j'en supplie. Tu es au cinéma. Cinéma. Déjà, moi je te le dis, t'es dans tous mes films si t'es d'accord. Donc voilà, c'est, je sais dit ici. Non, mais attends, sauf si tu frappes Johan. Mais en tout cas, je repense au début de l'épisode. Le nez creux d'arrêter au moment où je suis septième personne. Vraiment, clairement, vu la description dans le floodcast, c'est fini. Il est marrant, c'est terminé. Voilà. Il ne tient qu'à toi, Adrien. Chers amis, quand même, petite recommandation culturelle. Oui, un petit peu, voilà, parce que ça reste, même si c'est un épisode, ça m'a fait plaisir cet épisode, ça m'a rendu très heureux. Donc, oui, dans recommandation culturelle, des trucs que vous avez aimés récemment. Alors, ça peut être tout d'abord, vous allez voir, moi, c'est à peine culturel, donc c'est pour vous dire. Écoute, Justine Le Potier, qu'est-ce que tu as envie de conseiller aux gens, des trucs que tu as kiffé récemment? Écoutez, j'ai été invitée, alors je prêche pour ma paroisse, dans un live Twitch de Patrick Beau qui s'appelle Les vidéos qui ont marqué nos vies. Ah, ok. Et je ne pensais pas. Attends, Patrick, il est de retour sur Twitch? Eh ouais. Il dit rien. L'autre. Un an après. Et on attend la fin de l'émission. C'est pas possible. Il fait une vidéo par an et c'est celle-là. Ah. Et en fait, chaque invité doit donner 4 ou 5 vidéos, je sais plus qui l'ont marqué. J'ai eu un condensé. Je sais pas du tout à quoi m'attendre en faisant cette table ronde. J'ai eu un condensé de choc émotionnel et de rire. Je vous le conseille, c'est trop, trop bien. Parce que en fait, tu découvres, c'est Early Internet, les vidéos qui vous ont marqué dans les années 2015, 2010 et tout. Ouais. Une vidéo qui vous a fait toujours faire rire, une vidéo qui vous a choqué. Il y a un truc dont je ne me remets pas. Okay. Vous regarderez, mais j'arrive plus à dormir depuis. Voilà. Breakfast and Furious. Voilà. Et c'est trop bien. Ce bon Patrick. Voilà, j'ai fini. Super. Bon, très bien. Il va la mettre sur YouTube, tu penses, ou non, t'en sais rien? Bah, sinon, j'espère, sinon ça sert à rien, Marocco. Ouais, on peut la revoir. On peut la revoir. Bah, elle est pas sur son Twitch, en tout cas, visiblement. Ah, en replay, on peut pas la revoir. Non, mais attends, t'es sûr que c'est sur sa chaîne à lui? Ouais, je crois. Bon, tu crois? Bah, je crois. T'es sûr que c'était filmé? Vous savez quoi? Je vais enquêter et dans la description, il y aura tout. Je vais aller demander à Patrick. Pour la première fois depuis le début du Floodcast, on mettra dans la description les recos. On arrête au bon moment. Ouais, vraiment. C'est le moment. Ça devient ça un peu trop, voilà, faut arrêter. Adrien. Alors, peut-être pour la première fois dans l'histoire du Floodcast, décidément. Un bouquin. Mais non. Parce que j'ai enfin lu un livre en entier. Bravo. Depuis, ça fait, non mais en vrai, alors c'est terrible de ce que ça dit sur moi et sur notre époque, mais ça faisait des années que je n'avais pas lu un livre. Et j'ai lu un livre dont j'avais entendu parler dans le Cozy Corner à l'époque. Et c'est un livre très bon. Podcast, je vous recommande. Par ailleurs, et un livre qui s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages, A Psalm for the Wild Built en anglais. Parce que je l'ai lu en anglais, je suis pas bilingue, mais quand même pas mal. un livre de Becky Chambers, et en gros, c'est un livre de SF, mais d'un mouvement qui s'appelle le Hope Punk, qui en gros s'inscrit à l'opposé. Des uchronies, des trucs de SF très noirs qui décrivent un futur où tout va mal et tout ça. Et c'est justement de l'ASF qui se passe dans le futur, mais où les humains ont pris des bonnes décisions et la vie est plutôt bien quoi. Enfin, et là en gros le point de départ c'est l'humanité en gros a utilisé des robots dans les usines etc pour travailler et à un moment dans l'histoire par accident les robots ont acquis une conscience. Et du coup, donc ils ont eu conscience de leur existence et de leur statut. Et du coup, les humains, au lieu de continuer à les exploiter dans cet état-là, ont demandé aux robots, qu'est-ce que vous voulez faire en fait maintenant que vous êtes conscient? Est-ce que vous voulez continuer à travailler? Est-ce que, en gros, qu'est-ce qui se passe? Et en gros, les robots ont dit, on arrête de travailler pour vous, on part dans la nature. Donc en gros, c'est un monde où les robots sont émancipés et sont partis s'isoler. Alors ça se passe pas sur la Terre vraiment, mais on peut imaginer que c'est très proche. Et en gros, c'est donc les humains vivent dans les villes et dans toute la partie très sauvage de la planète, les robots vivent là, ils forment leur propre communauté. Et ça suit la vie d'un personnage qui s'appelle Dex, qui est un robot ou qui est un humain ? Qui est un humain, mm-hmm. Qui est moine en fait, parce qu'il y a toute une histoire de divinité, etc. Et à un moment qui dit « Ah mais j'en ai marre, je veux faire autre chose », et qui devient un T-Monk, c'est-à-dire un moine à T, c'est un certain type de moine qui... est itinérant et qui va voir les gens dans les villages et qui leur propose du thé et puis qui leur propose la conversation, enfin une sorte de psy light en gros, et qui commence à faire ça et qui se dit « Ah, ça va changer ma vie de changer comme ça de trucs ». Et puis malgré tout, Yel se sent pas, parce que c'est un personnage qui est non genré dans le livre, et toujours se dit « Ah, mais... j'ai toujours ce truc qui va pas », et à un moment décide de se barrer justement hors des sentiers dans la nature avec son espèce de caravane vélo machin, et du coup fait la rencontre d'un robot dans la nature, et après bon, ça suit leur binôme en gros, comment chacun va apprendre comment chacun va apprendre sur lui-même par le regard de l'autre, quoi. Le robot qui a une vision très forcément très terre à terre et tout ça de comment il voit les humains va apprendre à Dex quelque chose sur l'humanité et puis vice versa, et c'est vraiment c'est Terminator, quoi. C'est ça. non mais en gros c'est très d'ailleurs le sous-titre du livre par l'autrice est pour les gens qui ont besoin d'un break ou un truc comme ça, donc c'est vraiment un truc de et c'est pas, il y a pas une grosse intrigue, il y a pas, c'est pas plein de rebondissements et tout, c'est vraiment juste deux personnages qui sont ensemble, tranche de vie. Mais c'est très cosy, très il y a même des, ça apporte des réflexions vraiment via le dialogue entre les deux personnages, super. Et donc ça c'est le premier tome que j'ai lu, je lirai le deuxième parce qu'il y a un deuxième tome qui est sorti aussi, et j'ai trouvé ça super, voilà. Ça a l'air super. C'est un super livre. Il existe en français ou pas? Ça s'appelle Un psaume pour les recyclés. D'accord. Sauvages. Super, voilà. Ça donne envie. Bah, très bien vraiment vendu. Et je me dis ça pourrait faire un bon film, mais après aussi dur à vendre parce que le côté, il se passe pas non plus grand chose, quoi. Ouais, mais en tout cas c'est un super bouquin, qui vraiment fait du bien dans le côté déjà juste le fait que ça se projette dans une humanité qui a fait les bons choix est déjà bien, fou, ouais. Quoi, déjà, ouais. Fait du bien, et puis c'est très très doux, très délicat, très intelligent, donc voilà, magnifique. Vladimir. Oui, moi, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ici. C'est un film qui a passé un tout petit peu inaperçu, qui est sorti au tout début de l'année, qui s'appelle L'amour au présent. Je crois que c'est en anglais, c'est We Live in Time. C'est avec Florence. Je ne sais jamais prononcer son prénom. C'est son Pew. Nom. Pew. Florence, ouais. Pew. Pew, Marmaille. Voilà. Lui est dedans aussi. Et Andrew Garfield. C'est une histoire d'amour assez simple à la base, et ça déjoue à chaque fois les attentes. C'est plein de surprises. C'est très drôle et très très très touchant. Voilà, je vais pas en dire plus. Et alors, ce qui était fou sur ce film, je dis, ah vraiment, ça me parle, l'auteur, etc. Donc je cherche un peu, et parfois t'arrives des trucs comme ça, un peu de coïncidence, et je vois que le nom de l'auteur, pas du réalisateur, mais le nom de l'auteur s'appelle Nick Payne. Okay. Et je vois qu'est-ce qu'il a fait d'autre, et il a fait une des séries que j'ai préférées dans les années passées, qui s'appelle Wanderlust, avec, oui, Toni Collette. Ouais, bien sûr. Sur un couple qui, ça y est, les enfants sont grands, et ils vont essayer de réexplorer leur sexualité pour aller très vite, en ouvrant un peu leur couple, tout ça. C'est rien du tout de sordide, c'est qu'au contraire, ils retrouvent presque une adolescence en faisant ça. Et pareil, il y avait cette qualité d'écriture, etc. Et quand tu fais, waouh, deux fois de suite à 5 ans d'écart, ouais. Je suis touché. Et c'est le même mec en fait qui a écrit, qui en fait est dramaturge en Angleterre, etc. Tu fais, waouh, et c'est drôle. Et vraiment, en comédie, c'est vraiment fort. Et en plus, c'est vraiment touchant. Ok. Super, Live in Time. Oui, je pense qu'il est sorti en janvier, donc je pense qu'il là, là, j'ai vu, il est en VOD. Tu peux, voilà, tu peux commencer à l'acheter. Il va arriver bientôt sur les plateformes. En loc, et sûrement. L'amour au présent, c'est ça. L'amour au présent, okay. Et We Live in Time. Je l'ai noté. Vraiment. Pour ma part, ce n'est pas vraiment une reco. C'est un peu culturel, mais je suis allé à Bruxelles. La ville. Je vous recommande la ville de Bruxelles. Ah oui. J'ai adoré. Non mais. C'est trop bien. Écoutez, j'y suis allé de rares fois et de façon assez claire. Je suis venu pour présenter Les Leroy avec José Garcia il y a quelques temps. Je crois que j'y étais allé avant pour un festival. Enfin, je le sais d'ailleurs, j'étais allé avant pour un festival. Et là, j'y suis retourné en vrai touriste avec ma fille. On n'était que tous les deux. Et j'ai adoré cette ville. Voilà, je vous le dis, c'est trop chouette, c'est trop beau. C'est vrai que c'est pas super si grand. Alors, peut-être que si, mais quand tu y vas en touriste, en tout cas, tout se fait à pied assez facilement. Et souvent t'as pas trop le choix parce que c'est aussi loin en métro ou en tramway quoi. Donc voilà, tout se fait. Les gens, j'ai trouvé les gens cool. Peut-être j'ai eu de la chance. Peut-être qu'il y a des Belges, non, ils vont me dire cool, non, il y a des relous. Mais en tout cas, je suis tombé sur des gens cool. Et alors, je tiens à féliciter. Et là encore, je sais que je vais recevoir peut-être des DM de Belges qui vont me dire que je dis n'importe quoi. Mais les transports en commun à Bruxelles, ils ont ce truc où j'ai dit mais pourquoi le monde entier ne vous a pas suivi Bruxelles. Quand tu passes le truc là. T'as pas besoin de carte, t'as pas besoin de ticket, tu peux payer avec ton téléphone. Alors il y a ça à Bordeaux, il y a ça dans beaucoup de villes apparemment. Et bah, c'est ce qu'on m'a dit. À Lyon, tu peux payer avec ta carte bleue, à New York aussi. Non, mais, je sors de mon petit Paris alors. Mais c'est du coup, exactement ça, c'est m'énerve. Toutes les villes sauf Paris quasiment, hein, toutes du les coup, grandes villes. Paris m'énerve alors. Mais coup, est-ce qu'il n'y a pas un truc sur comment tu contrôles les gens? Comment ça se passe? Moi c'est ça que je me suis posé comme question. J'ai pas ça. Moi, comment les contrôleurs. Je pense que tu sors ton app et il y a marqué. Oui, mais là c'est avec vraiment la carte bleue, moi j'ai payé. Tu vois, tu peux payer avec la carte bleue, t'as pas le. Ça, il doit y avoir un truc. Non, mais il y a des gens qui font confiance et qui contrôlent c'est pas. C'est ce que j'allais te dire. Peut-être qu'il y a un truc un peu comme mais ça. Alors, cela dit, apparemment, à Paris, avec l'appli Île-de-France Mobilité, tu peux. Oui, tu charges. Tu peux passer ton téléphone maintenant. Mais ça y est, parce qu'avant, charger ta carte. Tu dois quand même charger ta carte sur ton téléphone. Laisse-moi tranquille. Non. Non. C'est apparemment, vrai que c'est pour ça qu'on arrête le podcast. Non, mais au départ, c'était que Android et apparemment, maintenant, c'est aussi sur iPhone. Tu peux passer ton téléphone et. Bon, en tout cas, moi, j'ai découvert ça à Bruxelles. J'ai adoré ça. Si c'est ça le futur. Bah, moi je suis d'accord. Il y a encore toi, c'est ton livre qui t'a donné ça. Moi c'est cette façon de payer. Il y a encore les trottinettes là-bas aussi. Oui c'est vrai. C'est vrai. Ouais, alors ça je suis partagé. Ouais. Je suis partagé moi sur les trottinettes. J'ai pareil, il y en a plein à Lyon. Là j'ai passé le week-end. Lyon est très sympathique, mais les trottinettes. Moi c'est surtout qu'il y a les. En fait s'il y a les vélos autant qu'il y a les trottinettes. Moi c'est plus ça. C'est-à-dire que. Bon. Ça me fait flipper les gens, les plus jeunes notamment. Là c'est vraiment un truc de vieux, mais les plus jeunes s'en cassent machin sur les trottinettes, ça me fait. Mais les plus jeunes normalement ils ont pas de carte bleue, ils peuvent pas prendre des trottinettes. Et j'ai fait voilà. Alors c'est apparemment c'est toi qui l'avais dit. J'en ai parlé à un pote. Il dit oh, Adrien, je crois qu'il déteste. C'est Aurélien Prévost qui m'a dit ça. Quoi encore? Non mais apparemment t'aimes pas trop le musée de la BD de Bruxelles. C'est pas que j'aime pas trop, c'est que j'y suis allé et j'ai été très déçu parce que tout le monde a dit t'es à Bruxelles, va voir le musée de la BD. Je suis d'accord. Et je me suis fait yesh. Et voilà. Et donc effectivement, je suis d'accord. Ouais. J'ai pas trouvé okay, ça. Ok, merci. Ouais, voilà. Non mais parce que j'ai trouvé c'est quand même un comble, quoi. Ouais. Oui, voilà. C'est normalement, tu devrais avoir le plus beau musée de BD. Mais surtout, avec tu comprends des planches pas originales, que... et choses oui, comme oui. ça. Très c'est... peu de planches originales. Ouais, en fait. Mais c'est ça qui m'a bizarre, c'est énervé, que c'est ni vraiment pour les geeks de la BD, parce que t'apprends pas grand chose. Mais c'est pas non plus très ouvert à base de ah bah regardez, il y a une planche, je sais pas, de Tintin, d'Astérix, de trucs pour les gens qui n'y connaissent rien et juste ça leur fait plaisir. Comme la Cinémathèque, je trouve, fait très bien souvent leurs expos, à savoir, il y a autant des trucs un peu, tu vois, Cameron, c'était chambé parce que t'avais autant des trucs genre, oh, il y a un alien et le costume de Terminator, et t'avais des trucs originels, des trucs qui t'expliquaient comment fonctionnaient les spéciaux. C'est les meilleurs expos. Voilà, donc effectivement. C'est une non-reco que tu nous fais. Non, alors le musée de la BD, j'ai pas adoré. Mais, j'ai fait le musée d'histoire naturelle. Alors, ça s'appelle peut-être pas comme ça d'ailleurs. Mais avec les autres dinosaures, etc. Et, machin, et ça, j'ai trouvé. Ouais, les autres dinosaures. Et ben, c'était chambé. Il est trop bien leur musée. Il coûte rien du tout. C'était 12 balles l'entrée et tout. Ah, et quand même, c'est pas mal. Bah, il y a de quoi faire, hein. Pour c'est un musée, sur tous les étages. C'est bien. Enfin, c'est. Ah ouais, je me rends pas compte. Je sais pas. Mais toi, c'est. Je suis déconnecté des réalités. C'est ça que t'es en train de dire. Ouais. Non, t'as mais payé alors, comme les transports en commun, t'as pas regardé. Non, mais j'étais avec ma fille. T'as dépensé sans deux... compter. Oh. Dinosaure. Top, là, Jurassic Park. non, et voilà. Super musée, super bien fait pour les enfants. Il y a un petit truc où ils peuvent apprendre à l'archéologie. Il y a un truc, ma fille a découvert une passion pendant ce musée. Donc, j'ai trouvé ça génial. Donc, voilà. J'ai adoré Bruxelles. Il faisait beau. C'était chouette. Un régal. J'y ai bien mangé. J'ai passé de très bonnes vacances à Bruxelles. Des gaufres. une petite gaufre, des petites frites, et pourquoi pas. Et pourquoi pas, d'accent là. De frites. Alors c'est bon, mes Marocco culturels que je vous fais. Et j'y vais pas par quatre chemins. T'es un salaud, ouais. Ange et compagnie. Bien. C'est gentil. Mais non, mais j'ai eu la chance. J'adore ça maintenant que j'ai que des gens qu'on connaît font du cinéma. J'adore voir les films avant qu'ils sortent. Quand ils sont encore pas avant les effets spéciaux, où tu peux discuter avec le réal. J'ai eu la chance, là, cette année, j'ai enchaîné Toi et Mac Walter de Simon Astier. Et j'ai, voilà, j'adore faire ça parce que tu te dis, ah, c'est cool, c'est, déjà, c'est une marque de confiance extraordinaire. Donc moi, ça me touche à chaque fois. Et voilà. Et je trouve, pourquoi aussi je voulais faire un peu un épisode spécial Golden? Parce que je trouve que si les années Golden vous ont touché, on retrouve un peu cette magie-là, je trouve, de mélange de effectivement de fantastique, de dialogues qui font plaisir, de rom-com, de prestations d'acteurs, plein de second rôles, comme tu l'as dit. Ange et compagnie, et j'ai trouvé ça vraiment très drôle, très joli. Ça m'a fait plaisir parce que c'est que des gens que je trouve très drôles qui sont dedans, donc ça m'a fait plaisir de les voir ici. Et j'ai trouvé le film très chouette, et je suis d'autant plus heureux de, parce que ça peut arriver que ce soit des films moins chouettes de gens qu'on connaît, et là c'est un film très chouette, donc vraiment bravo à toi. Et j'ai trouvé ça, bravo à Romain aussi, et Navo qui l'a écrit avec vous tout aussi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est au cinéma mercredi là, quand l'épisode sort, donc c'est sort mercredi au cinéma. N'hésitez pas à y aller avec, entre autres, Adrien Méniel avec un bob. Je peux pas mieux vous le vendre. Oui. Il a un bob sur la tête. C'est-à-dire que dans les Leroy, il avait une chemise dégueulasse. Là, il a un bob. On essaie de le mettre bien. On attend le prochain rôle. Je suis toujours mis en valeur. Je lui écris des rôles en fonction du look, moi. Je ne pense que comme ça. Merci, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. C'était un plaisir un peu nostalgique, mais très, très agréable. Pourquoi pas de temps en temps. Écoute, franchement, pourquoi pas. Justine Lepotier. Oui. Le stand-up, t'as enclenché alors, la seconde. Alors, parce les que là, gars, t'as fait du 30-30, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est trop bien passé. J'en profite. Putain, ça y est, je deviens humoriste, je fais ma promo. Mais t'as bien raison. Je joue à Quand Montréal. Quand est-ce que tu fais des petits sketchs où tu te filmes toi-même? On a hâte de les voir aussi. pas tout de suite. Le 31 mai, je joue à Montréal. Allez. Putain, mais celle-ci. À 21h, les gars, venez. Je joue le même soir que Panayotis Pascaux à 8 minutes à pied. Fallait le faire à Montréal. Inutile de vous dire que je flippe pour le remplissage. Et le 18 mai à Lille, au Marrant Comedy Club. Et à Montréal, c'est le Théâtre Sainte-Catherine. Et donc, c'est du 30 pareil ou tu... C'est, à chaque fois, c'est du 30, ouais. Waouh, pas mal. Alors, première expérience de 30, comment t'as... Ah, c'était génial. C'est, je crois, j'ai cru que j'allais dégueuler de stress avant de monter. Bah oui, c'était à deux doigts. Bah, c'est la DA. Hein. Et en fait, j'ai eu la magie de la première fois et c'était trop, trop bien. Ouais. Voilà. Trop bien. Trop donc, ce sera sans doute à chier la deuxième. voilà. Pas forcément, pas mais, forcément. Non, mais s'il y a des Québécois... Ouais. S'il y a des Canadiens qui sont venus, s'il y a des Lillois, venez. Ouais. Voilà. Ah, des Lillois, il y en a. Parce que après Bruxelles, je suis passé à Lille et j'ai croisé. Enfin, j'ai une très modeste célébrité, mais on m'a arrêté 5 fois quand même à Lille. Bah... Donc, il y a du gens qui le 18 mai, je viens jouer à Lille. Et j'avais vu un peu l'année dernière à tes débuts quelques. Ah oui, voilà. Tu avais vu au Popino tout. Mais il y avait déjà un ton à elle. Mais oui, voilà, mais une petite papate. Voilà. Elle revient. Une petite papate qui est là. Justine la papate. Ce sera le titre de mon spectacle. Non, la papate dégueule. Axel Malivernet, donc auteur bien connu, m'a trouvé un titre. Il m'a dit, je suis sûr ça va cartonner. Ça s'appelle Justine le potier pue de la gueule. Ce sera le nom de ton spectacle. Et tout le monde rit à chaque fois. Et je suis à deux doigts d'appeler ce spectacle Justine le potier pue de la gueule. Ça va être dur d'avoir les arocs avec ça, mais oui. Moi, ok, si à aucun moment tu ne parles du fait de puer de la gueule. Et bah, s'il y a un petit. Y a un petit truc dedans. Mais t'avais fait un sketch là-dessus aussi. Oui, mais j'ai un problème avec ça. C'est incroyable, ça la suit. Adrien Méniel, donc, tu es dans Ange et compagnie, bien entouré, j'ai envie de dire. Oh là là. Et, pas mieux. Et tu écris en ce moment, j'écris même. Toujours tu avec, écris Chloé, fond, avec Chloé. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a annoncé, je suis con, on peut le dire maintenant. Voilà, j'écris toujours avec Chloé, tout se passe. Et ça se passe bien, vous êtes content. Oui, très bien. Génial. C'est super. Trop bien. Et bah écoutez, merci à tous. Et puis à très bientôt. Justine, c'est déjà barré, je peux pas vous dire mieux. Ouais. Salut tout le monde. Ciao, bien sûr. Bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.